Ciao, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On sera là à partir de 20h. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de l'émission 01 42 48 5000. On les écoute et on les passe même sur l'antenne. 01 42 48 5000. Rendez-vous demain soir à 20h. Et Mickaël No Limit qui débarque comme tous les soirs dès 23h sur Fun Radio. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? En pleine forme. Ça va mieux toi? Bah écoute, oui, bah au fur et à mesure, le bleu s'en va. Enfin, le bleu s'en va. Le il bleu est descend. Jaune, là ah, c'est toi le monstre que j'ai trouvé dans le couloir. Ouais, non, exactement. Ouais. Ouais. Non, c'est le Schtroumpf. On peut appeler comme ça aussi. Ouais. Non, non, ah, mais oui. ça descend. Bon, bah voilà, après. Hein. Ah oui, d'ailleurs, Doc, on se posait une question depuis dimanche. Est-ce que quand t'as un bleu qui guérit, est-ce qu'il chatouille? Enfin, est-ce que quand ça chatouille, est-ce que ça veut dire que ça guérit? Oui, bien sûr. Ça se... Oui, tout à fait. Ça disparaît parce qu'il faut que tous tes macrophages ou ça bouffe ça. Macrophage. Oui, macrophage. Ça devient jaune. C'est, voilà. D'accord, donc tu vois Tom, j'avais raison parce que Tom se foutait de ma gueule. Ah, c'est ça, ça guérit. Ah bah merci Doc. Ah, je t'en prie. Ouais, j'aurais dû demander hier, j'ai oublié. Bah, c'est 15 euros, Mickaël. Et ça me chatouille sa mère, donc c'est positif quoi. Oui. Bon, bah tant mieux. Doc, j'ai un bouton. chez toi, c'est incurable. Ah ouais, là c'est mort, il n'y a pas rien à faire. Bon, bah bon, bonne soirée à vous. Je vais dire bon week-end, mais pas du tout. Non, reviens demain. Oui, voilà, bah, plus que deux jours, vous inquiétez pas. Ça vient, ça vient. C'est ça, et puis là, vous connaissant, vous allez arrêter le 1er juin avant les grandes vacances, non? Non. Pas du tout. Je connais mal. Bah écoute, je suis surpris, c'est pas mal, c'est bien. Ouais. Bon, bah alors, bonne soirée à vous. Alors. Salut. Et puis nous, on est parti là jusqu'à 2h du mat sur Fun. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Salut Alexandre. Salut. Tu voulais parler des pires hontes, c'est ça? Ouais. Bon, c'est quoi ta pire honte? C'est ta voix. Un jour, je ramène une meuf à la maison. Ouais. Et donc, je commence à la baiser et tout, sauf que le sommier, il pète. Et donc, le lendemain, je me suis fait défoncer. Je suis genre, ouais, tu ramènes n'importe qui à la maison. C'est pas un hôtel. En plus, c'est gros, c'est la pété le lit. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde, 23h01, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est de retour. Allez, pour que comme tous les soirs, hein, si vous avez quelque chose de bien écouter le soir à la radio justement, on est là de 23h à 2h du lundi au jeudi, le dimanche également de 20h à minuit. Ça comme ça depuis le mois de juillet, donc j'espère que vous avez commencé à prendre le pli pour les nouveaux qui débarquent. Mais évidemment, vous êtes les bienvenus, on est d'ailleurs 400, combien? 410, 413, je sais même plus combien on est. Qui connaît? On est plusieurs, 414. Oh bah voilà. Donc, j'ai pas vu le truc s'emballer là. Bon bah 414 000 sur le Facebook de l'émission. Bah c'est gentil déjà de venir de plus en plus nombreux. On va saluer également Jennifer qui fait bien de racler sa gorge afin de ne pas avoir la voix rauque. Comment ça va? Salut, ça va Michel? Ça va Java, ça va Jennifer, t'es tranquille, t'as 30 ans toi, tu fais quoi dans la vie? Bah je suis assistante maternelle, donc je maternelle. Oui, voilà, je suis assistante maternelle à 7 dans l'Hérault. D'accord, très bien, parce qu'on et cherche justement quelqu'un pour garder Toff la journée. Ah d'accord, ok, mais il est calme ou pas? Oh, il est un peu bruyant, mais ça va. Mais ça dépend, combien mesures-tu? Non, mais ça dépend, mais ça n'a rien à voir, elle fait l'assistante maternelle. Oui, mais justement, combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 70. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? Ah, je sais pas. Ah oui. Et la taille de mes pantalons que tu as acheté? Attends, c'est du lourd ou pas? Est-ce que c'est lourd? Bon, c'est 42. Et c'est B, C, D, E, F. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. H, I, J, K, L, M, Z. T'achètes jamais de soutien-gorge en fait. O, P. Non, là, j'achète jamais. Ouais. Donc tu peux garder Toff ou pas? Oui, y a pas de souci, oui, y a pas de problème. Moi, je suis pas sûr de vouloir, mais. Bon, bah parfait. Donc, dis donc, t'as vu ta gueule? Bah oui, justement. Bah oui, bah raison de plus. Bah justement, tiens, y en a qui se permettent des choses, hein. C'est comme je le dis à chaque fois, l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. Bon, oui, voilà, donc, c'est ça. Exactement, ouais. T'as fait quoi aujourd'hui? Ben, je me suis occupée de mes enfants, je suis allée les chercher à l'école, j'ai préparé un gâteau, et puis voilà. Un gâteau, la prochaine fois, tu n'oublies pas de partager la prochaine fois. Hein. C'est pas un gâteau, c'est un gâteau. C'est un gâteau. Attends, allez, reste avec nous si vous voulez passer à l'antenne, là, ben, comme Jennifer qui est avec nous. Si vous voulez parler avec nous de ce que vous voulez, ben, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 et on délirera tous ensemble, évidemment. Sandro qui a passé une bonne journée aujourd'hui. Ouais, très bonne. Rempli de sport. De sport, hein. Ah, elle n'a fait que plein ça. Plein de sport, tant mieux. Toff également là. Là, tu as même pas le droit de parler. Voilà, on appellera ses amis tout à l'heure. Mais va te faire enculer. Voilà, tu connais pas Jennifer par hasard des gens de Boisterci qu'on pourra appeler pour poser des questions à la con? des amis, mais bon, ils sont pas trop. Voilà, quoi. Ils vont même pas leur faire des blagues parce que voilà quoi. Ah bah justement, c'est ceux que je préfère, ceux-là. Voilà, donc bah, il vaut mieux pas. Bah justement, c'est ceux-là qu'on aime bien. Surtout bon, bah, qu'elles ont pas des maris qui rigolent, donc. La raison de plus, raison de plus, c'est ça qui est. En fait, quand ça se marre pas, c'est là que ça nous fait marrer en fait. C'est ça. Ouais, mais regarde. Moi, je risque de me prendre des coups après. Ah oui, non, mais regarde, parce que regarde, celui-là, il rigolait pas non plus. Mais va te faire enculer. Voilà, il rigolait pas du tout, hein. Oui, non, ça c'est clair. Et Polo qui continue d'agrandir son armée des doux, hein, comme tous les soirs. Ouais, en fait, j'agrandis, oui, en nombre, hein, parce que je n'agrandis pas les doux. Ah non, on peut pas les agrandir, ouais, hein, ils grandissent naturellement. Tiens, et j'imagine que vous êtes tous au courant que la Coupe du Monde arrive dans un mois maintenant. Non. Si, dans un mois tout pile, ce sera le 13 juin. Donc, et qu'il y aura c'est le premier match Brésil-Croatie, et c'est aujourd'hui que les coachs devaient rendre leur sélection. En gros, quel joueur allait jouer, hein. Et donc, venez nous dire si vous pensez que les joueurs choisis, et surtout, est-ce que grâce à ça, grâce à cette sélection, justement, la France ou même la Belgique va arriver loin. Voilà. Qu'est-ce que t'as entendu parler de ça, j'imagine, Jennifer? Je sais pas si tu suis un peu le foot ou pas du tout. Oui, je connais le foot, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, est-ce que tu penses que la France va aller loin ou la Belgique ou le oui, pays? Oui, la France va aller très très loin. La France va aller très très loin. D'ailleurs, on salue également la copine de Nasri là, qui a dit j'emmerde la France, j'emmerde Deschamps. Ben, c'est nous qui on t'emmerde, pays de merde, ouais. Etc., etc. Ouais. Et puis après, il y a Madame Gignac Nadine également qui s'est énervée aussi et qui a dit fils de pute à Didier Deschamps. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Efficace. Ouais, très très classe. Voilà. Donc tranquille, c'est bien. C'est bien d'accepter le fait de ne pas être sélectionné. Parce que c'est aussi une sélection, tu vois, c'est pas acquis. Non. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que les joueurs ne s'énervent pas, a priori en tout cas, mais leurs meufs, ça ouais, enculé, sale enculé. Oh. Elles ont mieux à faire, par exemple, le ménage ou la cuisine. Oui, c'est ça, et t'as raison. Bon, t'as envie d'écouter un son particulier ou pas, Jennifer, soir là? Oui, Shakira. Shakira, le nouveau, j'imagine, forcément, oui. Le nouveau. Non, le majeur, mes enfants, ils adorent ça. Majeur? C'est quoi ça, majeur? Oui. Majeur. Major de Shakira, oui. Mais t'es relou. Attends, je sais même pas si je l'ai celui-là. Alors attends. Non, mais c'est pas Shakira, Major. C'est Major. Ah, Major Lazer. Oui, voilà. C'est ah bah ça, oui, mais enfin, donne-moi le nom complet. Voilà, oui. Major Lazer, oui, bah Major Lazer, ça, y a pas de problème, ça, je l'ai. Voilà, bon, on le mettra tout à l'heure, du coup, pas de problème. D'accord, ok. C'est possible de faire un dédicace? Bah, vas-y, si tu veux, profitons puisque t'es là. Donc, en fait, je fais un dédicace à ma tante de Montpellier, mes sœurs qui habitent à Ballarus, mes cousines Laurie et Meryl. Tout le monde, quoi. Et je fais un dédicace à mon mari Hassan. Très bien, et bah, message passé, pas de problème. Tiens, bon, on écoutera aussi, ça c'est mon son préféré ça. Avicii avec Lay Me Down. Ouais, ça me donne envie de faire des abdominaux ça. Ah ouais? Mais j'en fais pas. Bah oui, ça effectivement, je l'aurais remarqué sinon, effectivement. Et puis Katy Perry tout à l'heure aussi, Birthday. Si vous voulez écouter un son particulier, bah n'hésitez pas. Hein. Avec le hashtag Mickaël, vous demandez sur le Twitter de l'émission. Et puis bah si c'est possible, je vous les mets avant 2h du mat. Bah Jennifer, en tout cas, merci d'avoir appelé. Je te fais des tours, gros bisous. De rien. Moi aussi, gros bisous à tout le monde, à toute l'équipe. Et bah et tu reviens quand tu veux, sans problème. Salut, à bientôt, gros bisous. Allez, gros bisous. Bye. Salut, bye. On t'embrasse. Fort. Et il y a Christopher qui est là également pour la colle. Salut Christopher. Salut. Comment ça va? Et on forme Christopher. Impeccable. Bon bah tant mieux. Bah t'es là pour la colle, alors profitons-en. Ouais. Hein. La colle qui va te permettre peut-être de repartir avec un iPad mini dans quelques minutes. Ce alors, sera pas mal. Pose, je la pose pas là. De quoi? Je la pose là, non? Ah bah oui, là il va falloir. Alors je suis indispensable à la vie de l'homme. Et je m'arrête, on me choque. Qui suis-je? Alors je suis indispensable à la vie de l'homme, mais quand je m'arrête, on me choque. Qui suis-je, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre avant, parce que je sais que je connais la réponse. Ah bah alors vas-y. Alors c'est la bite. Attends. Non. Ah bah non, c'est pas ça. Bon bah tant pis. Hein. Bon, j'ai été volé. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, un jour ce le sera, il va proposer autre chose, tu vas voir. Un jour il va y avoir la réponse et ce sera autre chose, tu verras. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous pouvez tenter votre chance par deux manières. Soit par SMS, si vous voulez, vous pouvez jouer en envoyant Mickaël suivi de votre réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Je vous mets la colle dans quelques secondes. facebook.com/Mickaël officiel. Je répète encore un coup. Je suis indispensable à la vie de l'homme, mais quand je m'arrête, on me choque. Qui suis-je? Et il y a un iPad mini à gagner. Voilà, si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, vous donnez la réponse, c'est gagné. Et en l'occurrence, Christopher aura perdu. Si jamais c'est l'inverse, c'est que bah, vous passez pas à l'antenne parce que vous ne décrochez pas ou que la réponse est mauvaise. C'est Christopher qui gagne. On donne la réponse avant minuit 30. Tu restes avec nous, Chris? Ok, ça marche. T'as envie d'écouter un son particulier, toi, ce soir? Shut Me Down. Shut Me Down. David Guetta et Shotek. Ah non, ça c'est Bad, je suis con. Non, pas Shotek, l'autre. Laquelle Shut me down. Merde, je l'ai pas sous la main. Avec les copains. Ouais, tout à fait. Mais je vois très bien laquelle de tu veux parler. Mais tu mets Bad. Ouais, au pire, je vais très bad, ouais, non, mais on doit l'avoir quelque part qui traîne. Bon, écoute, je vais chercher, puis j'essaierai de la trouver. Ah, bah voilà, voilà, voilà. Voilà. J'ai trouvé. Bah très bien, on doit la mettre à tout à l'heure sans problème, Christopher. Okay, ça marche. Y a pas de souci. À tout à l'heure, Christopher. Tiens, t'as ton avis, toi, ton idée sur le foot, là? Comment ça va se passer grâce à la sélection Didier Deschamps? Je suis pas foot. Ah, tu dis pas foot, toi, tu t'en fous. Non. D'accord, ok. Bah, moi, je regarde comme ça, mais sinon, je m'en fous. Je d'accord, ok. Bah, tu penses quand même un petit pronostic pour la France? Elle va aller jusqu'où, tu crois? Elle va aller nulle part, elle va perdre un match. Non, ah, oui, mais si. Non, bah, elle en fera au minimum. Deux grands matchs et c'est tout, basta. Ah, deux grands matchs et puis c'est tout. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on verra bien. Hein. Mais normalement, deux victoires, ça suffit pour passer en huitième. Ah, je sais plus, mais faut. Voilà, je sais pas, tu rentres trop en détail là pour moi. Pardon, je suis désolé. Bon, avec Christopher, passe une bonne soirée en tout cas. On te récupère tout à l'heure pour donner la réponse à la colle. A tout à l'heure, Christopher. Ciao à toi. Il y a Mathieu qui est avec nous, tiens, qui veut donner son avis par rapport à la Coupe du Monde. Salut Mathieu. Salut Mickaël. Oh, un doux, c'était le doux d'hier, toi. Bah, je le suis déjà. Bah oui, je sais, c'était le doux d'hier. Comment tu t'appelles encore? C'est quoi ton pseudo alias de doux? Mathieu. Non, mais ça, c'est ton pseudo, enfin, c'est ton nom, prénom normal. Mais ton nom de doux que Polo t'a donné hier? Non, c'était pas hier. C'était quand? C'est jeudi. Ah, jeudi. Et on t'a donné quoi comme nom de doux? Je sais plus. Oh, bah, bravo, Mathieu. Noter ça. Bah, il faut noter ça, c'est super important. Oh là là là là là. Bon Mathieu, du coup, alors qu'est-ce que t'en penses de la sélection de Didier Deschamps? Bah je pense qu'ils auraient pu mettre Abidal en défense. Ah ouais. Ouais, c'est ouais. Non, c'est, t'as raison. C'est ça qui va tout changer. Ben oui, peut-être. Parce que bah regarde, hop, le ballon va passer, bam, dans le but. Ah ouais. Ah oui, alors que si Abidal était là, hop, ça aurait moi, été chaud. Moi je pense la plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir mis comme il s'appelle, merde, j'oublie son nom. Nasri? Oh, non, le du PSG là. Ah, Zlatan. Zlatan. Oui, mais il n'est pas français, le problème, ouais, c'est qu'il est suédois. Oui, mais si on le paye. Ah oui, bon, on peut changer sa nationalité, pourquoi pas. Oui. Ouais. Bon, écoute, Mathieu, à la limite, la prochaine fois, tu devrais être le sélectionneur. Bah ouais. Bah franchement, ouais. Hein. Tu joues à Football Manager ou pas? Non. Non, bah tu devrais commencer par là, déjà, ce serait déjà pas mal. Le hein. FIFA. Tu joues sur FIFA, bah c'est bien aussi, il faut jouer, c'est bien aussi. Bon, bah Mathieu, merci à toi d'avoir appelé. Hein. Mika? Ouais. Je pourrais écouter un son? Bah ça dépend, qu'est-ce que tu veux. Black Pearl, eh ben écoute, ça tombe très bien puisque c'est celui que je vais mettre dans quelques minutes. Voilà, eh ben je te le mets juste après la pub, tu restes là, c'est dans 30 secondes, d'accord? Décroche, hein. Allez, à tout à l'heure, Matt, tout de suite. Bon, allez, on se fera le jeu de la rupture aussi ce soir. Et puis, je vous avais promis la petite surprise à propos du chat de Easy, mon chat, là. Oh, minou. Ah ben oui, bah, j'avais une vidéo, vous allez voir, je vais vous la mettre dans quelques minutes sur le YouTube de l'émission, sur le Facebook également. Ça va être du très très lourd et c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio, le son de Black Pearl et Sydney House. Sera Black Pearl, ce sera... c'est Rebelle avec Sydney House et ce sera Black Pearl. Ouh, je vais y arriver. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il n'y a plus de pub là maintenant, on est tranquille. Il y a un message de Mathieu qui dit... Attends, où est-ce qu'il est Mathieu? Ça fait 2 semaines que je vous écoute, plus, un petit coup de pelle, ça me remettrait les idées en place. Et un message de bienvenue, oui. Ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Et coup de pelle aussi, évidemment, bien entendu. Cécile qui dit, je suis au taf, heureusement que vous êtes là. Bah, merci d'écouter Cécile surtout. Et Vladimir Poutine qui dit, salut la famille, salut Vladimir. Et salut tout le monde, hein, tous ceux qui sont connectés sur le Twitter, sur le Facebook également. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre, évidemment. Retour avec la colle de Christopher dans quelques minutes. Thierry, Kevin et Nicolas qui voulaient réagir par rapport à la sélection pour le foot. Alors, rassurez-vous, on ne va pas y passer la soirée puisque nous aurons dans quelques minutes eh bien, les appels de Toff. Ah. Ouais, c'est ce qui va arriver dans quelques instants sur Fun Radio, 23h15. Là, bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit, on est en direct tous les soirs sur Fun. Prévenez vos potes, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. 23h, 2h, du lundi au jeudi. Et bien entendu aussi, tous les dimanches soirs, on est là, bien sûr, de 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, c'est parti, Black Pearl maintenant, c'est Rebelle et Sydney House sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec le son de Rebelle et Sydney House. Comme promis, c'était Black Pearl. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon ben ça y est, je vous ai mis la vidéo à l'instant là sur le Facebook de l'émission ainsi que la colle. La vidéo sur le Facebook, c'est celle de Easy, le chat qui a décidé de se prendre pour le roi du monde. Sauf que n'est pas roi du monde qui veut. Non, c'est vrai. Le roi des animaux étant le lion, hein, le chat est quand même vachement loin derrière. Donc, si vous voulez aller voir, je n'en dis pas plus, je ne dis pas ce qui se passe dans la vidéo, allez voir, vous verrez, c'est la surprise. Ouais. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Enfin, vous tapez MIKAELOfficiel sur le Facebook, c'est aussi simple que ça. Et pareil aussi sur YouTube. Venez nous rejoindre d'ailleurs hein, sur la chaîne YouTube de l'émission. Tapez MIKAELOfficiel, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe. Je tiens à taper un scandale parce que ce week-end avec Toff, on a voulu aller à la rue des putes. Oui, à Bruxelles, la rue d'Arscott. Et on n'a pas pu parce qu'ils ont tout fermé. En fait, tout est en sens. Ouais, ils ont. C'est les travaux. Non, ouais, c'est ça. Il y a les travaux et donc tout. On a voulu couper par les petites rues. En fait, ils ont tout mis en sens unique pour qu'on puisse plus y accéder. Quoi. C'est parce que c'était une des rues les plus embouteillées d'Europe. C'est-à-dire que ça avançait le moins. Il y avait personne, mais ça avançait le moins vite. Et on a c'était un truc de ouf. Donc oui, dommage. Ouais. Bon, allez voir la vidéo du chat. Vous nous donnez votre avis là. Ça vous a fait marrer ou pas? En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Donc facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Jong qui dit ce que j'aime bien dans Mickaël No Limit, c'est tout. Eh ben, c'est gentil, Jong. Théo également. Salut l'équipe. La France n'ira pas loin à la Coupe du Monde avec une telle sélection. Et Marinette qui dit toute l'équipe, comment ça va? Je vous aime. Bah, c'est gentil Marinette, gros bisous à toi. Ophélie aussi qui fait un petit coucou à toute l'équipe. Au moins on t'embrasse Ophélie. Et big up à toute l'équipe. Heureusement que vous êtes là tous les soirs. Je suis trop en retard dans la rédaction de mon mémoire. C'est la panique. Mais je vous écoute et ça va tout de suite mieux. Je vous aime, gros bisous, c'est Solène de Grenoble. Bon, et je rappelle que si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour les cours, vous nous demandez et puis nous on essaye de faire au mieux. Hein. Bien sûr, on a toujours une solution. On essaiera. Ouais. Bah, je sais pas si la solution va être au top, mais en tout cas. Elle aura le mérite d'exister. C'est vrai. Elle aura le mérite d'exister. Bon, parlons foot vite fait maintenant avec Kevin. On va prendre d'abord Nicolas qui est avec nous de Paris. Salut Nicolas. Nicolas. Ouais, tu m'entends? Ah, très bien maintenant, impeccable. Salut Nico, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette sélection France et Belgique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu les deux. Hein. Oh bah, elle est catastrophique la française. Elle est catastrophique? Ah bah c'est une sélection marseillaise, on va dire. Tout de suite. Ah non. Ça va être le vestiaire. Est-ce qu'ils vont sortir du bus ou pas cette année? On verra. franchement on verra. Non mais moi je suis vraiment un grand fan de Paris, je suis un jeune ultra, donc j'ai vraiment ça. Hop, monsieur papier. Papier s'il vous plaît, on va vous surveiller là. Ouais, c'est ça. Monsieur un ultra, ça veut dire ça. Ils m'ont déjà dans le collimateur. C'est normal déjà. Ah oui déjà, mais quoi, tu dois aller pointer ou pas? Vous verrez sur les Champs-Élysées samedi soir. Oui, bah moi je serai pas là, donc ça va, moi je verrai du tout. Je vous promets un très grand feu d'artifice. Ah bah très bien, écoute, au moins comme ça, au moins on a l'information d'exclusivité. Je tiens à préciser que je travaille pour les renseignements généraux. Oui, bon pas encore, mais il est en train d'essayer de postuler. Je vais postuler. C'est ça, voilà. Plus il y aura de monde, mieux ça sera. Oui, bah ça va. En même temps, sur les champs, tu prends pas trop de risques. Hein. Non. C'est rarement complètement désert sur les champs. Et tu sais quoi? Là, ce qu'il vient de dire, eh ben, en fait, la France va aller très loin parce qu'ils sont tous en train de cracher sur l'équipe et sur des champs. Exactement. Et dès qu'ils font ça, les mecs, ils... Et moi, je me souvenais d'un Marseillais qui avait dit ça. Oh, pédé de Parisien. Ah bah lui. Bon, donc toi, tu penses que ça va pas aller loin? Bah non. Des mecs comme Loïc Rémy, moi, je sais pas ce qu'ils font là. C'est pas des joueurs de foot, hein. C'est des vendeurs de kebab, honnêtement. Oh là là, ça la violence gratuite. On va prendre l'avis de Thierry quand même aussi qui est là. Salut Thierry. Oui. Oui, comment ça va Thierry? Bah très bien. Bon, bah, tant j'aime mieux. J'aime pas trop le commentaire ce qu'il dit, mais bon. Bah donne ton avis, bon, c'est son avis, ça se respecte. Voilà, bon, bon chacun donne son avis. Hein. Mon avis à moi, c'est que si on parle de Marseille, je pense que Paris, bravo. Merci. Ils sont champions et... Non mais on parle pas de Paris, de Marseille, on s'en branle, hein. C'est vraiment l'équipe de France. Bah après, oui. On va pas commencer à rentrer dans le détail. Je pense que au lieu de critiquer Didier Deschamps, je pense que on ferait mieux de voir ce qu'il va faire maintenant. Je suis d'accord. Et voir si on est cap ou on n'est pas cap d'aller jusqu'au bout avec l'équipe qu'il va choisir, avec enfin, le nombre, les personnes qu'il a pris. Et après, on verra s'il n'a pas réussi. C'est pas qu'il n'a pas voulu. Oui, non, mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est au moins, on va laisser faire et puis on verra bien ce qui se passe. Il a raison. On va pas reprendre à chaque fois. On prend Deschamps est à Marseille, Deschamps est pas tant ci et pas tant ça. Mais il faut arrêter, on s'en branle de Paris, Marseille, ouais, tout bon, ça. Je pense, que, Attends, on t'entend hyper mal, Thierry. Je sais pas ce que t'as comme téléphone, mais on t'entend super mal. C'est normal, il y a Mars. Ah là, ça va un peu mieux là. Voilà, eh ben excuse-moi, parce que là, je suis dans la campagne. Moi je dirais que on va prendre des champs. Il a pris la responsabilité de gérer l'équipe de France. On va pas le critiquer, on va le laisser faire. On va voir. Mais c'est ça, faut le laisser faire. On verra bien, hein. On aurait même dû mettre Toff, tu es en entraîneur. Mais attends, moi en entraîneur, il aurait été directement là pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que on va pas le juger. Mais non, il faut pas le juger. Mais justement, attends Thierry, deux secondes, il y a Kevin aussi qui est avec nous. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Salut l'équipe. Ça va? Eh, dis-moi, t'es pas noyé dans tes oreilles, toi? Je vais te démonter. Kevin qui nous avait appelé parce qu'il avait les oreilles décollées. Ouais, j'étais toujours hein. Oui, je me doute, ouais, effectivement. Je rigole. Ouais, mais s'il était gardien de but, ça pourrait l'aider. C'est vrai. Ah ouais, là tu nous entends bien. Je vous capte tellement bien là que sans déconner, on est limite dans ton oreille là, carrément. Putain, là. C'est le feu hein. C'est quand même vachement bien. Bon, alors c'est quoi ton avis toi sur le football? Ouais, non, à part 4-5 joueurs, on va dire qu'il s'est bien démerdé, Deschamps. Mais à part 4-5 joueurs sur 23, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bah ouais, attends. Il met Michael Landreau dans la liste des 3 gardiens. Ouais. Il met Stéphane Ruffier en réserviste. Mais c'est un con. Non, c'est normal. Ruffier, Saint-Etienne, ils sont 4e. Mais ça veut rien dire. Stéphane Ruffier, c'est un monstre. Et il me met Landreau. Landreau, c'est sa fin de carrière. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il arrête, je crois, Landreau. En plus, Landreau, il se casse. Ouais. Bon, tu sais quoi? J'aurais même pas dû poser la question en fait en début d'émission. Laissons faire et on en parlera après. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire la France hein? On verra. Ils vont se faire dégommer à part Ribéry et Benzema, ils vont aller baiser et après ils vont rentrer. Voilà. Et attends, t'oublies la plage, ils vont aller bronzer. Ah ouais, et après ils vont rentrer. Et à Rio de Janeiro, tu vas voir, ça va être la folie. Hein. Et boire 2-3 caipirinha et puis Bien sûr. Évidemment. Un petit son brésilien comme ça, et puis après ils vont se mettre bien. Ah, ils vont se mettre bien, ouais. Regarde, ils vont arriver la sortie d'avion déjà, t'imagines le dos? Voilà. Ils sortent tous de l'avion. Est-ce que je peux avoir ça pour le contre le reste du monde? Si tu veux, ouais. Oh, j'adore. Voilà. Tu vois, ça me correspond alors, bien. Voilà, ils sortent de l'avion puis ils arrivent à l'hôtel. Oh, hop là. Samba de Janeiro. Simple si. Voilà. Et puis ils arrivent au stade et. Bah rien, puisque le stade n'est pas terminé. Oui. Donc on n'ira pas très très loin. Ah oui, c'est vrai. Le stade n'est pas l'aéroport non plus. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait ils avaient fait des travaux pour agrandir l'aéroport, pour accueillir tous les spectateurs, les étrangers, tous ceux qui vont venir. Sauf que l'aéroport n'est pas encore terminé, donc du coup, pendant la Coupe du Monde, l'aéroport sera en travaux, donc ça va être des trucs provisoires et il ne sera terminé qu'après la Coupe du Monde. Ouais, et Roberto, nous voilà rassurés. Oh dur. Bah oui. En plus c'est dans un mois, ouais. Dans un mois on démarre le truc. On essaiera d'abord Roberto, notre producteur de film, pour voir s'il a prévu un truc par rapport à ça. Ah bah je pense, ouais, il doit faire 2-3 tournages là. Bah ouais, parce que c'est Roberto, notre producteur de film pornographique. Enfin, c'est pas le nôtre, hein, c'est un gars qui fait ça. Donc, comme c'est un Brésilien, du coup, on va voir s'il a effectivement prévu un truc au passage. Bon, bah merci Thierry, Kevin et Nicolas d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, les mecs. Hein. Ouais, dis-moi, Michael. Ouais. Je peux te poser une question? Dis-moi. Ouais. Est-ce que mes oreilles, c'est. Ah, mais Polo, regarde. Hey, Kevin, on rigolait. Écoute, mais je sais que vous rigolez, mais écoute-moi. Alors, le 23 juin, je vais monter à Paris. Ouais. Bah tant mieux. Spécialement pour vous voir. Attends, c'est cadeau là. Attends, mais le 23 juin, c'est à quel jour ça? C'est un lundi. D'accord. Bah vous bossez le lundi. Bah peut-être pas ce jour-là malheureusement. Ouais. Je pense qu'exceptionnellement le 23 juin on sera pas là. Mais bâtard. Non, si. Bah sauf si je tombe encore dans ma douche là, comme maintenant, mais sinon. Ferme-la, t'as même pas le droit de parler. Voilà. Bon, et donc tu passes nous voir. Et donc ouais, j'ai une question justement. Mais oui, Toff te paye ton billet, t'inquiète. Non mais je m'en fous du billet. Je prends l'avion ou le train? Bah je sais pas, tu fais comme tu veux. C'est quoi le plus proche de chez vous en fait? Non, moi je pense que si t'es un vrai mec, tu viens à pied. Exactement, ouais. Tu viens à pied comme un vrai. Mais non, quatre pattes même. Non, hé Kevin, c'est ce que tu fais, tu montes sur une montagne, tu te laisses glisser avec tes oreilles, tu seras arrivé d'ici 2-3 heures. Bah ouais, voilà, c'est ça, t'as qu'à faire montgolfière. Oh, t'es une gamine, Polo. Tu mets 2 allumettes de chaque côté de tes oreilles et puis tu montes, tu vas faire montgolfière comme ça. Non, mais c'est vrai. Vous êtes des enfants. Non, mais tu prends moins cher après le plus facile, je pense que c'est le train parce que ça part de chez toi et ça arrive ouais, dans le centre. J'arrive à Paris Gare de Lyon, mais c'est à côté de chez vous. Enfin, pas des masses, mais non, oui. Si. Bon après, il y a les métros. Enfin, métro tu sais quoi je connais pas du tout moi. Tu regardes Google Maps. Ouais. Ça te donnera, parce que moi je ne connais pas plus que toi à Paris. Donc, Si, en fait, ce que tu fais, j'ai métro. Peur de me perdre. Tu m'écoutes, Kevin? Oui, je t'écoute, Polo, le gamin. Gare de Lyon, tu prends la ligne 1, c'est direct Franklin Roosevelt, tu descends et tu vas à gauche, et puis tu remontes, c'est voilà. Là, à gauche. Et Polo, on est entre Chloé et Chanel. Exactement, oui, c'est ça, ouais. C'est bon, voilà. Vous êtes proche des Champs-Élysées, vous. Exactement, voilà, tu regardes un panneau, il est marqué Ancien Bar à Pute, c'est ici. Ah, il n'y a pas un resto Pépita en face comme Ah non, ça, Pépita, non, Pépita, on a arrêté avec ça. Plus. Non, Pépita, bon. On a arrêté avec ça. Ah, je vais regarder, mais bon, il y a plus bon. Eh ben, rendez-vous le 23 juin alors. Allez, ça marche. Bon, salut cool. À toi, Kevin. Ciao. Et oublie pas de nous ramener des petites spécialités d'Antibes. Hein. Y a pas de problème. Bon, et Mickaël, tu peux me passer le va te faire enculer, gros bâtard. Alors attends, parce que tu me prends, prends un sec là. C'est monstrueux ça. Alors attends, hop là. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, ça y est, c'est fait. Apollo, tu me mets sur CD, tu me l'envoies ça. Putain, t'inquiète, ça, on va essayer de gérer ça. Tu demandes beaucoup de choses, Kevin. Apporte déjà une spécialité d'Antibes et après on verra. Bon, à tout à l'heure. Ça marche, allez. Salut à toi, ciao, Kevin. Bon, on va se faire le jeu de la rupture aussi dans quelques minutes. On va récupérer Christopher pour la colle et puis qui a une grosse bite. Pas moi. Non, les auditeurs sont passés là. Vous n'avez pas une. Est-ce que vous êtes bien membres, les gars? Non. Attends, dans le micro, ouais. Comme moi. Là. On va dire que ça va. On va dire que ça va. Comment tu t'appelles? Vince et Maxime. Et Maxime, toi? Ouais, moi je me porte bien. Porte bien, d'accord. Bah bonne nouvelle, enfin mauvaise nouvelle en l'occurrence, ou bonne, bon ça dépend. Plus vous avez un gros sexe, plus vous avez de chances d'être trompé. Ah oui, les mecs. Oui. Ouais. C'est encore une très grosse étude, très grande étude américaine qui nous l'apprend. Et donc moralité, il vaut mieux avoir une petite bite. Oui. Bah. Voilà. Donc on va. Ce que je propose, c'est qu'on va en parler dans quelques minutes. Bah. On oui. va appeler surtout les gens dans quelques instants. Allons-y. Et puis dites-nous les filles si vous êtes déjà tombé sur un mec qui avait effectivement un gros membre ou même si vous. Non. C'est qu'on va pas me prendre la vie des mecs parce que de toute façon ils vont arriver. Mais oui, moi j'ai un gros, une grosse bite. Oui. Et personne donc, ne me trompe. Les filles. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui avait effectivement un sexe démesuré? Vous nous appelez vous au 01 oui aussi ouais. Et vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Stadium X, on écoute ça maintenant, c'est Hole at the Moon sur Fun Radio, il est 23h30, c'est Mickaël No Limit, bienvenue. Le son de Stadium X à l'instant sur Fun Radio, c'était Hole at the Moon. 23h 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et toujours en direct évidemment. Bah oui, avec le jeu de la rupture qui va débarquer dans quelques minutes. Il y a Club Med qui dit pour l'équipe nationale belge, notre sélectionneur a fait les bons choix. Bah je pense aussi, hein, je pense que la Belgique elle ira pas mal là. Il y a Victor aussi, vous faites délirer du lundi au jeudi, je vous adore. Mais t'oublie pas le dimanche aussi Victor, on est là de 20h à minuit. Et Mickaël qui dit je suis au taf et tous les soirs vous vendez du rêve. Merci beaucoup, merci pour tout. Doria et merci d'écouter Mickaël. Cécilia également qui dit bien le chat, trop de la bombe. Oui bah allez voir. Il y en a qui pensent que Toff ou Polo est derrière tout ça, mais pas du tout. Hein. Ah non. Il a fait pas ça d'enfume. Tout à fait volontairement. Il a fait ça tout seul comme un mongol pour tout vous dire. En fait j'étais dans le bain. Et c'est le chat qui a voulu qu'il se promenait, cette espèce de mongol. Et à un moment j'ai cru qu'il allait faire tomber l'ordinateur cet abruti. Et puis après il est passé, il a voulu faire le malin, il a voulu mettre une patte pour toucher l'eau parce qu'il aime bien l'eau. Toucher l'eau, sauf que ça a glissé, c'est vautré dedans. Donc voilà, la vidéo est là, allez la voir, partagez-la si elle vous fait marrer. Vous allez donc sur le Facebook, tapez Mickaël Officiel ou direct sur la chaîne YouTube de l'émission. Elle s'appelle également Mickaël Officiel. Bon, vous suivez la chaîne hein, tout simplement, hein, voilà, vous nous suivez et puis comme ça au moins on sera cool. Il y a Vertige qui dit salut, j'ai découvert votre émission cette semaine. La France jusqu'en demi, ce serait déjà extraordinaire. Ah c'est Yvan ça. Bah merci Vertige, bah, bienvenue à toi. Ah c'est Vertige Création. Merci et puis bienvenue à toi. Hein, il y en a comme ça qui débarquent tous les soirs de nouveaux auditeurs qui sont là, de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et le boss Niakov qui dit je me suis fait choper en train de coller des autocollants Mickaël No Limit dans mon bahut et coller 3 heures demain. Eh bah très bien, comme ça pendant les 3 heures, t'auras l'occasion de coller d'autres. Ouais, c'est vrai, tu seras à la cool, pépère, les surveillants ils seront peut-être même pas là. Non, je pense que tu seras bien là, tu seras plutôt bien. Avant de faire le c'est quoi ce soir? Ah oui, c'est le jeu de la rupture. On va jouer avec Arnaud et avec Johan. On va d'abord se faire les appels de Toff, bien entendu. Ah. Puisque bah, cette grande nouvelle, justement, une grande étude américaine qui dit qu'apparemment, plus on a un sexe de taille importante, plus on a de chances de se faire tromper. Oui. C'est scandaleux. Bah oui. Donc grâce au numéro de téléphone que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, eh bien nous vérifions donc justement cette petite enquête américaine. C'est parti, on y va, on appelle 23h35 et puis bah, le jeu de la rupture, ce sera juste après. On aura également Mathieu et Christopher pour la colle. Oui, allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous avais ce que je voulais savoir. Si votre mari avait un gros sexe, madame. Vous êtes vraiment con. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Vous posez des questions connes. Mais pas du tout, madame, enfin, pourquoi vous dites ça? Ouais, allô? Elle a raccroché, attends, bouge pas. Ah, pas, on va la rappeler. Tu poses des questions, comme cela dit, elle n'a pas totalement tort non plus. Oui, allô? Allô, faut pas vous énerver comme ça, madame. Non, mais sérieusement, franchement, vous avez pas autre chose à faire. Allez voir le truc de votre meuf, ou allez vous occuper d'autre chose et lâcher les gens, quoi. Bah oui, non, mais sérieusement, mais là, attendez, quoi. Ça tue votre monde à poser des questions connes. Non, sérieux, quoi. Vous avez pas autre chose à faire. Mais enfin, elle est pas conne, ma question, madame. Vous y avez juste pas répondu. J'ai pas envie de vous y répondre. Pourquoi vous voulez que je vous réponde à ça? Bah, parce que je vous ai posé la question, madame. Mais vous êtes qui, vous, pour me poser des questions comme ça? Moi, je m'appelle Toff, madame. Ouais. Bah oui. Ouais, et après, prenez pour vous. Bah c'est tout, moi je veux juste savoir si votre mari a une grosse bite ou pas, madame. Mais franchement, arrêtez vos conneries, quoi. Arrêtez vos conneries. Mais c'est pas une connerie, madame. Allô? Allô? On a pas très bien compris la fin, malheureusement. Non, ouais. C'est dommage. Attends, on va la rappeler encore un petit coup quand même. Hein. Un petit dernier. J'ai peur qu'elle parle un peu dans sa barbe. Bon, allez. On lui laisse encore une chance. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, non, madame, c'est pas gentil de raccrocher comme ça. Mais franchement, vous m'emmerdez, donc qu'est-ce que je vous dise, moi? Vous m'emmerdez. Bah. Donc, j'ai pas envie de vous parler, j'ai pas envie de vous répondre à vos questions connes. Je suis désolée, quoi, j'ai autre chose à faire, quoi. Bah oui, mais et c'est... En plus, franchement, vous avez de la chance parce que c'est pas ma fille qui vous répond. Parce que franchement, vous posez ce genre de questions et c'est ma fille qui est au téléphone, donc, je vous jure, vous passerez un mauvais quart d'heure. Donc maintenant, vous arrêtez vos conneries, ok? Sérieusement, votre émission, là, ou je sais pas quoi, là, votre délire, vous l'arrêtez. Vous allez appeler à notre numéro. Peut-être que la personne vous répondra. Ah bah oui, okay, mais... Moi, j'ai pas envie de vous répondre. Bah oui, mais c'est plus facile si vous répondez, madame. Je serai pas obligé de vous rappeler. J'ai pas envie... Écoutez, bah vous savez quoi? Je vais raccrocher, continuer à rappeler, je vous répondrai pas. Oh bah c'est pas gentil, ça, madame. Oh bah mais tant pis, alors. Ah bah non, dommage mais... Dommage pour vous. Ah bah oui. Oh, elle est pas gentille, la dadame. Hein. Bah la non. Dadame, vous la faites chier. Pas du tout. Okay. Bah oui, mais répondre à la question, je vous rappellerai plus. Oh, la dadame, on va la rappeler encore. Mais oui, on rappelle une dernière fois la dadame. Attends, encore un petit coup là, et puis après on arrête. Hein, la dadame, on fera le jeu aussi là, avec le jeu de la rupture. C'est pour ça que ça va décrocher. Allez. Oui. Oui, donc en fait, je demandais à votre femme. Allez vous faire enculer. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah oui, bon, bah voilà, bah, on a eu monsieur, je pense qu'il. C'est rapide. Ils vont bien ensemble. Tiens, il y a Eric qui dit marrante la vidéo d'Izzy. Bah oui, plutôt drôle. Il y a John qui dit la vidéo m'a trop fait marrer. Et Nadia qui dit dans un mois la Coupe du Monde, mais on va perdre. Lol. Et Julien qui dit on dit que les joueurs de foot sont cons, mais leurs meufs, visiblement, trois petits points. Oui, bah écoute, là, en l'occurrence, les deux meufs, là, effectivement, sont pas très fut-fut, a priori. Bah, celle de Nanasri, j'ai pas vu, mais celle de Gignac, elle est pas mal quand même. Ouais, non, je parle pas ça. Physiquement, elles sont pas mal, mais après, c'est juste c'est nul quoi. Enfin, oui. Leur réaction en l'occurrence. Allez, jeu de la rupture avec Johan, avec Arnaud. Salut tous les deux. Merde, c'est ma faute. Hop là, j'avais pas poussé sur le bouton. Comment ça va tous les deux? Bah ça va et toi? Bah tranquille. On va se faire un petit jeu là, on va se faire une petite rupture. Ah bah oui. Ça me paraît pas mal. Casque DJ en plus est gagné. Arnaud t'appelle dans le Loiret de Chengy, c'est ça? Changi, on dit, très bien, parfait. Et Johan t'appelle de Nancy, c'est plus facile à dire. En Meurthe et Moselle. Donc, on va jouer, le principe est très simple. Je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y en avait des nouveaux là, tout à l'heure, notamment qui envoyaient des messages. Donc il y en a effectivement qui se branchent sur Fun pour la première fois. Et donc soyez les bienvenus. Le jeu de la rupture, c'est tous les mardis soirs. Et le principe est très simple, on appelle des gens au hasard. Et le but, c'est que, eh bien, vous ayez une discussion de rupture, comme si vous cassiez avec votre copain ou votre copine. Sauf qu'évidemment, on ne sait pas chez qui on va appeler. On ne sait pas si on va appeler chez un garçon, chez une fille. On n'en sait absolument rien, Arnaud et Johan. Le but, tenir le plus longtemps sans se faire accrocher au nez. D'accord ? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, petit exemple entre Polo et Toff, en imaginant que Toff soit le candidat et Polo soit l'appelé. Ah, c'est moi qui appelle Polo. Bah oui, toi t'appelles Polo, donc tu... Oui, allô? Ouais, allô? Oui, je voulais te dire que je t'emmerde, parce qu'en fait, voilà, bah j'avais envie de te dire que je t'emmerde. C'est non, pas ça, c'est pas ce jeu-là, c'est le jeu de la rupture. Ah oui, pardon. Ouais. Ah, donc tu vas te faire enculer, tu me rappelles, sale con. Bon, vous avez compris qu'il fallait pas, ce qu'il fallait pas faire, ne pas se tromper de jeu, quoi. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc on va la refaire, donc tu... Qu'est-ce qu'il est con? Oui, allô, tu m'as trompé? Quoi? Bon, alors tu... Tu m'as trompé? Non. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, bah en fait, je voulais te dire qu'on se quitte. De quoi? Non, on se quitte, parce que j'en ai marre. Tu m'as saoulé. Comment ça, je suis qui? Tu te souviens pas de moi? Bah, salaud. Écoutez, monsieur, je pense que vous vous trompez de numéro de téléphone. Ouais, c'est alors, ça, je ouais. Je sais pas si c'est votre émission ou quoi, mais vous vous êtes trompé. C'est ça, ta femme est là et tu veux pas avouer. Écoutez, mon fils travaille dans la gendarmerie, donc arrêtez tout de suite ou nous allons vous pister. Eh bah, piste-moi, de toute façon, je m'en fous, je veux plus te voir. Tu t'es fait baiser comme un âne. Voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est plus ou moins ça qu'il faut faire, bien entendu, mais ouais. N'hésitez pas à avoir de l'imagination et à être meilleur. Bon, on y va, qui veut commencer? Arnaud ou Johan? Honneur au petit nouveau. Eh ben, petit nouveau, Johan, tu vas démarrer donc, voilà. Même si t'es pas nouveau, c'est pas grave. Johan, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va, on appelle le premier, il faut tenir le plus longtemps possible. Discussion de rupture. Et il faut pas dire, je pense qu'il y a une rupture, etc. Allez, bonne chance, Johan. Ah ben, on commence bien, hein. Allô? Oui, allô, je te dérange? Oui, vu l'heure, oui. Vous êtes qui, monsieur? Tu me reconnais pas? Non. Comment ça? Tu reconnais pas ma voix? Non, je sais pas, vous êtes qui? C'est moi. C'est allez, la rupture, c'est pas le qui est-ce? Vous êtes qui, monsieur? Donnez-moi votre nom. Dites-moi votre nom. Tu me reconnais pas? Oh, il a pas compris. Bah, dites-moi votre nom, monsieur. Je pense que vous faites erreur. Et le pire, c'est qu'il a déjà joué. Non, c'est rien, pas du tout. Oh, putain. Voilà. D'accord. Bah, vous êtes qui? Effet. Bah, c'est moi. Oh, putain. Bon, écoutez. Maintenant, c'est bien simple. Maintenant, ça va être la police. Ah, déjà? Okay. Putain. Alors, vous me dites vous êtes qui? Sinon, ça va très mal se passer. Bah, je sais pas, tu me reconnais pas. Oh là là, mais qu'il est mauvais. Non. Du tout. Ah, il est pas bon. Hein. Mais putain, mais rompe. Oh bah, en fait, bon, il est parti, il est parti, il est parti. Non, mec, mais arrête de dire non. Il fallait dès le départ dire, bon bah écoute, voilà, je pense qu'il faut que ça s'arrête là. C'était pas le qui est, c'était le jeu de la rupture. Le jeu du qui est. Ouais, tu sais, j'ai foiré. Ah bah oui, t'as foiré. Ouais, on a entendu, ouais. Bon, du coup, t'as fait de la. Bah, du coup, tu sais quoi, zéro seconde, je compte parce que tu n'as pas suivi les règles du jeu. Il y a pas eu de rupture, il y a rien eu, donc je ne peux même pas compter les secondes. Zéro. Hop, Arnaud, il y aura une deuxième manche. Mais en attendant, on va prendre Arnaud. Arnaud, là, ouais. Donc, tu as eu un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et tu peux me mettre un message bien puissant, là, bien vulgaire. Ah, pour là, te donner, pour te donner un peu de courage. Ouais, c'est ça. Alors, attends, bien puissant, bien vulgaire. Oh, j'ai ça en tête, hein. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel. Ouh, oui. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé, de gay. Comme ça, t'as pas de ride au pédé que tu es, t'as compris? Voilà. Allez, vas-y, Arnaud, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et on y va. Donc, t'as entendu ce qu'il ne fallait pas faire avec Johan. Allez. Ça décroche là quand même. Encore une sonnerie. Sinon. Ah bah on appelle un autre, c'est pas grave. Arnaud, hop là, dès que t'entends plus la musique, tu dis bien allô et tu démarres. Et donc le jeu de la rupture, hein, pas du qui est-ce. Allô? Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Est-ce que tu as deux minutes à m'accorder, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Bah, en fait, je voudrais savoir pourquoi tu m'as trompé avec ton patron, en fait. Parce que là, ça me fait mal au cœur, en fait, là, ce que tu m'as fait. Vous avez trompé de numéro, là? Non, non, c'est bien toi que je t'appelle, c'est toi mon copain. Donc, que je fais appel. Voilà, quoi, donc je te demande pourquoi tu m'as trompé en fait. Ah, vous êtes trompé de moi, moi c'est Frédéric, toi. C'est qui là? Bah moi je m'appelle Jean-Pierre, moi. Ah bon? Je vous connais pas, moi. Bah si, c'est toi qui m'as trompé avec ton patron, j'ai vu tes messages et ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Bah oui. J'ai bien vu ton message, il a dit est-ce que tu peux passer au bureau pour que je te fasse une pipe et que je te tue bien fort. Il rigole. Ah bon? Bah oui. Vous me prenez pour un con, non? Vous croyez pas? Non. Non du tout. Je te prends pas pour un con. Ah ouais. Il fait semblant de mais pleurer. Pourquoi tu m'as fait ça alors? Je vous connais même pas, moi. Bah si. Ah bon? C'est Jean-Pierre. Tu me reconnais pas? Hein? Tu me reconnais pas, Jean-Pierre? Jean-Pierre Sauzet? Non. Bah pourtant c'est moi. Hein. Ah et bon, j'ai bien vu ton message. Pourtant c'est quoi, moi. Ton patron t'a invité, quoi. Ah ouais, c'est bien. Bah ouais. Bon, on arrête là, nous deux. Comment? Nous deux, c'est fini, hein. Ah bah, je vous connais même pas. Bah si. Je suis Jean-Pierre. Et alors? Je suis Jean-Pierre, pays des Jean-Pierre merveilles. Tu me reconnais pas? Non, non. Bah c'est moi. Ah bon? Tu me reconnais pas, c'est bah, moi. Oui. Bah ouais, ouais, forcément, ouais. Bah, en tout cas, nous deux, c'est fini. Il est parti, il est parti, il est parti. 1 oh, minute putain. 48, bravo. Pas c'est mal. Pas mal, c'est pas mal. T'as vu, Johan? Ouais. En plus, t'avais déjà participé, t'avais perdu, Johan. Bah, c'est bien parti pour refaire une doublette, hein. Ah oui, c'est bien parti. Parfois, quand on est mauvais, il faut pas insister. C'est vrai. Bon, la mi-temps. Oh, la mi-temps. Parce qu'on parlait du foot. La deuxième manche sera juste après la pub. Vous restez là. Je vous calerai aussi dans quelques minutes le son de Avicii sur Fun Radio. Lay Me Down. Ça va débarquer, continue d'ailleurs avec tous vos messages et le hashtag et Mickaël. Et n'oublie pas d'aller voir la vidéo du chat, là, la vidéo de mon chat Easy qui s'est vautré dans la baignoire. Donc la vidéo est sur le Facebook. Tapez simplement Mickaël officiel et puis bah likez et partagez si ça vous a fait marrer. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio 23h52 et on est parti pour la nuit sans pub. À la cool. Y'en a à dire qu'il est mort de rire, ton chat il fait le beau et plouf. Oui, bah c'est ça, c'est quand on fait le malin. Et un message aussi de Solène. Ah oui, qui était en galère parce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire encore? C'est son mémoire, non? Son mémoire, ouais. Ah, oui. Solène qui dit j'accepte la proposition avec grand plaisir, Mickaël. Je vous attends donc chez moi. Vous écrivez 10 pages chacun. Bon, écoute, pourquoi pas après. Faut voir le thème, quoi. Pas de problème. Voilà, donne-nous le thème, Solène. Et Verti aussi, Jean-Pierre mort de rire, qu'il est bon que je te fasse une pipe. Oh my god. Et puis, on n'a plus de nouvelles de Jean-Pierre Sauzère, tiens. Non, c'est vrai. C'est, bah, Jean-Pierre, je alors, qu'est-ce que tu deviens? Donne-nous des nouvelles. Appelle-nous. Bon, en plus, tu pourras appeler au standard et directement les insulter, tu passeras en VIP. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Je vous écoute depuis juillet, mais je n'ai jamais eu de message de bienvenue. Est-ce que je peux en avoir un, s'il te plaît? Mais bien sûr. Alors, attends. Je vais t'en mettre un petit là. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, comme ça après tu pourras parler tranquille. Bon, et puis Fred 34 qui dit Arnaud s'est bien débrouillé au jeu de la rupture. Ouais, pas mal. Il a bien géré son affaire. Bon, avant de prendre Mathieu qui va nous parler de quoi dans un instant, Mathieu là, salut à toi. Salut. Ça va? Oui, toi. Bon, il s'est passé un truc grave vu l'état de ta voix. Non, c'est bon. Ah bon, d'accord, ok, très bien. On va parler de peur. Bah ouais. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi? Bah moi, je me suis fait choper alors que je me branlais en cours. Parfait, normal. Eh ben reste avec nous, on va en parler, tout un programme. À mon avis, Toff a déjà certainement beaucoup d'anecdotes à nous raconter à ce sujet. Sur la branlette en cours? Ouais. Pas tant que ça, en fait. Ah, quand même. Bon, non, c'est un des rares endroits où je me suis jamais branlé. Ah bon, ah bah carrément. Mais par contre, il y a d'autres endroits dans le bâtiment où je me suis branlé. Ça, je me doute, ouais. Bon, bah dites-nous si vous vous êtes déjà fait griller justement en cours. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah Mathieu, reste avec nous. On va également prendre Christopher avec la colle, là. T'es toujours là, Christopher? Ouais, je suis là. Bon, bah très bien. Allez, refais péter la colle pour gagner l'iPad mini. Le principe est très simple. Si vous pensez avoir la bonne réponse à la colle, eh bien, vous vous inscrivez. Si vous passez à l'antenne, vous gagnez. Si vous décrochez pas ou si vous n'avez pas la bonne réponse, vous perdez et à ce moment-là, Christopher gagne. Quelle est la colle? Vas-y, répète-la. Alors, je suis indispensable à la vie de l'homme et quand je m'arrête, on me choque. Qui suis-je? Voilà, je suis indispensable à la vie de l'homme, mais quand je m'arrête, on me choque. Vous avez la bonne réponse? Eh bien, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Paul sur le Facebook qui proposait l'esprit. Non. On proposait le ver de terre. Non. L'oxygène. Non. Il y a Elodie qui proposait Tanguy. On parlera pas. Non. Tristan qui dit cette merde de Toff. Non. Il y a Victor qui proposait la banane. Non plus. Il y a Jenny qui dit le cerveau c'est valable aussi. Non. Bah non. Il y a Xavier qui proposait son téléphone. Non, non. Et enfin, Christophe qui proposait la femme mort de rire. Non. Non, c'est pas ça. Bon, allez, vous envoyez la réponse par SMS ou alors via le Facebook de l'émission. Vous pouvez jouer aussi. On donne la réponse dans une petite trentaine de minutes. Facebook.com/MIKL officiel. Christopher, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, ne bouge pas de là pour les autres. Bah, allez-y, hein, si vous voulez jouer. Je vous souhaite bonne chance. En parlant de jeu, on va terminer avec Arnaud et avec Johan. Arnaud qui avait plutôt pas mal joué avec 1 minute 47 quand on a appelé pour le jeu de la rupture, alors que Johan a fait 0 seconde. Bravo. Ah oui, félicitations. Bravo, hein, bravo Johan. Bravo. Je te le mets avant l'heure. Voilà, je te le mets avant l'heure, mais c'est juste comme ça, hein, parce que bon. Enfin, on sait jamais. Tu peux très bien faire un miracle là maintenant, sait-on jamais. Avant que tu n'appelles, on va d'abord continuer avec Arnaud qui va retenter sa chance et faire son deuxième appel. Et comme on prend le meilleur des deux appels, Arnaud, si jamais tu fais une minute maintenant, par exemple, eh bien on prendra évidemment en considération 1 minute 47, d'accord ? D'accord. Allez, 1 minute 47, c'est le score que t'as fait juste avant la pub. On y va, on appelle maintenant Arnaud, le principe est toujours le même. On appelle quelqu'un au hasard, on ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un vieux, un jeune, on n'en a pas la moindre idée. Et le principe, c'est que tu fasses une conversation de rupture, ok ? Ok, ok. Allez, bonne chance Arnaud, il y a un casque DJ à gagner si tu es bon Arnaud. Et pour l'instant, tu as déjà une oreillette de ton côté. Ce serait mieux d'avoir les deux, évidemment. Allez. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Hein. Oui, allô, bonjour. Allô, oui. Ça va ? Ah, déjà, il tombe sur un petit peu charmant. T'as 2 minutes à m'accorder, s'il te plaît ? Non, pas du tout, hein, parce que en parce que en fait, moi c'est Jean-Pierre et en fait c'était pour dire que nous deux c'était fini, parce que j'en avais marre de toi, tu m'as toujours trompé, donc voilà quoi, c'est pour dire que nous deux c'est fini. Ah, eh ben voilà, bah très bien, ça a duré 32 secondes. T'es là ? Voilà, non, ah merde. T'es là ? Non, ça a duré 32 secondes et là raccroché. C'est fini. Ah ouais, bah ouais. Bon, on va garder 1 minute 47, c'est mieux. C'est dommage parce qu'en plus, sur une meuf et tout, c'était peut-être plus facile, mais je sais pas. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Johan ? Yep. Un petit message pour me booster. Oh, attends. Mais c'est du dopage là. Attends. Oh, espèce de connard. Voilà. Allez, Johan, sois bon, on y va, on appelle. 1 minute 47, score à battre. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Et n'oublie pas la règle du jeu, hein, jeu de la rupture. J'oublie pas. Ouais. Bon, on sait jamais, Johan. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, je te dérange ? C'est qui ? Ah bah, c'est Alexis. Hein ? C'est Alexis. Tu connais pas ? Allô ? Oh, mais qui ? Oui ! Bravo ! Hey, bravo, voilà ! Wow ! Bravo, yo ! Arnaud ? Ouais. C'est gagné. Ouais. Je sais. Merci. Eh ben voilà, mais ne nous remercie pas. Tu peux remercier Johan d'avoir été médiocre. C'est plus que médiocre. Ah, là, de la médiocrité. T'as commencé à médiocre. Mais oui, Johan. Ah, quand oui, là, tu t'es retrouvé la tête dans le cul, Johan. Mais oui, au lieu de dire, c'est qui, tu me reconnais pas, il fallait enchaîner directement. Oui. Bah oui, bon, bah écoute, voilà, ça peut plus durer entre nous. Et puis voilà, il faut pas commencer à répondre, c'est qui, tu me connais pas. Vous êtes censés être ensemble, hein, je le rappelle à la base, hein. Ouais, je sais. Eh bah oui, Johan, tu retournes chez ta mère les mains vides. Hein. Mais tu tenteras ta chance une troisième fois. Bah oui, c'est ça, jamais 203, Johan. Hein, comme on dit. Eh oui. Ça fait 4 fois que j'essaye. Ah, 4 fois. Alors, le mec, t'es vraiment mauvais. Là, j'arrive pas. Ça fait 4 fois que j'essaye, ça fait 4 fois que je rate. Eh ouais, oui, en plus, t'as fait le jeu de l'impro, t'as fait tous les jeux. À chaque fois, tu rates. Donc, c'est même pas un jeu où t'es mauvais, c'est une globale, quoi. C'est ouais, global. Là, t'as pas encore fait quoi, Johan ? Le karaopé. Ah, le karaopé. Bah écoute, ça c'est demain, donc bonne chance. Hein. Bon, bah, j'ai on sait jamais, Ouais, sur un malentendu, on sait jamais. Ouais, des fois que les autres soient pires que lui. Bah oui, c'est ça. Bon, bah salut Johan. Hein. Salut. Ciao. Pas du tout, puisque t'as perdu, t'as été mauvais, t'as été médiocre. Tu feras une dédicace quand tu gagneras quelque chose. Ouais, d'accord. Au revoir Johan. Et Michel. Salut. Ouais, Arnaud. Dis-moi, t'as autre chose qu'un casque ? Parce que j'en avais déjà gagné un casque DJ. Ah merde, bah non, là on a que ça là pour l'instant, Johan. Écoute, vois Alexandro, je te la repasse, tu gères avec elle, voir si y a autre chose. Ok, je t'en remercie. Pas de soucis. Salut, salut Arnaud, à bientôt. Ciao, à bye. On va se faire la colle aussi tout à l'heure, là, et puis on va prendre Jade de Paris. Bonsoir, Jade. Bonsoir. Bonsoir, Jade. Comment vas-tu, ma belle? Très bien, et toi? Bah, écoute, ma foi, plutôt pas mal, hein. A priori, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ah, oui. Je vois pas. Bon, Jade, toi, tu nous appelais par rapport au sujet de Toff. Toujours un sujet très très romantique, très culturel. Très romantique, oui. Voilà. Très culturel, trop culturel même. Puisqu'apparemment, d'après une enquête anglaise, enfin, américaine même, plus les mecs ont une grosse tub, plus ils ont de chances d'être trompés. J'avais donc demandé les avis féminins afin de voir si elles étaient déjà tombées sur des mecs avec des sexes démesurés et si du coup elles l'avaient trompé ou pas. Bon, alors Jade, explique-nous tout. Bah, c'était ce week-end justement. Ouais. Et ouais, non, c'était un énorme truc. Ah, donc déjà, on est sûr que t'es pas tombé sur Toff? Non. Voilà. Déjà, non. Ça, c'est sûr. Très bien. Énorme, c'est-à-dire énorme, comment? Ouais, large ou long ou les deux? Les deux. Ah, les deux. Large et long. Ah, putain, donc ouais. T'es tombé sur, une, sur un tuyau, quoi. Bah, ouais, en plus, comme je suis asiatique, donc vous voyez la chose. Ouais, c'est serré, quoi. Voilà. Bah, oui, les Asiatiques sont plutôt petits et menus en règle générale. Bon. En général. Ouais, ouais, mais en fait, c'est parce que t'es asiatique, justement. Et que toi, apparemment, c'est les Asiates hein, qui ont les plus petites bites du monde. Ah, bah parfait, mais écoute, alors, j'ai bah combien mesures-tu? Attends. Parce que comme t'es asiatique, justement, ça se trouve, t'as vu un mec avec une bite normale et voilà. T'as pris ça pour un truc de ouf. Elle mesure 1 mètre? Ah non, non, pas du tout. Ah, d'accord, j'ai les expériences que j'ai eues, non. Bon, Jade, combien mesures-tu? Combien je mesure? Je me dirais 1m65. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Faut manger maintenant. Mon tour de poitrine, oui. C'est 85. D'accord. Et la taille, c'est les tiens ou tu t'es affiché? Oh, c'est du silicone, ça. Ah non, pas du tout. J'ai des origines italiennes. Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 36. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut parler sérieusement. Oui, donc si elle veut essayer une chatte avec un peu de riz, ouais. Un petit bol de riz et puis des baguettes. C'est voilà, ça. Si elle veut essayer ma baguette, c'est quand elle veut. Ouais, mais justement, elle aime pas les baguettes, elle préfère les sexes. Si, elle peut utiliser cette baguette comme cure-dent à la fin. Ah oui, comme cure-dent. Elle a bien mangé. C'est vrai, ouais, c'est une idée. Bon, et donc t'es tombé sur un cas particulier donc ce week-end. Oui, je me suis fait démonter. Comment on pourrait dire? Ce qui est bien, alors moi j'aime bien, c'est un message à tous les patrons de radio qui nous ont toujours dit ouais, mais les meufs elles parlent pas comme ça, elles sont pas vulgaires, etc. Elle aime pas, quand vous êtes trop crues, donc là c'est quand même Jade, 23 ans, ouais, je me suis fait démonter. Hein. Attends, tu peux redire ça. Merci. Voilà, c'est ça, c'est noté. Et attends, Jade, je note l'heure. Hein. Puisqu'on ouais. est dans les confidences là, on n'est pas vulgaire en fait, ça te fait rire ce qu'on fait. Ah bah oui. Merci. Voilà, très voilà. Bien. Hop là. Le voilà. Sous-sous, voilà. Tiens, on va sortir ce moment. Ce moment, exactement. Bon bref, non, Jade, pour en revenir à ton démontage du week-end, oui. C'est qui le mec en fait que tu connaissais comme ça ou c'est un pote, c'est une connaissance, ah non, c'est ton mec? C'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Ah d'accord. Donc il y a quand même moyen vraiment de serrer avec Tinder. Ah il y a moyen alors apparemment. Ah il y a moyen, ils sont très ouverts les mecs sur Tinder. Ouais, ah, ouais. Mais les mecs sont ouverts en règle générale. Hein. Pour une question scientifique, Jade, est-ce que tu peux envoyer ta photo à polo polo @funradio.fr? Et devine ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Eh ben merci Jade. Et devine ce qui va se passer. Bah attends, il n'y aura pas de photo. Non si, il va la recevoir mais il nous la montrera pas. Bah oui, ça c'est ce qui peut arriver. Je vous la montrerai. Ouais, c'est ça. Après ça le concerne, tu veux pas la montrer. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il va s'inscrire sur Tinder, là, visiblement. Hein, vu qu'apparemment, il peut pécho, là. On n'est pas là. Mais pourquoi tu t'inscris sur Tinder? Parce que t'as l'air d'être plutôt mignonne, etc. Donc, est-ce que t'as besoin de site de rencontre? Tinder? Non, c'est une amie qui m'a dit inscris-toi sur Tinder, c'est super marrant. Donc, je l'ai fait. Ah ouais. J'ai matché avec quelqu'un et et après, il t'a matché les fesses. Ouais, c'est ça. Il m'a d'accord. Matché. Enfin, parce que là, on s'est un petit peu, on est un peu sorti du sujet. Moi, je vais aller chercher mon téléphone, je vais m'inscrire à Tinder. Ouais, c'est ça. Tu t'es inscrit sur Tinder, t'as rencontré le mec qui avait une bite surdimensionnée, et comment ça s'est passé? T'as eu mal? T'as kiffé? C'était quoi? Pendant 2 jours, j'ai pas pu marcher. Non, ah oui, quand même. Ah ouais. Mais c'est-à-dire que c'est quoi un concombre? Il avait quoi comme centimètre? Quelle taille? Grosso modo, j'imagine que t'as pas été mesuré, mais. Non, j'ai pas été mesuré, mais déjà avec mes deux mains, c'était pas possible de la tenir. Ah oui? Ah oui, quand même. Ouais, ah ouais, c'est des petites mains, les gars. Oui, non, bah d'accord, mais enfin, quand et même. Ce n'est pas un noir. Bah ouais. Putain, bah comme quoi le mec était bien bombré. Hein. Tiens, il y a Rock'n'Wolf qui sur le Twitter. J'arrive sur Tinder. Bah tout le monde va arriver sur Tinder. Ouais, hein. Moi je vais m'inscrire direct. Ouais, ça m'étonne pas. Je voulais pas, mais là maintenant que tu me dis. Tu me dis qu'il y a Jade sur Tinder, j'y vais direct. Voilà, bah c'est ça, c'est plus facile à trouver, c'est clair. Bon, très bien. Donc du coup, bah, bon souvenir ou mauvais souvenir? Bon, oui, sur le moment, mais mauvais quand je suis repartie, oui. Oui, forcément, si t'arrivais pas à marcher. Non. Putain, la violence. J'aurais bien voulu avoir une idée de combien de centimètres. Ah, j'ai eu peur, tu m'as fait peur. Je croyais que t'allais dire j'aurais bien aimé peur. J'ai eu peur. Ah, d'avoir une idée de ce que ça fait. Ah ouais. Non, je m'en fous là. Ah, mais c'est, non. Parce que pour qu'elle ait plus pu marcher pendant deux jours, c'est que ça vraiment, ça devait être gigantesque. Ouais, mais pénétration venue, vaginale ou anale? Pardon? Pénétration vaginale ou anale? Les deux. Ah oui, d'accord, ok, ouais, non. Ah, toi, tu rencontres un mec, les gens, premier soir, paf, c'est parti directement. Le cul, et le mec, il lui met dans le huc. Bah, je suis très ouverte. Hein. Ah bah, ça, on a bien vu, ouais. J'ai de funradio.fr. Je suis 20 rue Bayard, on peut se voir ce soir. Voilà, c'est ça, ouais. Mais j'y étais en plus tout à l'heure. Et bah, repasse. Reviens. Hey, Jade, t'as utilisé des ustensiles ou pas? Regardez les deux. Est-ce que t'as utilisé des ustensiles, une cuillère, une fourchette? Une cuillère? Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis une fourchette. Poêle, une t'as poêle de resto ou quoi aussi, hein. Oui, bon toi, numéro 10 têtes et 20 têtes. Hein, bon, mettez un 10 têtes et un 20 têtes, t'as bien. Moi je propose qu'on finisse cette conversation avec Jade dans le studio, donc Jade vient nous voir. Oui, bah tu peux passer nous voir si tu veux, Jade. Il y avait une autre fille qui devait passer nous voir avant les vacances, non? Devait passer, puis finalement on n'a pas une nouvelle. Oui, bof. Un peu comme d'hab, tu vois. Bah oui, mais le problème, ça nous promet des trucs. Le souci, c'est que par curiosité, les filles, même les mecs, vont quand même voir sur le Facebook ce qui se passe. Tombe sur la gueule de Toff, vomis et tout ton ballot. Et bah voilà. Ah bah oui, non mais c'est ça. Justement, regarde, Jade, tu ne vas pas voir et tu viens nous voir tout de suite. T'as vu la tête de Toff déjà, Jade ou pas? Ah non, pas du tout. Ah bah voilà, viens voir en direct, c'est mieux. Non, ne viens pas. Vous voulez qu'on vienne? Bah vas-y, viens. Bah viens, mais attends, je vais me laver la bite. Jade, oh t'es dégueulasse. Jade, arrête. Jade, tu peux venir évidemment, mais par pitié, s'il te plaît, ne va pas voir la tête de Toff. Tu donneras ton avis. Comme ça aussi. En direct live. D'accord, très bien. Bon, et bah, la photo, je l'ai envoyée à qui? Polo@radio.fr. Mais on voit quand même, on sait jamais. Ouais. Donc je vais te repasser Sandro, il va t'expliquer comment faire pour arriver jusqu'ici. Mais je compte sur toi pour pas aller voir la photo de Toff. Hein. D'accord, très bien, bon. Je vais pas le voir. Parfait. J'ai pas envie de dormir. Voilà, bah, c'est ça, bah, très bien. Bon, et alors on t'attend. T'es dans quel coin de Paris là? Là, j'étais vers Opéra. D'accord, ok. Bon, t'es pas très bien, t'es pas très loin de la radio. Bon, je te repasse Sandro pour qu'elle t'explique tout ça, d'accord? D'accord, très bien. Salut Jade, à tout à l'heure. Salut. Ciao. Bye. Bon, on aura Melvin là dans quelques minutes de Marseille. Et puis on va se faire le son d'Avicii. Il y aura les teubés de la télé également. Le son d'Avicii maintenant, et bah oui, c'est un de mes sons préférés. C'est le son préféré pour l'instant, hein, que je kiffe depuis même un petit peu avant les vacances là. Le son d'Avicii qu'on écoute maintenant. Il est 8:00, on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus. On écoute Lay Me Down sur Fun. L'excellent son d'Avicii à l'instant sur Fun, c'était Lay Me Down sur Fun Radio. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et visiblement, je suis pas le seul à le penser. Il y a Mr. Steven sur Twitter qui dit ce son d'Avicii est une tuerie. Oui, j'aime beaucoup également. Bruno qui dit salut Mickaël, ça fait depuis longtemps que je vous suis, j'ai jamais eu de message d'accueil. Bon, alors, comment ça se fait? Tiens, je vais t'en mettre un petit là. Ferme-la, t'as même pas le droit de parler. Voilà, Bruno. Il y a Aurore qui dit coucou l'équipe, Izzy est trop belle, c'est le chat. On dit que un chat retombe toujours sur ses pattes. Et bah là c'est le cas. C'est pas le cas justement là, parce qu'il est tombé dans la flotte du coup Aurore. Bon, donc la photo du chat donc de Izzy, c'est mon chat qui faisait le malin autour de la baignoire. Et donc forcément, eh bah à force de faire le malin, on tombe dedans. Voilà, donc allez la voir la vidéo. Vous avez remarqué qu'à la fin j'ai pas fait l'enculé, j'ai quand même déposé le téléphone pour la ressortir. Oui, tu as été trop généreux. Alors que j'aurais pu filmer le truc jusqu'au bout, tu vois, mais jusqu'à quand même pas. Se noie. Non, quand même pas. Bon, donc si vous voulez aller voir la vidéo là, tapez Mickaël officiel sur le Facebook, sur YouTube également là, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, comme ça bah vous allez pouvoir être au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Il y a Gania aussi qui dit les grosses bites, je te le dis, tout ce qui est petit est mignon. Oui, c'est vrai aussi, c'est un grand bisou d'Alger également. Et puis Taino aussi, enfin c'est Victor plutôt qui dit vous faites délirer du lundi au jeudi, je vous adore, grosse bise à l'équipe. Et vous pouvez faire une dédicace au 30, c'est collège via Domitia à Taino surtout, merci, je vous aime, restez comme ça, je vais vous conseiller. Ah bah c'est gentil Victor, merci à toi pour le message. Bon bah continuez avec tous les messages, hein. Hashtag et Mickaël, on fera le top tweet tout à l'heure. Mais oui, on peut me faire un petit point top tweetos maintenant pour voir un peu ce qui se passe. Alors... Je rappelle donc les auditeurs, enfin l'auditeur qui aura été le plus influent sur le Twitter de l'émission, et eh bien repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Et que pour l'instant il y a même des sextoys, entre autres les œufs vibrants, donc on insère dans la chatte et donc avec la petite télécommande, hop là, ça bouge. Et sinon nous avons des magnifiques rabbits hein, d'une taille démesurée. Oui, bah écoute, on en offrira un Jade pour voir, tiens. Ah bah oui, tiens. Quand elle va arriver, juste pour voir si ça ressemble à la bite du mec de ce week-end. Pas. On va lui demander, tiens, quand elle va débarquer, on vous tiendra au courant, évidemment. Bon, alors, numéro 5 actuellement sur le Twitter, c'est qui? Enfin, sur le Tocred et 34. Numéro 4. Nadia Le Prince. Numéro 3. Skipped. Numéro 2. Gigi Yongwi. Non, c'est Gigi, c'est Jong. Yongwi. Très bien. Et non, numéro 1. Ah d'accord, et numéro 1. Et Vladimir Poutine, bien sûr. Vladimir Poutine, c'est normal, bien sûr. Normal. Évidemment, c'est de normal. Peut-être que premier. Évidemment aussi. Donc à 2h du mat, à la fin de l'émission, on vérifie donc quel est le classement des auditeurs, ceux qui ont le plus tweeté avec le hashtag Mickaël, et celui qui sera numéro 1 repartira donc avec eh bien le sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien évidemment. Bon, puisqu'on est dans j'allais dire la connerie, mais en fait pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. On va parler des teubés de la télé. Ah oui. Ah si, parce que voilà, teubés, tof, c'est ça. Je me savais bien qu'il y avait un petit rapport quelque part à un moment ou à l'autre. Aussi. Bah oui. C'est dans 80 minutes enquête, 90 minutes enquête, pardon, où il y a une gendarme qui contrôle une voiture. Et là, surprise! Le major débute son contrôle, mais il comprend très vite qu'il dérange. Embarrassé, la femme au volant explique qu'elle était en fait occupée avec son mari. Ah d'accord, excusez-nous. Excusez le dérangement, messieurs dames. On dira qu'il y a des coins plus moins passagers, dirons-nous. Mais on ne connaît pas par ici. Ah d'accord. Il s'agissait simplement d'un couple qui était pris d'une envie subite, dirons-nous. Soudaine. De chier? Non, je crois pas. Ah pardon, je pensais, autant pour moi. Bon, et donc Confessions intimes, une de mes émissions préférées, bien entendu. On a deux jeunes filles très, très, mais alors très, très humbles. Moi, je passe, hein. Donc comme je dis moi, avec Jennifer, ben, Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Hein. Je suis désolée, mais si on me voit pas, ben, c'est qu'on est aveugle. Jennifer et moi, on passe crème. C'est bon. Vas-y, c'est la fête. Vas-y, voiture, musique à fond. Calage, c'est bon, on est parti. Quelle horreur des meufs qui parlent comme ça. Calage. Ah, moi, je déteste, je rien déteste. Dire. Enfin, et sur France 4, il y a un nouveau jeu, c'est Droit devant, où il fallait associer des mots avec des traductions latines. Mais évidemment, il faut d'abord comprendre évidemment les mots en français. Hein. On voit des mots en latin, on n'a jamais fait de latin de notre vie. Flatulence ? Mais c'est quoi ça ? Ouais, flatulence. Pendant une minute, je me dis, mince, je le connais même pas en français le mot, je sais pas. Donc j'ai cherché, puis après, bon, je sais ce que c'est. Ouais, dur, hein. Ouais, flatulence, difficile, mot très compliqué. Ouais, flatulence, c'est effectivement compliqué. C'est vraiment les enculés ceux qui ont fait le jeu parce que c'est vraiment pas aider les candidats, quoi. Non. Voilà, tu files même pas un coup de main en mettant des mots comme flatulence. Enfin, je trouve ça limite quand même, hein. C'est scandaleux. Ouais, je trouve ça limite. Bon, retour avec Melvin qui est avec nous là. Salut Melvin, on a perdu celui qui s'est fait griller en train de se branler en cours là, son téléphone. Mais je sais pas s'il a raccroché, s'il s'est endormi, je sais pas. Mais malheureusement, on l'a plus. C'est pas grave. En attendant, eh ben on a Melvin, 19 ans, de Marseille. Salut Melvin de Marseille. Ça va, merci à vous. T'es en forme? Ça va, toujours. Bon, bah tant mieux alors. Alors, sois le bienvenu, on va parler de quoi avec toi? Moi, j'ai un petit problème. Dis-moi. C'est que en fait, je sors avec une fille depuis quelques mois déjà. Jusque-là, c'est plutôt plutôt bien. Au moins, t'as une meuf, c'est pas le cas de tout le monde. Jusque-là, tout va bien. Mais ouais. Le problème, c'est qu'elle a décidé de me présenter à ses parents demain, enfin à sa famille. Oui. Et m'a invité à manger pour me présenter. D'accord. Et le problème, c'est que elle a une grande sœur, cette fille, avec qui je suis déjà sorti en fait. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bien. Oui, bah tu t'es mis bien. Tu t'es mis bien. Ouais. Mais cette fille, en fait, moi, j'ai peur de la réaction de sa sœur, en fait. Elle est pas au courant, sa sœur. Non, elle ne sait pas du tout. Mais ta meuf, elle sait que tu t'es tapé sa sœur? Voilà, elle ne sait pas. Et puis, on s'est vu à une soirée. On a flirté. Il s'est passé des choses. Et puis, voilà. Mais attends. T'as trompé ta meuf avec sa sœur ou c'est une histoire ancienne? Non, je ne l'ai pas trompé. C'était avant, j'ai rencontré sa grande sœur. Ouais. Tu lui as mis une cartouche. C'était un coup d'un soir, une petite cartouche. Et puis après, à la fin, j'ai rencontré sa sœur un mois et demi. Et puis voilà, et puis du coup, ça s'est bien passé avec sa petite sœur. Je suis resté avec elle, et puis voilà. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Mais je savais pas que sa grande sœur. Non mais dès le moment où tu l'as su, t'aurais dû lui dire. Ah mais je sais pas, moi je savais pas que c'était. En fait, sa grande sœur, j'ai su quand même, il y a quelques jours, mais j'ai pas. D'accord. Et voilà, j'ai pas calculé, j'ai pas. Bon, j'ai déjà, pas... déjà, on a de la chance, c'est une histoire ancienne. C'est pas comme si tu l'avais, tu sais, trompé, genre dans une soirée, n'importe quoi. Ah ouais, t'es à la con. T'imagines, tu t'es tapé la sœur dans une soirée alors que t'es avec l'autre, ça c'était chaud. T'imagines. Et est-ce que ça se trouve, la grande sœur, elle va même plus sourire ta gueule? Ouais, je sais ouais, pas. Ouais, si c'est... ça se trouve, c'est... ça fait combien de temps que tu l'as démonté? Bah, quelques mois, mais il y a un mois, deux mois, ça remonte à temps. J'étais défoncé en plus, elle aussi. Donc... Ouais, mais si ça se trouve, voilà. Elle se souvient même pas de parce toi. Parce que, franchement, si elle était défoncée et toi aussi. Il faut jouer la carte du. Bon, non, c'est pas moi, tu te trompes. Tu nies. Déjà, peut-être qu'elle va pas se souvenir s'il était défoncé aussi. Et en plus de ça, bah, toi, si elle te dit, mais attends, mais c'est pas avec toi que tu dis, bah, écoute, non, écoute, ah, tu sais. Attends, moi, je suis pas comme ça. Je m'en souviendrai si j'avais couché avec une fille aussi belle que toi, Enfin, tu vois, tu mets la pommade, quoi, tu mets la crème. Oh, tu peux faire le mec outré aussi, tu fais le mec. Quoi, moi, tu crois que je me tape des coups d'un soir comme ça? Moi, je suis pas un mec comme ça, je suis un mec qui a besoin de ça. Non, parce ça que sent ça, le vécu, ça. Ouais, mais ça. Qui a l'habitude de faire des mythos. C'est surtout que quand tu réponds comme ça, quand tu réponds sur la défensive, c'est que t'as des trucs à te reprocher. Alors que tu dis non, écoute, sincèrement, c'est pas moi, bah. Ça peut passer plus facilement, je pense en tout cas. Mais ouais, après c'est chaud, hein. Mais t'as plus de sentiments pour elle. Cette fille, non, c'était un coup d'assoir, je te dis. Mais ça, la petite sœur, oui, j'ai des sentiments pour elle. Ouais, la petite sœur, ouais. Et quel âge elle a, la grande? Elle a 25 ans. 25, et la petite? Elle a 19 ans. Ah ouais, sinon, il n'est jamais trop tard pour proposer un plan à 3. Oh, super, avec les sœurs et tout, et dégueulasse. T'as tenté la mère ou pas? Ouais, bah, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Je rigole. C'est peut-être ma future belle-mère, je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, il vaut mieux fermer ta gueule parce qu'on sait jamais. Hein. Les sons traînent toujours un moment ou un autre sur internet. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Pam! Ça y est, tu vas te le ramasser en pleine gueule, Maman Wano, tu vas voir. Bon, dites-nous d'ailleurs, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement par mégarde de vous taper la meilleure amie de votre copine ou la sœur de votre copine? Comme ça, tu t'es trompé un soir. Mais non, mais comme lui, en l'occurrence, il peut pas le savoir quand il se tapait la meuf et qu'après il se rend compte qu'en fait il sort avec sa sœur quelques mois plus tard, il peut pas le savoir. Donc dites-nous si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des conseils éventuellement à filer à Melvin, hein, ou si vous êtes dans le cas, les filles, peut-être que votre mec s'est déjà tapé votre sœur ou votre meilleur ami, vous vous en êtes rendu compte, comment ça s'est passé, est-ce qu'il vous l'a dit ou pas? Appelez-nous 01 42 48 5000. Tu restes avec nous, Melvin. On va donner la réponse à la colle dans quelques secondes également. C'est dans 9 minutes. Voilà, on fait ça à minuit 30. Et puis, je voulais savoir aussi, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Ça vous est déjà arrivé, vous, ou pas? Ouais, ça m'arrive, ouais, des fois. Mais souvent ou pas? Non, mais c'est pas assez. C'est assez rare, hein, mais. Bah, moi, ça dépend. Ça dépend, en fait, comment je dors. C'est-à-dire que si je suis super fatigué et que je dors mal, en fait, je me souviens de rien. Mais si je fais une bonne nuit et que j'étais pas trop fatigué, généralement, ouais, le matin, ça m'arrive de me souvenir. D'accord. Et toi, Polo? En fait, moi, je déteste ça, mais. Le contraire m'aurait étonné, tiens. Mais ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est. Bon, j'aime pas. Je déteste rêver. Non mais sérieusement, je supporte pas ça. Quand tu te lèves le matin et que t'as le rêve comme ça qui te bloque. Ouais, ce qui est drôle, c'est que quand tu rêves d'un truc et qu'après tu sais pas si c'est vrai ou faux. Oui. Tu sais pas si c'est passé ou si ça s'est vraiment passé ou si t'as rêvé, en fait, tu sais plus. Ça, et moi, je vous avais déjà raconté, j'avais fait un rêve prémonitoire. Quand j'ai perdu mon bagage, quand j'allais à Rio. Non mais ça c'est vrai. Je la ramène. Je l'ai rêvé une semaine avant. Et ouais. ça m'a travaillé. Et donc ce que j'ai fait. En connaissance de cause, en fait, j'ai mis plein de vêtements dans mon sac à dos. D'accord. Non, vous savez, j'avais mis des t-shirts et des caleçons. Et je suis parti. Et ben, je l'ai paumé. Il l'avait envoyé, je sais pas où. Bon, je l'ai retrouvé 3-4 jours après. C'est déjà ça de prix. Ouais, mais souvent, Polo, il a des flashs comme ça. Ouais, des flashs, ouais. Et toi, Sandro, des rêves, ça t'arrive souvent? Ouais, mais pour le coup, si tu te concentres en fait à vouloir te rappeler de tes rêves. Ah, bah c'est mort, hein. Et ben, si, justement. Ah ouais? Ouais, ouais. Je sais pas, c'est comme ça. Il faut que tu te concentres en fait, que tu te dises, voilà, je vais me rappeler de ce que j'ai rêvé, etc. Ouais. Sur une semaine, et ben, tu vas t'en rappeler. Bah, dites-nous, vous, si vous avez déjà eu. Si vous avez déjà eu ça, si vous vous souvenez de vos rêves. Je vous demande ça parce qu'en fait, il va bientôt être possible apparemment de contrôler ses rêves. Wow. Il y a des médecins qui ont fait des tests avec des stimulations électriques, et selon la fréquence qu'on envoie au cerveau, on fait des rêves plus ou moins sympas. Ah, c'est cool ça. Voilà, donc ça peut être bien, c'est ça. Hop, là, terminer les cauchemars, tu fais que des rêves cool, sympa quoi. Et je sais pas si c'est déjà arrivé, mais je me suis jamais vu mourir dans un rêve. Tu sais, ça arrive des fois que tu fais des rêves où tu te fais moi, une sale situation et tout. Ouais. Mais je me suis jamais vu Mourir. Est-ce que ah, moi, t'es ça vu m'arrive. Baiser ou pas non, moi, non. Moi ça m'arrive de mais c'est comme plein de gens, c'est des rêves où tu tombes et c'est du coup tu te réveilles un coup, ah, ça, un coup sec comme ça là. Et attendez, je sais qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent qui ont eu celui-là. Est-ce que vous l'avez dit ou t'es bloqué dans ton corps? Ouais. Oh non. Oh là là. Ah non, jamais. En tout cas, je m'en souviens pas. C'est un calvaire. Oh mec, t'es là comme ça et tout d'un coup tu bloques, mais tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas bouger, et là, tu peux pas parler. En fait, tu mais t'arrives pas. Je te jure. Et même dans ses rêves, il se prend la tête. Ouais. Je te jure. Même dans ses rêves, il doit prendre la tête à tout le monde. Je crois. Apparemment, c'est en fait parce que t'es à moitié, t'es en phase de réveil, mais pas totalement. Du coup, ton cerveau n'envoie pas l'information à ton corps. Moi, ou je ne sais quoi. Je pensais qu'on était dans Matrix. Bah peut-être. C'est horrible, ça dure longtemps en plus. Hein. Mais oui, parce que tu ne peux pas sortir. Tu essaies de bouger ta main, elle bouge pas. T'es là comme ça, tu dis mais putain, mais en fait, et là tu dis, ça y est, je suis mort ou je suis bloqué à vie. Parce que t'es conscient. Ouais. En fait, t'es c'est plus horrible, ou moins là. Conscient moi, du ça, truc. Moi, ça m'est arrivé le coup de la chute, mais je venais de me péter le dos la semaine dernière. Et je peux te dire que quand tu te réveilles un coup sec parce que t'as tous tes membres qui bougent. Mais vous êtes nombreux aussi à faire le rêve du trou noir. Je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais eu moi. Trou noir, ouais, c'est la sodomie. Tu tombes dans un trou noir ou je sais pas quoi. Non, pas spécialement, moi tu tombes, mais pas forcément dans un trou noir, mais tu tombes. Il y a Pascal qui dit le fait de mourir dans son rêve signifie qu'il y aura un grand changement dans sa vie. Ah bah voilà, tiens, t'es jamais arrivé toi, Sandro? De mourir de... Non, justement. Ah bah, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Bonne nouvelle. Voilà. Moi, je rêve que je suis beau gosse, mais le matin, je me réveille. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Ouais. C'est le cauchemar qui arrive. Ouais, c'est ça. Tu sais, je rêve que je suis beau gosse, je me tape des bombes de meufs et tout. Et puis après, je me c'est un drame. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà fait des rêves ou des cauchemars, si vous en faites souvent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, venez nous dire, venez nous en parler. Et puis, on parlera d'un film aussi, d'ailleurs. Il y a Inception. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec les rêves, justement, avec Leonardo DiCaprio. Là aussi, c'est un film complètement barré. Bon, on en parle dans un instant. Ils sont allés très très loin, je le confirme. Ouais. Allez, minuit 25 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là ensemble, tous ensemble, jusqu'à 2h du mat. Il y a toujours la vidéo du chat là, Dizzy, mon chat qui a fait le malin. Bah oui, il a fait le malin surtout, et puis bah la vidéo est sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel pour aller la voir. Major Lazer et Sean Paul, c'est Come To Me sur Fun. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct sur Fun, il est minuit 29. Là, il y a Ludovic qui dit ça m'est arrivé une fois de rester bloqué, je respirais trop mal. J'ai cru que j'allais mourir. Bah oui, c'est dans les rêves, hein, donc moi ça m'est jamais arrivé. Nadia qui dit par contre, Mickaël, rêver qu'on tombe et qu'on se réveille en sursaut, c'est dangereux. On peut faire une crise cardiaque, tant ça fait peur. Bah, il paraît, il y en a qui disent que c'est effectivement le cœur qui s'arrête et du coup, c'est ce qui fait qu'il redémarre. Bon, après, je pense c'est que c'est juste... histoire. Non, mais je crois pas. Je crois que c'est juste... Voilà. C'est un rêve, point. Je pense, hein. Il y a Adam qui dit, moi, j'ai fait un rêve, j'étais dans un couloir, mais ce couloir était infini. Et Rock'n'Wolf, il dit aussi, ah, je l'ai déjà eu celui-là, c'est horrible, Mickaël. J'imagine que c'est celui dont je parlais, hein, le fait de rêver que tu tombes et puis du coup, paf, tu te réveilles. Rock'n'Wolf qui dit aussi, la paralysie du sommeil, c'est horrible, ça, c'est ce dont parlait Polo. Et alors, Aria qui dit, je fais souvent des cauchemars de mon ex, comme des rêves en bien, mais qu'est-ce que c'est saoulant, surtout quand t'as du mal à l'oublier, ou des fois des rêves chelous où tu montes une tour d'un cimetière avec des présences à fou les jetons. Ah oui, toi, rien, il y a des trucs bizarres. Ouais, tu fais des rêves chelous, hein. Il y a des machins bizarres qui se passent quand même là, hein, donc il faut quand même se méfier pour le coup. Bon, avant de récupérer Melvin, donc qui va rencontrer sa belle famille demain, alors que le problème c'est qu'en fait il s'est tapé la sœur. Mais ça c'est bon. De et sa ça, copine. Bon. Mais avant même d'être avec la copine, donc il l'a pas trompé. Hein. Mais voilà, il voulait quand même quelques petits conseils malgré tout. Hein. Mais non, il sait qui est le meilleur coup des deux. Maintenant, il sait quel est le meilleur coup des deux, effectivement. Ouais. Bon, on va récupérer aussi. On va prendre Anaïs dans quelques minutes. Et puis on a Thomas avec nous d'Albi. Salut Thomas d'Albi, comment ça va? Salut Mickaël, ça va et toi? Ça va bien, tranquille, ouais Thomas. Alors, Thomas, tu nous appelles pourquoi toi? J'appelle pour réagir par rapport à ce qu'il avait dit, comme quoi ça m'est arrivé aussi un peu le même genre en fait. Ah Melvin ? Ouais. Ah très bien, bah attends, il est là, tiens, justement. Alors, Melvin, voilà, tiens, parfait. Donc toi, tu vas rencontrer la belle famille demain, t'as pas trompé, mais t'as rencontré d'abord la grande sœur que tu t'es tapée, et ensuite t'as rencontré la petite sœur avec qui tu es, avec qui c'est plutôt sérieux. Voilà. Voilà, bon, alors c'est quoi l'histoire Thomas, là ? Qu'est-ce que t'as comme conseil à filer ? Qu'est-ce que t'as vécu toi ? Ben en fait, moi j'ai une collègue qui travaillait avec moi, et qui sortait avec mon beau-frère, enfin mon demi-frère si vous voulez. Ouais, bah, moi je veux rien, tu sais. Hein. Ouais, elle sortait avec mon demi-frère et à une soirée bien arrosée, ben, on a couché ensemble et tout, et sans coopération. D'accord, enfin, dommage. Mon beau-frère, Ouais, dommage, ouais. Et mais du coup, ben voilà, du coup, on s'est fait la gueule avec mon demi-frère, tout ça, et moi et ma collègue, on est sortis ensemble. D'accord. Et du coup, ben voilà. Et du coup, je me parle plus avec lui depuis plus d'un an à cause de cette connerie. Ah, depuis, ah oui, c'est fini alors. Ah ben non, on ne parle plus là, avec mon demi-frère, on se parle plus. Ah putain, c'est con quand même. Ouais, c'est dommage. Ah oui, c'est con. Enfin après, voilà, c'est votre life, hein, mais après, c'est, oui, après, c'est dommage. Et qu'est-ce que tu conseilleras, Thomas à Melvin, je vais y arriver, moi. Ce que je peux conseiller, c'est s'il peut l'éviter de le raconter, ce serait pas mal pour lui. Parce que c'est ce que je disais, ouais, le fait peut-être de nier, en fait, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà, qu'il insiste bien comme quoi elle se trompe, parce que sinon, ça peut envisager de faire des trucs derrière, voilà, quoi. Bah oui, il faut nier, il y a rien à faire, hein, y a pas d'autre solution. Allez, nier, toujours nier. Ne jamais avouer. Non, mais c'est vrai. Mais ouais. Là, je pense, attends, il y a Jean-Charles aussi qui est avec nous, là. Salut Jean-Charles. Salut, ça va, Mickaël? Ça va et toi? Salut toute l'équipe. Ça va, ça va, tranquille. Tu sens le petit retard là quand on lui parle? Ouais. Hein? Voilà, tu sens le petit retard? Cette espèce d'enculé dans l'Australie. Ouais. Ah d'accord. T'es où là, Jean-Charles? À Sydney. Quel enfoiré. Il y a des kangourous autour de toi et tout? Bah grave, il y en a plein. Hein? Il y a des kangourous autour de toi? Non. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 9-10 heures du matin, non? Ouais, 8h30 du matin. Ah, 8h30. Ah, oui, c'est pas mal au réveil, hein. Ah, 8h30 du matin. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on fait le 6h-9h nous là-bas. Le matin avant d'aller au boulot. Nous, on fait 7h-10h à Sydney. 7h-10h du matin, on est pas mal, non? Putain, on est au top. Ah, ouais. On devrait faire des jingles encore une fois. Et 7h-10h du matin. Mais va te faire enculer. Ouais. C'est le morning de Mickaël, nos limites. T'imagines, ce serait drôle quand même. Il y a un kangourou. Grave, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, eh ben, écoute, Jean-Charles, ben, merci d'appeler déjà. Hein. Enfin, en tout cas, tu nous as appelé et puis on te rappelle. Hein, donc c'est Funky Doo, il a l'appel jusqu'en Australie. Eh, hein. Hey, t'as pas un aborigène là, sous le bras là? Ah, bah non, en Australie, on peut monter dans le nord. Hein. Ah, oui. Tu peux trouver des dauphins ou si tu veux les kangourous ou les koalas, mais. Mais qu'est-ce que tu fais en Australie en fait? T'es français, t'as été là-bas ou t'es australien et oui, tu parles français? Working holiday. Des quoi? Ah, il est en working holiday. Ah, on appelle ça la planque aussi parfois. Ouais, non c'est ça, ouais. Mais il y a beaucoup de Français qui partent. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'on parle parce qu'on va. Justement, par hasard, on voulait finir faire l'émission en direct d'Australie. Ouais. Tant qu'à faire, autant venir chez toi. Si on fait le tour de France et de Belgique pour faire les émissions en direct de chez les auditeurs. Mais après, on va pas. Il y a des Français là-bas. Il y a des Français en Australie, français, etc. Il y a une grosse communauté, il paraît. Eh bien, évidemment. Ouais. Donc, je pense que. Ah oui, je pense on a qu'il la faut. Tête, ouais. Ah bah, bien sûr, évidemment. Ben, on te reprendra après. Bon, t'avais quoi comme conseil à filer à Melvin, toi, du coup, notre ami JC? Non, moi, ce qui m'est arrivé, moi, c'était que j'étais sorti en boîte de nuit avec une fille et je savais pas qu'elle avait une soeur jumelle et elle était dans la même boîte que moi et puis bon bah quand j'ai voulu m'asseoir soir j'ai cru que c'était la copine officielle que j'avais et en fait bon c'était sa soeur jumelle que j'avais en moi. Ouais mais là c'est excusable encore tu vois si tu sais pas qu'il y a une jumelle et que tu la vois tu lui roules un patin parce que tu penses que c'est ta meuf. C'est pas trompé, tu vois ce que je veux dire. Sauf si la sœur jumelle enchaîne et qu'elle va jusqu'au bout. À ce moment-là, ouais, là c'est une salope. Mais il s'est rien passé de plus. Non, c'est arrivé dans la boîte, mais bon, je avais les mains baladeuses alors. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc toi t'avais les mains baladeuses? Moi je suis cuisinier, alors faut bien toucher la marchandise. Ah oui, il faut toucher la marchandise. Bah, il faut palper. Hein. Ouais. Bah évidemment, il faut vérifier si la viande est fraîche, etc. etc. Ah, bah, il peut pas servir n'importe quoi. Mais évidemment, bah, t'as raison. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à Melvin, toi, Jean-Charles? J'ai pas d'idée. Est-ce qu'il doit avouer, si jamais la sœur le reconnaît, est-ce qu'il doit dire oui, bon, bah, c'est vrai, c'est moi, ou est-ce que, comme je lui avais conseillé, simplement, vu que la sœur était quand même un peu éméchée aussi, apparemment, dire bah écoute, non, je vois pas de quoi tu parles. Passer l'éponge. Passer l'éponge, moi, je pense. Non, ouais. Mais il doit se mettre. Bah, pas laisser de traces, et voilà. Ouais, si ça se trouve, elle se souvient même pas. Mais hein. Si c'est ça. Voilà. Moi, je pense que ça ouais, et si elle s'en c'est souvient, tu nies. Ouais. Oui, c'est vrai que nier, c'est la meilleure solution, mais bon, toujours, ça se saura un jour ou l'autre, mais sauf si elle était à 15 ans, c'est sûr. Mais ça se saura de quoi? Comment non. Tu veux que ça se sache? Pour le coup, je sais que je suis le premier à dire que tout se sait un jour ou l'autre, c'est mais vrai. Non, mais une petite gaffe comme ça, sans faire exprès, à dire, ah tiens, j'étais à cette soirée, ah bah moi aussi. Ouais, ah. Mais non, mais même tu pourras toujours faire le mec qui se souvient pas et qui fait, ah ouais, c'était toi, putain. Tu vois, tu peux toujours à la fin faire genre que t'avais zappé et que c'était elle, quoi. Non, ou alors, si jamais ça revient un jour sur le tapis et qu'elle dit, enfin que voilà, ils se rendent compte que t'étais là aussi, tu peux très bien lui dire à la meuf, ah ben écoute, c'est oui, effectivement, je suis dans cette soirée-là, c'est peut-être pour ça que tu m'as vu, que tu penses que c'est moi, mais en fait non. Voilà, personne pourra venir dire le contraire. Voilà, tu unis. Tu dis oui, c'est mon frère jumeau, mais il s'est barré dans un autre pays, il est en Australie, voilà, avec des kangourous. Mais les gars, c'est une meuf, donc elle oublie la moitié des choses. Ouais, ouais, pas s'inquiéter, ça, elle l'a déjà oublié. Ouais, ça... Elle est blonde. Hein. Non, mais une, ouais, meuf, ouais, ça, une meuf, ça n'oublie pas. Ça dépend. Ouais, ça oublie ça... ce que ça veut oublier. Ouais, c'est vrai, c'est aussi, ça. C'est vrai aussi. Bon, ben Thomas et Jean-Charles, merci d'avoir appelé en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Bien. Ouais, salut tous les deux. Tous les matins, mon bel boulot. Tous les matins, oui, c'est marrant ça. Eh ben, ça. Salut Jean-Charles, à bientôt, à demain matin. Hein. Ouais, à demain matin. Ciao, JC, bye. Eh ben, Thomas, merci d'avoir appelé. Hein. Pas de soucis. Salut, ciao, reste avec nous. Melvin, reste avec nous. Il y a Anaïs dans un instant qui voulait donner son avis. On aura Tim et Mathis pour parler des rêves. Et puis, on va se faire le gagnant de la colle également avec Christopher qui est avec nous. Toujours là, Christopher ? Ouais. Eh ben, très bien. Avant de faire les appels de Toff, on donne le nom du gagnant. Ou de la gagnante, on va voir. On appelle donc maintenant quelqu'un qui a, eh bien, donné la bonne réponse, a priori, en tout cas par SMS ou via le Facebook de l'émission. On l'appelle. Si il ou elle décroche et répond bien à ta colle, il gagne ou elle gagne. Si il ne décroche pas ou ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagnes. L'iPad mini qu'on offre donc ce soir. Allô ? Allô, bonjour, allô. Comment tu t'appelles ? Salut, c'est Nelio. Salut Nelio, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, là. Je t'appelle avec notre ami Christopher, il a une colle à te poser, là. Vas-y Chris. Alors, c'est, je suis indispensable à la vie de l'homme, et quand je m'arrête, on me choque. Qui suis-je ? Je dirais le cœur. Ouais. Eh ben Nelio, c'est gagné. Oui, oh, c'est bon, ça. Eh ben voilà, bravo Nelio. Eh ben, voilà, l'iPad mini cool. Pour toi, hein. Ah bah, avec plaisir. Je rappelle d'ailleurs que si vous avez des colles à poser, vous voulez aussi faire comme Christopher et la poser. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs que le poseur de colle gagne, hein. Oui, c'est vrai. On pourrait croire comme ça que ça n'arrive jamais, mais c'est faux. Eh bien, vous pouvez faire un mail sur le mail de Sandro maintenant. Sandro@funradio.fr. Inscrivez-vous. Vous mettez votre colle et puis, bah, ce sera peut-être vous demain à partir de 23h qui allez passer pour peut-être gagner l'iPad mini. Bon, eh ben, Christopher, désolé pour toi. Tu retournes ta chance quand tu veux, hein. Ouais. Bon, bah, à bientôt, hein, Christopher. Ah, désolé, Chris. Oh, ça arrive. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, bah voilà. Ah, il a l'habitude, bah, très bien. Eh bah voilà, Christopher. Salut à toi. Et Nelio, eh bah bravo à toi. Tu repars avec l'iPad mini. Tu restes au standard. Et avec plaisir, on te reprend dans quelques minutes, d'accord ? Merci. Salut, salut. Ciao à toi. Bon, allez, on va parler des rêves. On va parler avec Anaïs et Melvin dans quelques minutes. Et puis, bah, les appels de Toff, on s'est rendu compte dans une belle enquête américaine. Eh bah que... Bah, si t'as une grosse bite, voilà. T'es plus facilement cocu. Exactement, les femmes ont plus tendance à te tromper si t'as une grosse bite. Donc on appelle des c'est gens... C'est bizarre grâce... quand même ça. Bah ouais, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va. Merde, c'est Katy Perry. Bah, comme ça vous le savez, Katy Perry, on va l'écouter dans quelques minutes. Hein. Hop là, voilà, on va l'écouter dans quelques minutes. Mais là, on va d'abord appeler donc les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff. C'est parti, minuit 39, on y va, premier appel. Est-ce que la personne qu'on va appeler maintenant a une grosse bite ou pas ? Ou son mari peut-être ? Son copain, je ne sais pas, on va voir. Oui, allô ? Allô, oui ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari avait un gros sexe, madame. Va te faire conclure. Pardon ? Connard. Mais pourquoi vous dites ça, madame ? Pété. Enfin, madame, je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Allô ? Ah non, on a raccroché. Ah, on va tomber sur une bonne cliente, là, je pense. Hein. Bon, on va la rappeler. Hein. Ouais. Allez, hop. On y retourne. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, dites-moi. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si bah, vous aviez un gros sexe, monsieur. Oui, très gros, plus gros que le vôtre, sûrement parce que vous êtes complexé, que vous appelez pour demander. Ah c'est non. C'est pas de votre faute, des psychologues. Racontez-moi votre vie, qu'est-ce qui va pas, dites-moi. Non, pas du tout, monsieur. C'est gratuit pas... pour vous. Oui, j'aime bien les cons, dites-moi. Non, c'est racontez-moi pas. Racontez-moi tout. C'est pas ça, monsieur, c'est que. Vous n'avez pas de femme, vous êtes gay, vous avez un petit sexe. Ah non, pas du tout, mais il paraît que justement c'est mieux d'en avoir un petit parce qu'on a moins de risques d'être cocu. Ah, oui. D'accord, c'est vraiment pas de chance, hein. Vous êtes cocu, con, petite bite, sûrement moche à mon avis. Ah, il y a de fortes chances. Mais, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Et sinon, vous avez une vie ? Ah non. Oui, et d'ailleurs, vous avez eu mon numéro où ? Bah, dans un truc magique, ça s'appelle l'annuaire, monsieur. D'accord. Vous connaissez 118-118, tout au YouTube ? D'accord, et qui est... vous êtes qui ? Moi, je suis Toff, monsieur. Toff ? Oui. Toff. Oui, c'est moi. C'est bien. Bah oui, je trouve. Et on se connaît ? Ah non, on se connaît pas. Alors, écoute, t'es de où ? Moi, je suis de Paris, monsieur. Paris ? Oui. D'accord. Va te faire enculer. Et ah bah... si un jour tu passes en Savoie, fais-moi un petit coucou. Ah bah non, monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Mais moi, je vous appelle juste pour vous poser une question gentiment, et puis vous, vous d'accord. êtes désagréable. Vous connaissez la loi à propos des téléphones ? Oui, bien sûr. Alors je connais la loi pour les appels malveillants, monsieur, bien sûr. Surtout sur le caractère pornographique. C'est ma spécialité. D'accord. Oui, je connais bien. Donc si vous voulez déposer plainte, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous allez, vous dites que vous avez reçu un appel malveillant à caractère pornographique de TOF. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, hein. Vous n'hésitez pas, c'est ma spécialité. Non, mais ce sera fait. Bah, écoutez, je vous en remercie. Parce que pour le moment, je n'ai reçu qu'une plainte. Hein, et a priori, elle ne va pas aboutir. Donc ce serait sympa quand même que voilà, vous preniez soin de moi, quoi. Bah oui, quand même. Ah, bah vous voyez que vous êtes gentil. Oui, je peux. Eh ben voilà. Je suis très content avec les comptes. Ah hein. Bon. Eh ben très bien, monsieur. Allez, accroché, bah, très bien. Bah, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Bon, bah écoute, j'espère qu'on aura une deuxième plainte alors. Ah bah écoute, peut-être. Voilà, puisque je rappelle qu'on a porté plainte contre TOF pour avoir fait des appels malveillants à caractère pornographique. Exactement. Voilà, donc bon, j'espère qu'on aura plus. Bah, j'espère plus, aussi, j'espère. Si on voit plus. Bah, j'espère qu'il soit aussi condamné là, avant la fin de la saison. Condamné là à mort. Ce chien. On parle des rêves dans quelques minutes. Retour avec Anaïs et Melvin. Et puis on va se faire, bah, comme promis, le son de Mr. Probs. Maintenant, c'est Waves. N'oubliez pas également, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le, enfin vous pouvez me suivre, hein, sur le Twitter de l'émission et sur l'Instagram, tapez MIKL officiel, et puis si vous me suivez, je vous suivrai aussi, voilà, comme ça c'est, on se suivra mutuellement. Mr. Probs maintenant, au cœur de la nuit sans pub, c'est Waves sur Fun. Mr. Probs sur Fun Radio, minuit 45, la nuit sans pub, c'est MIKL No Limit jusqu'à 2h toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. MIKL de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il est minuit 45, comme je le disais, il y a Geoffrey qui dit salut l'équipe. Le meilleur rêve dont je me rappellerai toujours, c'est d'avoir fait un match de foot avec des araignées géantes dans un désert. Et le pire rêve, c'est d'avoir eu un nid de fourmis rouges à côté de mon lit. Je n'osais plus bouger. À mon réveil, je n'ai jamais autant transpiré la nuit. Ah mais toi, tu dois fumer des trucs un peu bizarres. Ah ouais, Geoffrey, là. Il doit prendre des plantes bizarres, lui. À mon avis, ouais. Il y a Salomé qui dit, quand tu fais le rêve de tomber, c'est parce que tous tes muscles se relâchent d'un coup. Ah, ça, ouais, ça pourquoi pas. Lucas qui dit, moi, je suis mort dans mes rêves. Bah écoute, toutes mes condoléances, Lucas. Canvand aussi, j'ai eu exactement la même chose que Polo. C'est trop horrible. Ah oui, c'est d'être enfermé dans son propre corps. Enfin, de rêver d'être enfermé dans son propre corps. Si, c'est ouf ce truc, ça m'est jamais arrivé non plus. Bah, ça doit être ouf quand ça t'arrive. Bah, c'est le même combat que quand t'es enfermé dans un cercueil, quoi. Ouais, ça m'est jamais arrivé non plus. Non, moi non plus, mais voilà. Il y a Bruno qui dit un big up à TOF pour le dernier appel, trop fort, tu me vends du rêve. Bah écoute, tant mieux. Avec plaisir. Et Léa qui dit, moi j'ai déjà eu un flash pour l'accouchement de mon frère, ça se passait exactement comme le flash que j'ai eu. Ouais, mais ça c'est ça arrive aussi, c'est un rêve que. Alors il y a deux sortes de rêves. Il y a un moment que tu vis et que t'es persuadé d'avoir déjà vécu. Voilà. C'est le déjà vu. C'est le déjà vu. Et puis après, t'as le au moment où tu te réveilles, tu te souviens d'une situation, mais tu n'arrives pas à savoir si cette situation est un rêve ou cette situation est réelle. Ouais, c'est... Voilà, donc c'est ça le truc, c'est que tu sais plus. Tu sais plus, t'arrives plus, donc c'est deux différences. Et Johan qui dit sur l'application MIKL No Limit, moi ça m'arrive souvent d'intégrer des sons extérieurs dans mes rêves, genre les aboiements de mon chien. Ah et putain, moi il y a un truc qui m'est arrivé. On venait à peine de m'offrir, je sais pas si vous voyez la lumière Philips là, tu sais, luminothérapie. Ouais, qui est censée te réveiller de manière calme et tout, le paisible, etc. Je l'avais mise, premier jour je la mets, heureusement j'ai mis ça un week-end, j'ai mis ça une heure pas trop tardive non plus et pas trop tôt quand même non plus. Et donc, je voulais quand même essayer parce que j'étais pas persuadé que le truc allait me réveiller, même si je me réveille avec pas grand chose. Mais bon, donc je mets le truc, je programme, j'ai mis bruit de vague. Ouais. Pépère, tu vois, réveille tranquille. Et ben, je me suis pas réveillé, au contraire, mon rêve en fait a switché. Et enfin, je me suis réveillé, mais après quelques minutes, et je râlais évidemment, puisque je rêvais en entendant le bruit des vagues que j'étais en train, que j'étais au bord sur une plage à Hawaï, tu sais, qu'il y avait les vagues et tout le bordel. Et puis je sais plus ce qui m'a réveillé, mais en gros le truc, juste les vagues, ça m'aurait pas réveillé, ça a influencé mon rêve, mais ça m'a pas réveillé. Ouais, mais ça, moi ça m'arrive souvent quand je dors dans un endroit où il y a des bruits, ça m'arrive de tout intégrer dans mes rêves, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est une horreur. Hein. Il y a Donovan aussi qui dit un œil à travers une serrure, c'est un de mes pires cauchemars. Comment ça, un œil à travers une serrure? Il a pris son œil et il l'a appuyé dans la serrure. Ah, ou un œil qui te regardait à travers la serrure. C'est plutôt ça, ouais. Et Nadia qui dit, moi je trouve que les rêves qu'on fait lors des siestes, on s'en souvient à mort. Ah, je sais pas, je ne fais pas de sieste. Ouais, moi je rêve pas quand je fais des siestes. Ouais, je sais pas. Non, ouais, enfin, tu te reposes, mais t'es imprégné de tout ce qui est autour de toi, donc au final, tu te reposes simplement. Bah, ça dépend. Si tu fais ça chez toi et que t'es au calme, y a pas de problème. Ouais, mais je sais pas, moi je m'endors pas assez pour. Je sais pas. Pour pas être conscient du bruit extérieur. Ouais, je sais pas. Attends, on va prendre Anaïs. Bah, merde, putain, Anaïs. Au moment où j'ai voulu la prendre, le truc avec marqué la ligne avait raccroché. Bon, en attendant, on va prendre Tim de Reville-Malmaison. Salut, Tim. Salut, salut, ça va? Comment ça va? Salut, Tim. Ouais, nickel. Bon, on va parler des rêves avec toi, puisque justement, on en parlait. Il y a des scientifiques qui. Enfin, c'est des médecins plutôt qui. On fait des tests avec des stimulations électriques et apparemment, selon la fréquence qu'on envoie dans le cerveau, on fait des rêves plus ou moins sympas. Donc en gros, on peut faire des rêves ou des cauchemars. Et donc, je voulais savoir, vous, si vous aviez déjà fait des rêves, quels étaient vos rêves, quels étaient vos cauchemars également. Et on en parle, voilà. Donc alors, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as fait comme rêve, toi, déjà? Bah moi, effectivement, j'ai déjà fait le rêve où on tombe dans un trou noir. C'était quand j'étais petit. Je me souviens, je me voyais dans mon lit et au pied de mon lit, enfin, il y avait une échelle et je tombais vraiment dans un trou noir. Et je me suis réveillé en sursaut parce que j'avais vraiment la sensation quoi de tomber quoi. C'était assez ouf. Ah ouais, putain, ça doit être ouf ça. Ouais, mais après, moi, ça m'est jamais arrivé de rêver de tomber dans un trou noir, mais ça m'est déjà arrivé de rêver de tomber. Ça oui. Mais je pense que c'est la même chose, non? Ouais, c'est à peu près la même chose. Mais c'était vraiment bizarre. Mais j'ai déjà fait des rêves aussi où je volais. Ça, c'était assez cool. Tu volais dans les magasins ou Non, dans les airs. Ouais, ça c'est. Tu sais, parce que moi, je suis un mec qui suis toujours en retard. Et donc, sérieux, Duff? Non, c'est pas vrai. Regarde. C'est tout le temps, espèce de con. Hier, il était en avance. Et aujourd'hui aussi, on a des rendez-vous à 13h45 et est arrivé à 45. C'est un homme nouveau. Ah. Depuis qu'il est au régime, là, maintenant. Je change, je deviens. Bah non. Ça, le voyant ou la voyante qu'on avait eu avait dit que t'allais changer. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est comme quoi. Moi, j'ai toujours pas trouvé de meuf, hein, mais bon. Ouais, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, c'est souvent, en fait, je rêve que, tu sais, pour rattraper le temps, en fait, je vole. Et que donc je gagne du temps comme ça. I believe I can fly. Exactement, ouais, c'est ça. I believe I can touch the sky. Mais en fait c'est le chaboté, tu sais, je mets mes grosses bottes et puis hop, je peux voler. N'importe quoi. C'est n'importe ouf, ça. Quoi. Non mais attends, mais t'es sérieux avec ça là? Mais oui, je suis sérieux. Tu voles, tu crois que tu voles? Ouais, je crois que je suis capable de voler, que donc c'est comme ça que je gagne, rattrape le temps. Ah, ça doit venir d'un truc en psychiatrie. Ah, attends, sûrement. Et là, Tuff avec ses bottes de 7 lieues. Et là, je cours sur les toits de Paris. Oh là là. Et il est là avec sa musique de merde. Enfin, c'est pas la musique de merde, mais avec la musique, c'est genre dans son rêve. Et dans ces moments-là, je crois que j'ai des abdos, que je suis beau gosse. Et ouais. La mèche dans le vent, mais. Et en tu fait, voles non. aussi avec le drap du lit à l'arrière, là, c'est comme ceux qui ont une cape. Non. Ça, j'ai pas. Je vois déjà faire I Believe I Can Fly, donc il doit être bien. Dans le rêve de Tuff, ça doit être quelque chose. Déjà dans sa vie, ça doit être quelque chose. Mais dans son rêve, je pense qu'on est au top également. Enfin bref. Bon, et quoi d'autre comme rêve, Tim, du coup? T'en as d'autres? Eh ben, pas vraiment que je me souvienne là récemment. D'accord, eh ben c'est mais pas grave. Mais c'était ouf parce que genre, j'avais fait un rêve justement où je volais et j'étais genre à, par exemple, 2 mètres du sol et les jambes croisées tranquille et je me déplaçais comme ça, les bras derrière la tête. Normal, oui, effectivement. En mode chill un peu. Ah, ça m'est déjà arrivé de rêver, mais alors ça c'est parce que c'est plus un kiff qu'autre chose. Enfin, c'est plus un truc que j'aimerais réaliser parce que je pense pouvoir le faire. C'est rêver que je suis dans un avion que. Non mais c'est vrai, écoute, ça m'est arrivé. On peut voir roulement de tambour pour ça. Non, je m'écrase pas. Enfin, je fais tout pour ne pas m'écraser en l'occurrence. Donc les deux pilotes, crise cardiaque. Le drame. Voilà, c'est ça. Les deux, attention. Hein. Bah oui, non, bah tu sais, genre ils ont bouffé un truc, j'en sais rien moi. Crise cardiaque ou tomber dans les pommes, après c'est un rêve, hein, je suis pas dans le détail près. Et puis là, et bah évidemment, je propose mes services pour faire atterrir l'avion. Parce que j'ai déjà essayé dans un vrai simulateur, un hein, vrai chez British Airways, tout ça. Ça s'est bien passé, j'ai éclaté quelques pneus, mais l'avion a atterri sans dommage. Mais voilà, presque bien. Presque bien. Donc je me dis que si je l'ai fait sur un simulateur, je pense qu'avec une aide au sol, je pourrais le faire sans. Enfin, je pourrais le faire, sans trop de problème, je sais pas, mais en tout cas, je pourrais le faire. Donc, du coup, je me dis, putain, j'aimerais vraiment que ça arrive. Et le pire, c'est que je l'ai fait, je l'ai rêvé, j'étais content, hein. Putain, j'avais atterri et tout, c'était le top. C'était la star. J'étais content, hein. Non, je m'en fous de la star. Comme un héros. Non, mais c'est même pas ça, je m'en fous, c'est juste, putain, t'as réussi, quoi. C'est ça la folie. Mais, putain, moi, j'aimerais bien, à chaque fois que je prends l'avion, je dis, tu sais, je suis toujours aux aguets, je dors pas dans l'avion, hein. Déjà, j'arrive pas à dormir, et je ne dors pas car au cas où, ce qui me rendrait le plus ouf. Ils t'appellent pas, ils appellent un autre mec à ta place. Ah ouais, j'ai compris le délire. Franchement, je pense que je peux me lever, je lui mets une patate au mec. Et je lui dis, écoute-moi bien, je suis le remplaçant, donc tu te casses. Mais c'est bizarre parce que moi, le seul rêve que j'ai en avion, c'est de me faire sucer par les hôtesses. Ouais, bah enfin, vu la gueule des hôtesses. Non, il y en a des bonnes. Oui, non, mais il y en a, mais. Sur Etihad, c'est les plus bonnes meufs du monde. Sur Etihad, oui, mais bon, tu voles rarement sur Etihad, malheureusement. Si, ça arrive, ça m'est arrivé. Oui, bah oui, enfin bon. Elles sont bonnes. Et donc voilà, ça, c'est un de mes rêves. Et c'est un de mes rêves, et c'est aussi pour ça que je ne dors pas dans l'avion, car si jamais il y a un problème, je veux être le premier prêt, au cas où, qu'on m'appelle, qu'on me demande, quoi. D'accord. Voilà. Ah mais là, c'est plus qu'un rêve, c'est un fantasme, carrément. Ah ouais, non, ça peut arriver. Ça peut arriver, non, ça rien. Peut arriver, ça peut arriver, mais effectivement, ouais, c'est un fantasme, j'aimerais bien. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Ah ouais, ce serait le top, ça. Bon, enfin bon, après, on verra bien un jour. J'essaie de prendre l'avion le plus souvent possible pour ça. Je fais croire à ma copine, c'est pour partir en vacances, mais en fait, pas du tout. Il en a rien à faire. C'est il dort. C'est l'avion. On va où? En Australie, il y a 18 heures de vol. Parfait. Parfait. Ça me fait toujours 18 fois plus de chances d'avoir un problème que si je vais à Marseille en une heure, tu vois. Va au bout de tes rêves, n'hésite pas. Écoute, I believe I can fly. I can touch the sky. Bon, mais merci, Tim, d'avoir appelé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Bah, de rien, ça marche. Et je voulais juste vous poser une question. Dis-moi. Si je veux passer à assister à une émission, genre il faut que je t'envoie un mail. Non, en fait, je vais te donner mon numéro de PayPal. Voilà, tu fais un virement. Tu payes la cotisation et puis après tu peux venir, et pas de problème. Okay, non, bah tu vois avec Sandro et puis tu diras quand tu veux venir et puis pas de souci, ouais. Et ça en parlant de venir assister à l'émission, où est Jade? J'en sais rien. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai eu au téléphone. Non, mais voilà, c'est juste, je voulais signaler que voilà. Je pense que le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à tenir parole, dans le sens où la curiosité a pris le dessus, elle a vu ta gueule, et puis bon, bah voilà. Je pense que tout s'est arrêté là. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai reçu une photo. Ah! Et à mon avis, c'est du fake, parce qu'elle a l'air top. Vas-y, fais voir. Regardez. Ce serait du fake, elle peut pas être bien. Bah c'est un peu trop c'est un peu trop pour être honnête. Bon, pourquoi? Non à la limite. Bon, pourquoi pas? Donc moi ça me choque pas. Voilà. Ah bah attends, Jade est là. Oui, Jade. Oui. Bon bah alors t'es où? Parce qu'il y a Tof qui s'inquiète. T'as pas été voir sa photo, hein? Non pas du tout. Bon, ça va, très bien. T'es toujours en arrivage là? Oui, j'arrive dans 10 minutes. Dans 10 minutes, très bien, avec la radio à fond de balle, parfait. Bon, on t'attend, Jade, alors, à tout de suite, alors. Très bien. À tout de suite, Jade. Bon, bah, Tim, donc, tu viens quand tu veux, tu vois, avec Sandro, je te la repasse maintenant. Merci. Salut, bien, Tim. C'est cool. Salut. À bientôt, ciao à toi. À bientôt, les gars. Allez, bye. Anaïs, avec nous également maintenant de Chili Mazarin, qui voulait donner son avis par rapport à notre ami Melvin qu'on n'a plus. Mais c'est pas grave, j'espère qu'il écoute encore la radio. Melvin qui devait rencontrer la belle famille. Melvin qui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il sort avec une meuf. Donc c'est la belle famille qu'il va rencontrer. Sauf que, bah, il y a quelques mois, il s'est tapé la sœur. Mais il n'était pas avec cette meuf à l'époque. Donc il ne l'a pas trompé. C'est juste que, bah, c'est pas de bol. Il a peur que la sœur le reconnaisse. Et donc Anaïs de Chili Mazarin, en 91, 20 ans. Bonsoir Anaïs. Ça va bien? Ça va. Bon, t'es sûr, hein? Oui, ça va. Ah, parce qu'on t'entend mal, Anaïs. Vous m'écoutez, ça? Bah, bouge un petit peu, là, pour voir. Ah, non. Parce que là... En fait, on a l'impression qu'elle est dans le téléphone. Ouais, et que ça coupe, surtout. Ouais. Rebouge un peu, Anaïs. Ça? Ouais, bah essaye pour voir, hein, parce que juste sur le A, ça a bien marché, mais après, je sais pas. Vous m'écoutez quand même? Ah, là, ça va, ouais, là, ça a l'air d'aller. Ouais. Bah, écoute, je sais pas si t'as bougé ou pas, mais ça marche bien, donc ne bouge plus. Alors, Anaïs, t'avais un conseil à filer à Melvin, toi? Alors, le truc, c'est que j'ai commencé à sortir avec une fille. Ouais. Après, elle m'a présenté à sa famille, j'ai connu sa grande-sœur. Attends, elle t'a présenté à sa famille, et puis quoi? Et j'ai connu sa grande-sœur. Ouais. Et j'ai commencé à... Attends, on a rien compris. Tu as commencé à quoi? Parce que ça a coupé. Elle a fait... T'as commencé... Oh putain, c'est dur, Anaïs. Hein. Tu peux pas bouger un petit peu parce que là, ça coupe de partout. Là, t'as commencé à quoi? J'étais avec les deux en même temps. Ah bah bravo! Il fallait savoir laquelle des deux était la mieux quand même. Oui, bah oui, t'as raison. Il fallait tester, mais t'as raison, c'est comme une voiture. Tu n'achètes pas la première qui passe. Tu dois essayer d'abord. Allons voir. Plus loin, est-ce que tu leur as bouffé la chatte? Bah oui. C'est le mieux, non? C'est le mieux. Non, mais non, pour toi, pas pour moi. Bah, mais quand pour tu essayes une voiture, tu la démarres. Bah, pour savoir, bah, quand on essaye un homme, on essaye, non? D'accord, non, j'ai jamais essayé d'homme, mais vas-y. Ou une femme, pour moi, c'est pareil. Et donc, en fait, j'ai commencé à être avec les deux, mais la mère a eu des soupçons. Attends, explique-nous un peu, parce que c'est important, la relation. Mais on s'en branle. Bon, alors, donc, du coup, t'as été. Donc, la mère a eu des soupçons, c'est ça? où elle commençait à avoir des regards un peu suspects, tout ça, et elle est venue me parler. Bah, elle voulait simplement, elle voulait simplement son ticket aussi là. Attends, oh. Ah non, ça fait trop après. Ah, c'était trop vieux, d'accord, ok. Et du coup, en fait, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec ma fille, et je lui ai dit mais rien. Elle m'a dit non, mais l'autre. Et du coup, je lui ai dit la vérité. Moi, je pense que c'est mieux pour lui qu'il dise la vérité, parce que ça a fait des histoires, vous imaginez même pas comment. Oui, mais toi, c'est différent, parce que ouais. toi, t'as trompé, enfin, t'as pas trompé, mais t'es sorti avec les deux. En même temps, lui, il s'est tapé une meuf un soir, un one-shot comme ça dans une boîte. Et puis après, quelques mois après, il se fait qu'il sort avec la sœur de cette fille-là, mais il faut pas le savoir. Donc tu vois, il l'a pas fait volontairement. Donc moi, je pense qu'il faut nier. Si jamais quelque chose te dit, écoute, non, je me souviendrai. Enfin, tu vois, parce que pour le coup, je suis le premier à dire que tout se sait un jour, mais là, je vois pas comment ça peut se savoir. Et si jamais ça se sait, bah t'as qu'à simplement continuer à nier en disant, écoute, ouais, non. Mais... Ouais, mais c'est sa sœur, elle finira toujours par lui retourner le cerveau, et les filles, c'est super rancunier. S'il lui montre il va être mal barré pour la suite. Ils disent rien. Ouais, mais là, par exemple, tu vois, ça me dérangerait pas, moi, si je tombe sur ma meuf et que ma meuf s'est tapé mon frère. En même temps, c'est un gros enculé, mon frère. J'en ai pas, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire, tu vois, à partir du moment où elle m'a pas trompé, je veux dire, ce qui s'est passé avant, c'est avant. Ouais, moi, t'as la raison, faut essayer les deux et après choisir la meilleure. Voilà, c'est comme le frère de Toff, c'est une grosse merde. Ah bah oui, ouais. Oh là là, quel connard. Voilà, il est gros enculé. Non, mais il ne sait. En fait, c'est différent de toi, il ne le savait pas, lui. Il n'a pas voulu les tester. Il a vu la fille, il a fait ce qu'il a fait, puis il a trouvé l'autre, mais c'est tout. Moi, Et c'est vrai, effectivement, tu peux. Fais comme elle, en fait, tu te souviens plus. Voilà, tu la rencontres, tu vois sa réaction. S'il y a déjà un truc, tu peux dire, ouais, peut-être, je me souviens pas, il y avait longtemps. Sinon, on ne dit pas, pour le coup. Non, c'est vrai, il a raison. Après, il s'en souvient plus. Pourtant, moi, il peut dire très bien qu'il ne connaît pas cette soirée, qu'il n'y a pas été. Voilà. Même prix, ça se trouve, elle ne se souvient même plus, la sœur. C'est possible, ouais, c'est possible. Ouais, oui. Bon, en alors tout cas, Melvin. C'est un mauvais coup, hein. Ah, ça, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est un autre problème, évidemment. Bon, écoute, en tout cas, Anaïs, merci d'avoir appelé. Je vous prie, bonne soirée. Je te fais des bisous, et puis tu reviens quand tu veux. Pas de soucis, merci. Salut. Ciao, Anaïs. Bye. On aura Mathis pour parler des rêves. On aura Laura aussi de Toulouse. Comment la ville rose? La ville rose? A priori, la ville rose va mal. Oui. Laura? Salut, Mickaël. Ah, comment ça va, Lolo? Ça va, impeccable, et vous? Écoute, plutôt pas mal, Laura, plutôt pas mal. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Laura? De sodomie. Ah, ça tombe bien, parce qu'il y a Jade qui va arriver, là. On en a parlé en début d'émission. Jade qui s'est faite défoncer par Amex week-end, donc avant, arrière, tout le bordel. Et donc, elle n'arrivait plus à marcher, donc... Ça tombe bien que tu en parles, justement. On va pouvoir avoir l'avis d'une professionnelle dans le domaine, a priori. Laura, tu restes avec nous et on va en parler. Oui. Rappelons que les filles, d'après certaines personnes, ne parlent pas comme ça. Non, pas du tout. Pas vulgaire. La preuve. Il y aura d'autres appels avec Toff tout à l'heure. Et là, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. Plein de messages encore que je dois lire dans un instant avec le hashtag et Mickaël. C'est après Katy Perry sur Fun. Le son de Katy Perry. Et oui, happy birthday. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos limites. On Fun Radio. Exact. Et avant de parler sodomie, on va parler des rêves. Note, ça peut l'être aussi pour certains, allez savoir. Johan aussi, ou Johan, qui dit le rêve est un phénomène naturel dû à ce que l'on a fait, vu dans la journée, mais aussi le changement fait dans l'endroit où on dort, par exemple. Il y a Clément aussi qui dit moi, ce qui m'arrive aussi, c'est pas forcément des rêves, mais comme je squatte chez des potes la semaine, trois nuits par semaine à Paris, et puis le reste du temps, je suis chez moi à Bruxelles. C'est, du coup, il y a des moments. Sa peau, etc. Hein? Indochine. Non, c'est toi qui l'a. Ah ouais, d'accord. Okay. Je te fais une culture un peu particulière, ouais. C'est une chanson d'Indochine. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que je dors pas tous les soirs au même endroit. Du coup, il y a des moments où parfois je me réveille. Tu sais pas où t'es. Et je sais plus du tout où je suis, en fait. Tu sais, je regarde, et puis tu sais, il faut le temps, et puis après je me dis, ah ouais, ok, c'est bon, je suis là, donc tel jour, on est tel jour, c'est parfait, ok, c'est bon, ça va. Tout va bien. Et donc t'as un moment d'angoisse, d'angoisse, puisque tu sais pas où t'es. Bah oui. C'est quand même de la folie. T'es perturbé. Oui, c'est bizarre. T'es complètement perturbé, donc voilà, c'est pas un rêve, mais c'est pareil quand tu te réveilles, quoi. T'as aussi un moment de réveil où tu sais pas ce qui se passe. Clément qui dit, pas un de mes pires cauchemars, je marchais au bord d'une route en pleine nuit, au milieu d'un bois, un motard arrivait sur moi et il me tirait dessus une dizaine de fois, j'étais pas mort, il est revenu, je me suis direct réveillé. Ah ouais, parce qu'il est venu pour t'achever, Clément, je pense. Hein. Il y a Sangoku aussi qui dit le truc de tomber très haut dans un rêve, ça veut dire que ton cerveau envoie des pulsations pour te faire croire que tu tombes, vraiment pour que tu te réveilles, parce que à cet instant, t'es en train de mourir réellement ou l'un de tes organes vitaux est en train de lâcher. Non, je pense qu'à mon avis, le cerveau, il a simplement envie de voir quelque chose d'autre que tes rêves de merde et qu'il t'envoie un petit coup, une petite pulsation pour que tu te réveilles parce qu'il aimerait bien que tu te manies un peu, là, à mon avis. Il y a Léa qui dit « Je veux dormir, arrêtez de parler de trop noir. » Bah, peut-être que tu feras un rêve de trop noir, Léa, on ne sait pas. Valo qui dit « Des fois, je rêve que je mange un plat quelconque et quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir le goût de ce plat dans la bouche. » Alors ça, c'est pas impossible parce que le goût, c'est quelque chose qui est traduit par ta langange, par tes papilles gustatives, etc. Et en fait, tout ça, c'est dans le cerveau. Tout est stocké dans le cerveau. Donc, ouais. À la limite, si le cerveau te dit que t'as un goût comme ça et pas un autre en bouche, bah, t'auras ce goût-là et pas un autre. C'est comme quand tu manges du crocodile. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer. Moi, j'ai déjà essayé. Quand tu bouffes du crocodile. Du vrai crocodile ou du, oui, du vrai bonbon. Crocodile. Ah ouais. D'accord, bah non. Un vrai crocodile quoi. Tu bouffes du crocodile comme tu bouffes du poulet ou du poisson, bref. D'accord. Et donc tu bouffes du crocodile, c'est très particulier parce que ça ressemble à du poisson. D'accord. Mais ça a le goût du poulet. Ah oui, c'est. Donc quand on te prévient pas, on dit c'est du crocodile, je dis bon bah je vais essayer, tu vois, pour goûter. Donc j'essaye et puis bah tu vois du poisson, donc tu t'attends à avoir un goût de poisson. Différent forcément. De ce que tu as l'occasion de goûter, mais ça reste du poisson, sauf que tu ne t'attends pas à avoir un goût de poulet quand tu mets du poisson en bouche. Ah oui, bah, c'est très perturbant de manger un truc. Quand ton cerveau est. T'as une frite en main. Ouais. Tu vois la frite, donc ton cerveau s'adapte déjà à avoir un goût de frite qui sera plus ou moins différent d'une autre frite, mais il s'adapte à ça. À aucun moment, quand tu mets une frite, t'es censé avoir le goût d'un chocolat, par exemple. Et Toff m'avait raconté la même histoire avec le caca. Mais c'est qu'il a dit de la merde. La fois, il a mangé du caca, il disait. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, mais j'adore ça, moi, voilà. Manger du caca. C'est ma plus grande passion. Voilà. On s'en attendait pas moins. Bon, et donc avant de prendre Laura là, pour parler sodomie, il y a Mathis également de Poitiers là. Salut Mathis de Poitiers. Salut. Mais t'as un doux, toi, Mathis. Oh là là, elle va te coucher, toi là. Hein, t'es un doux? Non. T'es pas un doux? Non. Bah, t'es quoi alors? Ne nous oblige pas, t'as Roger. Hein. T'es quoi? Je suis pas un doux. Bah, si, t'es un doux. T'as quel âge? 13 ans. Eh bah, t'es un doux, mais t'as pas encore mué là. Mathis? Il y a ma mère. Ah, il y a ta mère. Ouais. Sa mère. Fais comme si de rien n'était, vas-y. Ouais, siffle. Non, ronfle. Vas-y. Vas-y, Mathis. Fais comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce qu'il fout de bout encore à ce tour-ci? Ta mère, elle est ouf ou quoi? Jette-lui le téléphone dans la gueule. Ça, Mathis? Ah là, il est en mode camouflage. Oh ouais. Le bouffon, il peut pas parler. Oh le bouffon, le bouffon, Mathis. Oh le bouffon. Mathis, fais souffle dans le téléphone si tu m'entends. Bon, tu souffles une fois pour oui, deux fois pour non. Ta mère encore là? Je crois qu'il est décédé. Souffle. Souffle une fois pour oui. Ta mère est encore là, donc c'est ça? Parfait. On a un doux à l'armée, là, ça y est, il est en mission. Il est en camouflage. Ouais, il est en mission là. Camouflage. Bon, elle est encore là, mais c'est pas possible. Souffle encore une fois pour oui. Hein. Oui, oui, une fois, tu souffles deux fois pour non. Est-ce que tu penses qu'elle va se barrer? Parfait. Ah, c'est bon. Ça va pas tarder. Ouais, très bien. C'est dingue, c'est doux. T'as vu comment c'est des enfumeurs? Ah, des enfumeurs. C'est fou. Ça me rappelle moi quand j'étais un doux. Et puis il est là sous sa couette, il fait semblant de dormir ce chien. C'est clair. Bon, c'est bon Mathis? Tu sais, c'est dommage qu'on n'a pas le numéro de la mère, on aurait appelé la mère pour lui dire qu'il est en train de faire de l'enfume, comme ça elle le grille. Ah non, on aurait pu appeler la mère, on aurait mis Toff avec la mère. Bah ouais, moi comme ça parlé. Mathis, il aurait pu parler pépère. Ouais. Bah oui, c'est pendant qu'il est en train de parler, de l'emmerder avec ses appels à la con. Ah là. Oui, c'est vrai. On aurait fait une pierre deux coups. C'est vrai. Bon, Mathis, ça va aller ou tu veux qu'on te reprenne demain? Demain. Bon, on va faire ça alors. Bon, salut Baptiste. Hein. Salut. Putain, il a attendu 1000 ans pour passer à l'antenne. Mais il est passé. Au moment où il passe, sa mère rentre. Bah ouais, c'est bien fait pour ça. On pouvait pas le savoir en même temps. Le pauvre. Bon, bah tant pis. Bah, du coup, on va parler sodomie. Tiens. Laurent. Ah, bah voilà. Bah voilà, on a pas perdu le champ en fait. On a pas perdu le champ. Tiens, il y a Nadia qui dit obligé de faire des codes avec Baptiste. Bah oui, mais sinon, on pouvait pas. Et Andreas qui dit le doux, il s'est fait cramer. Bah écoute, apparemment pas encore. J'espère pour lui que non. Et Jean-Pascal qui dit salut Mickaël. Moi, je rêvais qu'une personne prenait mon âme. Et là, impossible de bouger, de crier. Ça fait peur, un truc de ouf. Ah oui, bon, j'imagine, effectivement. Et Sonia qui dit mort de rire la conversation avec Mathis. Et Sonia Time aussi. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait un incendie. Je ne pouvais rien faire. C'était l'horreur. Et Jojo78 sur le Facebook. Moi, j'ai une technique pour me souvenir des rêves. Ah bah vas-y, raconte Jojo78 là, qu'on sache un petit peu là. Bon. En attendant, Laura, t'es là de Toulouse? Oui. Ouais, très bien. Alors, bon, qu'est-ce qui t'amène? Toi, tu voulais parler de sodomie, qu'est-ce qui se passe? Allez, n'hésite pas avec les détails, hein, n'hésite pas. Nous, ouais, c'est ce que je préfère, professionnel, ouais. Enfin, pas trop non plus. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? T'aimerais bien, t'as pratiqué, qu'est-ce qu'il y a? Oui, pratique, mais c'est pas forcément par rapport à moi, c'est déjà par rapport à un général. Je voulais savoir si, quand on pratiquait la sodomie assez régulièrement, est-ce qu'on pouvait avoir une certaine incontinence à long terme, ou s'il y avait des effets physiques particuliers? Attends, oui. À moins que tu te mettes des concombres tous les soirs, mais sinon, non. Non, il y a un moment, si tu veux, il y a un muscle qui retient tout ce bazar. Hein. Oui, il y en a, ouais. Je dis ça parce que je l'écoutais tout à l'heure. Mais tu peux le déformer. Je l'écoutais tout à l'heure avec le doc qui disait qu'il y avait un muscle qui, un muscle très fort qui retient tout ça. Je crois que les actrices porno, elles sont obligées de faire des lavements, pour le truc. Et en fait, elles mangent des trucs spécifiques parce que sinon, ça tout coule tout seul. Non, mais c'est vrai. Ouais. Okay. Ah, je sais pas. Ouais, mais pourquoi elle est à fond, c'est usine. T'as déjà testé? Ouais, mais c'est ça. Et après, elle pratique aussi combien de fois par jour aussi? Oui, mais moi, plusieurs fois par jour ou une fois par jour. C'est plutôt une fois. Une semaine de temps. Ah oui, mais alors tu risques rien. Mais bon, à la longue, on se me pose quand même la question. Ouais, mais non, à 40-50 ans, Mais non, il n'y a pas de risque. Mais il n'y a pas de problème. Bah, dites-nous, tiens, si vous avez déjà pratiqué la sodomie, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème, je sais pas moi après. Mais non, mais ici tu peux pas avoir ce problème parce que enfin c'est le sphincter, il fonctionne quand tu chies, ça se passe comment? Il s'ouvre et ça coule. Ouais. Et quand tu mets une bite, c'est pareil, il s'ouvre, elle rentre et une fois qu'elle sort, c'est fini. C'est juste c'est en fait le problème c'est si tu spécialises la sodomie. Non mais c'est le truc. Mon cul est déformé. Le problème c'est si tu forces, mais tant que mais on est bien d'accord que t'as des actrices de cul, elles ont le trou de balle défoncé quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tu pratiques, ne fais pas de dessin, les gens ne le voient pas. Non, parce qu'il est en train de me montrer le trou du cul comme ça. Il fait, regarde. Avec ses deux doigts là. Regarde. Oui, regarde. C'est un. Bien large. Ah, d'ailleurs. Regarde. Donc, ça, c'est mon trou de cul et ça, c'est ma bite. Bien large. Donc ta bite. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est distendu parce que elles viennent de pratiquer et donc quand tu viens de il reste quand tu chies, tu vois, ça reste un peu ouvert et puis ça se referme. C'est pareil. Mais c'est pareil. Ouais, mais attention, le caca il vient de l'intérieur. Là ça vient de l'extérieur, oui, c'est un corps étranger, Tof. Oui, mais c'est pareil, la seule différence c'est il faut pas forcer. Si tu forces, ouais, c'est là que ça va, tu vas l'éclater. Ah, t'es obligé de forcer, Tof. On va demander l'avis aussi des filles sur lesquelles on a déjà testé, même des mecs aussi dans l'absolu. Et si vous êtes même médecin, pourquoi pas, si vous voulez donner des infos un peu plus précises. Et ta copine Laura l'a déjà testé, hein? Comment? T'es pas avec une copine à côté? Aussi, je suis avec plusieurs. Ah bah voilà. Il y en a aucune qui a testé? Si, mais plus ou moins. Parfois c'est voulu, parfois c'est pas forcément voulu. Comment ça, c'est pas voulu? Dérapage incontrôlé. Ouais, non. Alors ça, je vais vous donner. Alors je vais vous dire les filles directement. Elles m'entendent là ou pas les copines? Oui. Bon, alors salut les filles. Bon, il y a pas de dérapage incontrôlé, ça n'existe pas ça. Ça c'est une enfume que les mecs inventent. C'est comme un jour je te sais bien. Ah bon, non mais je préfère préciser parce qu'après il y a des filles qui vont peut-être se dire bon tant pis, il a glissé. Non. Le mec vous fait croire qu'il a glissé. Je vais me mettre tous les mecs à dos, mais j'en ai rien à foutre. Le mec vous fait croire qu'il a glissé, mais en fait pas du tout. C'est comme une meuf un jour. Une meuf un jour avec qui je suis sorti il y a longtemps. C'est-à-dire que à un moment elle me taille une pipe et puis elle va jusqu'au bout. Et je dis ouais, mais tu sais, c'est pas obligé. Ah si, mais en fait je l'ai fait parce que mon ex il m'avait dit que sinon vous ressentez rien. Ah, je dis putain, mais lui il s'est bien foutu de ta gueule quand même, parce que là quand même, moi par exemple je m'en branle, tu vois, complètement. C'est-à-dire que qu'elle aille jusqu'au bout, enfin tu vois, qu'elle avale ou qu'elle avale pas, par exemple, je m'en bats les couilles. Si elle veut le faire parce qu'elle aime bien, si elle veut, mais je veux dire, ça ne change rien. Non mais c'est vrai, c'est de l'enfume. Par contre, hey, les filles, polo@funradio.fr, envoyez-moi des photos de votre trou du cul, je peux vous dire comment ça se passe. Non mais c'est vrai, c'est médical. Vous le faites chacune, ça peut être drôle. Vous faites des self-cul. Vous faites un self-cul, vous envoyez ça à Polo. Et vous pouvez faire le duck face avec le trou du cul. Ouais. Hein. Moi je prends. Mais moi et je faites le making of que les T'as vu, il y a les Chinois qui ont inventé un truc pour faire des selfies. Tu peux même des selfies avec. T'as des espèces de bâtons télescopiques comme un parapluie. Et tu mets le téléphone au bout et tu peux le mettre partout où tu veux. Et tu as un bouton directement en bas de la barre. Ça, c'est bon. Coup, en Bluetooth. Et donc, du coup, tu peux pousser et ça fait des photos. Ça, c'est bon. Non, mais c'est ouf, hein. Ah, c'est cool. J'ai vu ça quand j'étais à Bali, parce que c'était asiatique, évidemment. Et donc, il y avait des mecs, ils étaient en train de se prendre en photo, ils avaient, hop, le bâton télescopique, ils le sortaient en Bluetooth, et puis, hop, ils se prenaient en selfie avec le téléphone, qui était à plus ou moins 1m2, et voilà. Et ils étaient contents. N'hésitez pas, les selfies, là. On prend tout. Les selfies. Bon, Instagram, et c'est parti. Évidemment. Bon, alors, bouge pas de là, Laura. Enfin, les filles, restez avec nous. Si vous avez déjà testé les filles, appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0, et puis on va en reparler évidemment avec plaisir. On va se faire également d'autres appels avec Tov dans quelques minutes. Ah. Et puis on va se faire un nouveau son maintenant, c'est Oumé Toscan qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Raise Your Hands. 1h17 sur Fun Radio, il y a Rock'n'Wolf qui, moi je chie sur Tov. Bah écoute, t'as bien raison. Et Kevin aussi sur le Facebook, sympa. Bonsoir, je vous adore la famille, j'adore leur reportage sur la sodomie. Avec plaisir, nous sommes en parents de service. Le son de Oumé Toscan à l'instant sur Fun. No Limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limites. On Fun Radio. Et on est toujours en direct, évidemment, avec les appels de Tov qui vont redébarquer dans quelques minutes. Et 1h20, il y a Lucas qui dit: un jour, je suis allé dans un rêve. Boopsland, Polo aurait dû venir. Avec plaisir. Ah, bah ouais, là, j'imagine. Ah, il aura adoré Polo. Tu m'étonnes. Philippe, depuis l'application Mickaël, No Limites, qui dit: quelle idée de passer par les chemins boueux. On est tellement mieux sur les boulevards. C'est Philou, le routier de Brive, qui avait envoyé son message. Yaya aussi qui dit: quel dégueulasse, Mickaël, les filles se tapent des barres. Mais non, mais attends, mais pas dégueulasse, au contraire, j'ai tout fait pour essayer de filer un coup de main et pour que les meufs se fassent pas niquer par les mecs qui inventent n'importe quoi. Il y a Maxime aussi qui dit: salut l'équipe. Il y a de la meuf, les gars. Je bois un petit mojito. Où tu vas, jeune fille? Petite viens par dédicace ici à toi, Mickaël, en vous écoutant. Ben, merci Maxime, et pensez-nous pour le mojito, là. Tu peux filer aussi, hein, n'hésite pas surtout. Ah, Jade est arrivé. Ah, comment ça va? Nous voilà sauvés. Jade. Attends, on prend le micro là. Devant. Polo va t'attendre. Hop là. Tu connais ça. Hein. Voilà, Jade. Ça y est, c'est fait. C'est bon. Attends, approche-toi du micro, qu'on l'entende bien. Voilà. Comment ça va, Jade? Ça va très bien. Approche-toi encore plus du micro, comme moi. N'hésite pas à le mettre tout près de ta bouche. Ça n'a rien de sexuel, s'il faut vraiment le mettre tout près de la bouche, sinon on entend mal. Regarde, si je parle comme ça, on n'entend plus rien. Voilà, donc ça va bien, Jade? Ça va très bien, et vous? Bah, très bien. Écoute, ça tombe bien que tu sois venue. Parce qu'on était justement avec Laura là. Attends. On va essayer de récupérer Laura. Oui. Allô, Laura, tu es là? Oui. Très bien. Attends, on va passer un casque à Jade pour qu'elle puisse t'entendre. Et voilà, ça y est, c'est fait. Hop là. Parfait. Bon, Polo est aux petits soins. Oh là là. Ah bah oui, bah il est aux petits soins. L'aide. Bah bien sûr, elle est toujours dans l'aide. Alors il est toujours dans l'aide. Alors que les deux mecs qui sont venus, c'est va te faire enculer. Tiens, on met un casque de l'autre côté de la radio. C'est pas vrai, mon pas. Je t'ai pas ramené un casque. Eh ben alors, si, tu viens pas de lui choivre. Bah, il faut bien qu'elle écoute, sinon. Oui, c'est bien ce que oui, c'est ça. Ouais. Bah, bien sûr. Alors que nous là, bah les mecs, ils ont plus rien à foutre. Hein. C'est terminé. Bon, les gars, maintenant. Si vous pouviez partir, en fait. Ouais. Bon, du coup, Laura, t'es toujours là, les copines aussi? Oui. Bon, très bien. Donc Laura qui nous avait appelé, qui avait une grande question à poser, et comme on a Jade justement qui a l'occasion de tester, hein, répète la question peut-être parce que t'étais dans l'ascenseur ou quoi, t'as peut-être pas entendu. À force d'avoir des relations sodomies. Oui. C'est-à-dire régulièrement, est-ce qu'on peut devenir incontinente au bout d'un certain moment, quoi. Voilà, donc on va prendre Jade pour une médecin infirmière. Hein. Alors, est-ce qu'on peut devenir incontinente, Jade? Elle est en train de se mettre nue, là, j'adore. Après s'être fait démonter donc par le gourdin du week-end, bah oui, est-ce que tu as été incontinente, en dehors du fait d'avoir mal au cul? Non, faut aller à la salle d'avant. Ah, il vaut mieux. Ah. Ouais. C'est bien parce qu'elle dit, elle, tout à l'heure, oui, je me suis fait défoncer, mais par contre, elle dit, je vais à la selle. Oui, c'est normal. Non, mais c'est bien. Non, mais elle a raison. Donc, non, il peut pas t'arriver grand chose, Laura. Donc, t'inquiète pas, hein, même si je pense que tu le savais quand même déjà au cas où, mais au moins comme ça, tu le sais. Non, mais qu'elle envoie les photos, je lui dirai ce qu'il y a. Oui, ensuite, tu fais un self-cul. Et puis, n'hésitez pas, toutes les filles qui sont autour de vous, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Je vous ferai un petit rapport. Tout à fait. C'est professionnel, on attention. Ça, alors. Bon, bah, très bien, parfait. Bah, je te fais des bisous, Laura. Ça marche, bisous. Ah, attends, il y a un message qui est arrivé, il y a Franck qui dit salut l'équipe. Je pense que le sphincter, c'est comme un biceps en musculation. Tu le travailles un jour, tu le laisses se reposer un jour, tu le retravailles, puis repos et tu vas gagner en masse musculaire. Et tu pourrais recevoir encore et encore, mort de rire. Ouais, après tu peux même prendre éventuellement des petites... Ouais, tu peux prendre des espèces de pots de protéines. Ouais. Tu prends de la prot pour faire monter un chèque directement dans le fion. Voilà, exactement. De la prot de cul. Ouais, tu voulais dire encore un truc? Ouais, c'est parfait. Eh ben, très bien. Écoute, nous, si on peut rendre service, toujours avec plaisir. Tu peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. À Fanny, Manu, Mathilde et Robin. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne, Laura? Comment? Qu'est-ce que tu n'avais pas compris dans une personne? Une personne. Elle a du mal, hein. Ouais, ouais, bah, elle a toujours pas compris. Hein. Ouais. Robin, alors? Oui, non, mais c'est trop tard. T'en avais déjà fait 3, maintenant tu en as fait 4, donc tu vas bien baiser. Là. Bon, Laura, c'est pas grave. Au sens figuré, bien entendu. Bien sûr. Je te fais des bisous quand même. Salut, Laura. Bonne soirée. Salut, à bientôt, Laura. Ciao. Il y aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Et alors, Jade, la grande question maintenant à te poser, hein, puisque tu es venu, on t'a eu au téléphone tout à l'heure, t'avais testé Tinder. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, comme tu n'avais jamais vu la gueule de. Enfin, en tout cas, pas vu la gueule de Toff. Quel est ton avis là, sincèrement, il est en face de toi. C'est moi. C'est lui. Voilà, Polo, c'est à côté. Polo, Mickaël, Sandro. Voilà, et Sandro. Ça, si on ne connaît pas. C'est sur les fais pas stagiaires. Attention. Voilà. Non, c'est les auditeurs qui sont passés nous voir, mais bon. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Sois franche, honnête, et on ne foutra pas dehors si jamais tu dis l'un ou l'autre. Non, mais vraiment. Attends, c'est horrible là, parce que je viens de voir Toff, et Toff, il était comme si. Quoi, comme s'il était dans un jugement. Ouais, il a fait comme ça. Ouais. Et là, j'ai failli pleurer parce qu'on aurait dit, tu sais. Mais parce qu'on était. C'est mon jugement dernier. Oh, c'est là, je vais. Il y a une autre jeune fille là, qui est pas mal aussi, là. Qui fait semblant. Comment s'appelle? Adrienne. Adrienne est bien. Adrienne, aussi. Très bien. Mais après, c'est on demandera l'avis d'Adrienne. Tinder aussi. Ou pas? Non, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle, d'accord. Mais on demandera l'avis d'Adrienne aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas mon style. Ouais. Pour un soir. Ah mon dieu. Bah écoute, je suis disponible pour ce soir. Je suis libre ce soir, il y a pas de souci. Oh, il est content, l'autre, ça y est là. Attends, est-ce que tu peux enlever la merde que t'as dans l'œil? Non, afin de mieux voir Toff. Elle a dit pour un soir. Ah voilà, non mais elle a pas ses lunettes. Ah oui, mais c'est pas grave, pour un soir. Ben elle aimait pas et on je te ramène ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Adrienne, la copine, qu'est-ce que tu en penses physiquement? Je pose la question à toutes les filles, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas grave. Voilà, tu peux bouger le micro aussi. Je ne sais pas, on dirait de la merde. Si c'est pour un soir, c'est bon, je suis libre demain aussi, hein. Donc Ah, même pas un soir. Même pas un soir. Non, mais que ce soit pas possible, je le conçois tout à fait. Mais ça ne répond pas à ma question. Tu as répondu à ma question par une autre question. Après, il faut voir le corps. Hein. Oh, bah, c'est encore pire. Ah, bah, alors, c'est encore pire. Alors là. C'est-à-dire que. Profite comme ça. Non, je voulais dire, mais Jade a eu une bonne remarque. Même bourré, ça marche pas? Non. Même bourré, putain, merde. Bon ben Jade, on va être obligé de finir à deux. Hein. Mais j'aurais bien montré la vidéo de Playboy, mais malheureusement YouTube nous l'a viré. Oui. Ils ont mis le temps avant de se rendre compte que on a été censuré parce que Toff était nu avec une comment dire, avec une un corps d'athlète, avec un boxeur Playboy. Hein. Ah non, j'étais pas photoshopé. Où ça, sur Playboy? Ah non, il est dégueulasse comme ça, on n'a pas fait pire. Hein. Ah non, on n'a rien fait, hein. on a absolument rien modifié. Hein. C'était horrible. Ah oui, c'était dur. Il y a Polo qui est en train de chercher une photo où Toff est en mode sexy lady. Enfin, non, sexy boy plutôt. Tu trouves pas là? Mais non, il n'y en a plus. Bah, on les a pas virés quand même. Bah non, elles sont plus. Si, quand il a fait la barre de pole dance là. Mais il est pas nu. Je suis pas nu. J'ai juste pas le bas, mais j'ai le haut. Ah, t'avais le haut là? Ouais, comme le bas, c'est ce que j'ai de mieux, tu vois, c'est ça passe. De quoi. Mieux, t'emballes pas non plus, hein, faut quand même pas c'est déconner. La seule partie musclée de mon corps, faut en profiter. Oh merde, je suis déçu là. Bon, bref. Et y'a pour... que ça qui est musclé chez toi? Bah, apparemment. Ah ouais, le bide, non, c'est. Ouais, je suis désolé. Et encore là, il est en mode régime, hein, mais bon, ouais. Problème, c'est que voilà, c'est même une voiture, hein, tu peux la bichonner. Si t'as une Polo, elle deviendra jamais une Porsche. Hein, ouais. Mais enfin, t'inquiète, je vais me servir de mes 10 doigts et ma langue. Ouais. Ouais, bah écoute, nous voilà rassurés. Tiens, pas besoin d'autres muscles. Il y a le Club Bed qui dit Mika, tu peux donner mon Facebook à Jade, s'il te plaît, je l'invite pour visiter Bruxelles. Ah bah très bien, bah là elle est à Paris hein, pour le coup, hein, mais pourquoi pas, éventuellement. Il y a Félix qui dit après l'anus se serre, il faut pas croire qu'on se vide. Oui, non, effectivement. Et Johan aussi, ou Johan qui dit tant que le sexe dépasse pas 18 cm, ça va pour deux fois par jour. Ah bon, bah ça va alors. Alors en parlant de sexe, justement, Jade, tu nous as dit que tu avais rencontré. Ah ça y est, alors attends, bon Adrien, viens voir. Oh! Oh, so sweet. C'est laquelle? So beautiful. Playboy, c'est une photo. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Adrienne? Tu changes d'avis, je pense. Elle kiffe, Adrienne, elle est bouillante. Ah ouais, putain, elle a changé d'avis. Là, elle a envie. Ne te touche pas, Adrienne, enlève ta main. Non, pas ici. Des UV, là, c'est pas possible. Ah, c'est juste ça qui te choque? Ah, c'est ici, y'a que ça qui te choque, ça va alors. Attends, dans le micro, Adrienne, on t'entend mal. Non, dis pas ça. Non, le caleçon, c'est très bien. Il était magnifique, le caleçon. Vas-y, repose la question. C'est qui le mec sur la gauche? C'est un playboy. C'était moi avant l'opération du visage. J'étais tellement beau que les filles me harcelaient. Ouais. Je me dis, je vais me faire une gueule de merde. Voilà. Il ne fait malheureusement pas partie de l'équipe. Voilà. On a essayé d'échanger avec Toff, mais ça n'a pas marché. On a essayé d'échanger avec le mec de Playboy. Mais j'ai toujours son numéro si tu veux. Ah, écoute, on peut s'arranger. À la fin de la nuit, je te le laisse. Pour en revenir à Tinder, c'est la première fois que tu as essayé Tinder. Oui. Bon, et donc tu es tombé sur un mec, puisque c'est là-dessus dont on avait parlé, puisqu'on avait fait les appels de Toff en disant plus les mecs ont une grosse bite, plus ils ont une chance d'être cocu un jour. Et donc, du coup, t'avais appelé Jade. Hein, oui. Voilà. Pour dire que tu t'étais tapé un mec. Non, je reprends tes termes. Tu t'es fait défoncer ce week-end. Démonter. Comme un pneu. Voilà, effectivement. C'est le démonte pneu qui est passé à la maison. Voilà, donc Jade s'est fait démonter ce week-end par un mec qu'elle venait de rencontrer, où elle a testé l'avant et l'arrière. Hein, comme ça, au moins, l'affaire est pliée. Elle avait du mal à marcher parce que le mec avait été surdimensionné. Tu vois le micro qu'on a devant nous? Est-ce que ça ressemblait au bordel? Un peu plus longue. Attends, non, mais c'est pas c'était un éléphant, un âne. Mais le truc, c'est un cheval. Je vais aller chercher Gilbert dans le bureau. Vas-y, va chercher Gilbert dans le bureau. J'y vais là tout de suite. Eh ben, va directement chercher Gilbert dans le bureau, là. Gilbert le magnifique. Et on va voir ce qu'on a, évidemment. On est sponsorisé par PassageDudésir.fr. Voilà, va le chercher en direct dans le bureau, là. Il est au bout du col. Allez, cours un peu, ça te fera un peu de sport. Voilà, allez, cours. Bon, maintenant qu'il est parti. En vrai. Il est dégueulasse. On est d'accord. C'est quand même une horreur. Ah, Adriane, elle fait libre. Adriane, c'est la nouvelle meilleure amie. Parce que Jade, j'ai l'impression qu'elle a la dalle sur tout. Donc, Jade, toi, t'as. Pourquoi je dis Jade? Adriane, t'as un mec, toi? Non. T'as pas de mec. Je pensais que c'était pour ça que t'étais pas en chien, mais. Reprends le micro, un peu plus près. Donc, maintenant qu'il est parti, parce que t'avais l'air un peu timide. Enfin, pas timide, mais t'avais un peu peur de lui dire des choses, je pense. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord, ok. C'est pas mon style, et puis voilà. Non, mais physiquement, mais je me doute que ce soit pas ton style, mais. Elles sont gentilles quand même. Ah oui, c'est ça, j'essaye d'avoir une de deux en qui. En fait, il est dégueulasse. Bah voilà, putain, on y est. Oh là là. Dégueulasse, mais tu t'en ferais bien ton 4 heures, juste une fois. Même pas 4 heures. Bon, 3 heures. 30 minutes. Ouais, bon, allez, 30 minutes, si tu veux. Voilà, c'est ça, 30 minutes. Bon, Toff va revenir maintenant. Hein, t'as 2 minutes et demie, pour moi, c'est bon aussi. Hein. Moi, je prends devant l'ascenseur. Voire 30 secondes. Ben, c'est trop long. De quoi? 30 secondes, pour moi, c'est trop long. Je suis. Voilà. Ah oui, c'est trop long, 30 secondes après. Non, voilà. Bon, on parlait des rêves aussi. Encore plein de messages qui sont arrivés. Il est de retour, là? Non. Est-ce que vous faites des rêves érotiques, les filles? Est-ce que vous vous touchez toutes les deux, des fois, dans les rêves? Est-ce que. Il est complètement barré. Tu m'as regardé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec complètement dingue? Bon, c'est bon, on si a. Si, vas-y, Adriane! Non. Adriane, si, tu fais des rêves érotiques. Elles se touchent, elles sont un peu touchées l'épaule. Non. Si. Dans le micro, les filles. Prenez bien le micro devant vous, parce que sinon on entend mal. N'hésitez pas. Enfin, devant votre bouche, hein, pas devant vous. Devant votre bouche, comme moi, voilà, comme moi, comme tout le monde. Bon, donc, rêve ou pas? En réalité, pas dans les rêves. En réalité? Bah, très bien. Ah, vous c'est comme les mecs. Attends, parce qu'il va pas dormir la nuit. Oh là là, pour Polo, là. Tout ça, pas par le menu. Attends, je suis là. Raconte-moi tout ça sur Polo, elle fait de radio. Bon, on a les sextoys qu'on offre avec passagedesir.fr. Oui, on les a. Donc voilà. Nous avons Gilbert le magnifique. Bon, alors, est-ce que c'est le même modèle que t'as rencontré le mec de Tinder? Plus large. C'est pas possible. Alors nous avons Funky Rabbit. C'est qui ça, Funky Rabbit? Bon, c'est un nouveau Funky Rabbit. Un commercial. Alors regardez, c'est du latex. Je vous recommande le Funky Rabbit avec ses 3 positions. Ah ouais. Alors. Je vois mal. Bon, sors le matériel, sors le matos là, sors le matos. C'est une mitraillette, juste quand même. Attends. Ah non, mais ça c'est du gros matos. Attention. Ah oui, mais c'est une double bite. Ouais. Non, c'est pas une double bite, c'est qu'en fait tu te le mets et t'as ça qui va sur le clito. Ah, je te fais l'article. Et en plus t'as des boules qui tournent à l'intérieur. Ah, le plastique, c'est la protection. Non, c'est la protection, ça s'enlève. Oui. Arrêtez avec tout ça parce que je vais bander, moi. Je vous le dis tout de suite. Je vais défoncer sans drôle. Ça t'excite de voir des grosses bites. C'est du matériel neuf. Ah oui, encore heureux. Et donc, alors, en termes de taille, toujours pas. Même avec passagedesir.fr, on n'a pas trouvé. Parce que plus gros que ça, c'est quand même violent, quoi. Assez grand, c'est long. Non, mais c'est quand même très long là quand même. Non mais attends, parce que. Attends, on va sortir. Je vais sortir Gilbert parce que on va Gilbert sortir il est Gilbert. Quand même très large. Oh putain, quelle horreur. Non, apparemment c'est plus large. C'est plus large que Gilbert. Mec, waouh. Putain. Ah bah là on va ranger. Je voulais t'en offrir. Est-ce que c'est aussi large que ça? Donc putain, je suis déçu là quand même. Ah, je m'attendais vraiment à plus lourd. Bah c'est beau. Ah, si bon, c'est bah, trop petit, c'est trop petit. Ah, on bah, peut pas lui offrir. C'est trop petit, bah oui, effectivement. Bah tant pis. Hein. Bon, bah c'est pas grave. On va continuer à balancer vos messages. On va vous mettre des petites photos quand même du, des deux sextoys qu'on vous offre, entre autres avec. Et j'ai sorti celui-là pour, pour faire une photo. C'est l'œuf. Ah, c'est l'œuf vibrant, d'accord, ok, très bien. Donc, offert par. passagedudésir.fr. Voilà, on va vous mettre les photos comme ça, vous allez bien vous rendre compte que ce que Jeanne a pris ce week-end était encore plus grand. C'est énorme. C'est quand même assez surréaliste. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de Deoro maintenant sur Fun Radio avec Five Hours. Il est 1h33 du mat, on est au cœur de la nuit sans pub, on est pépère, il y a les appels d'Otof dans quelques minutes, les derniers de la journée d'ailleurs. Et tous vos messages aussi avec le hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimi jusqu'à 2h. Le son de Dioro à l'instant sur Fun Radio, c'était Five Hours. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun Radio, toujours jusqu'à 2h du mat, avec un message de Joe qui dit: mettez une photo de vous avec Jade, l'équipe. Bah, on a prévu une photo d'elle, enfin de Jade et d'Adrienne, avec les sextoys qu'on vous offre faire part. passagedudésir.fr. Voilà d'ailleurs. Vous voulez garder les filles ou pas les deux sextoys? Non, bah dans ouais, le micro, parce ouais, que. Adrienne est là. Ouais, je veux le garder, ouais. Bon, j'en veux un autre, je veux l'œuf aussi, je vais me le mettre. Adrienne, elle est en chien, mais bon, donc du coup, vous pouvez le garder. Alors, attendez. Ah. Qui va prendre lequel? Je vous mets la photo, hein, comme ça vous allez voir dans quelques secondes. Attends, bougez pas là. Hein. Qui va prendre quoi? Dans le micro, les filles, dans le micro! Voilà. C'est lequel? C'est écrit dessus en haut. Ça, c'est Funky Rabbit et celui-là, c'est Gilbert le Maléfique. Funky Rabbit. Et bah, Jade, tu peux prendre Gilbert. Et bah, du coup, elle a pas le choix. Hein. Si. Mais on voit qu'Adrienne est gourmande. On en a un autre, hein, Funky Rabbit. Et puis qu'elle est connaisseuse, hein, c'est le truc avec le moteur, tout le bordel. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs vitesses et voilà, tout. L'autre, c'est plus ça. Commencer. Voilà, l'autre, c'est plus un manuel. Bon, c'est un basique, l'autre. Ouais, l'autre, c'est ça. Gilbert, c'est le basique, alors que c'est effectivement le moteur. Mais vous allez le voir, je vous mets la photo dans quelques secondes sur le Facebook, le Twitter et sur l'Instagram. Il y a Aria qui dit: je veux bien te connaître, Tof, t'es mignon, mais refais-toi juste greffer des neurones, c'est un conseil. Ouais, ça va être dur, ça, par contre. Hein. Oui, ça, c'est effectivement, c'est compliqué, hein, je le confirme. Bon, en parlant de Tof et de neurones, on va donc faire les appels, ce pourquoi d'ailleurs Jade est passé ce soir, puisqu'on avait fait, on avait demandé à des gens, donc, oui, de réagir par rapport à cette enquête américaine. Voilà, c'est-à-dire que si les mecs ont une grosse bite, généralement, ils ont plus de chances d'être cocu. Exactement. Donc, on l'avait appelé tout à l'heure et on va continuer à appeler maintenant. C'est parti. Hop là. On enchaîne maintenant, 1h39 sur Fun Radio. Allô? Oui, allô? C'est qui? Oui, je m'appelle Tof, madame. Oui? Et en fait, je voulais savoir si votre mari avait un gros sexe, madame. Quoi? Est-ce que votre mari a une grosse bite? Allô? Allô? Oui, bonsoir, oui. Monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez une grosse bite, monsieur. Oui, Fun Radio, oui. Ouais. Non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah, si. Ah, bon. Si, c'est pas Tof? Non, pas du tout. Non, c'est son double. Oui, sans doute, parce que je vous écoute souvent. Ah oui, bon, forcément. Bon, une bonne soirée alors. Bah, de même, puis continuez comme ça, c'est bien dans votre émission, continuez. D'accord, merci beaucoup, bonne soirée. De rien, je t'en prie, au revoir. Ciao. Ah, c'est grillé, donc. Hein. Oui. Ah, et c'est là, quoi, là, c'est mort. Ah, et là, c'est con. Bah, du coup, on en fait un autre. Bah oui. Bah, bon, oui. Bah, du coup, on fait un autre, alors c'est parti. Hein. Allez, hop, on y va. Comment s'appelle l'autre? C'est Gilbert le Magnifique, Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez un gros sexe, monsieur. Oui. Ah, et vous savez que vous avez plus de risques d'être cocu. In English, explain me your point. Oui, par contre, vous parlez anglais comme une vache espagnole, un peu, non? Yes, of course. You speaking very pas très bien anglais. I think I had a better than you. Do. Ouf. But, why can we have an mechanized number? Ouais. Je pense que vous devriez continuer en français parce que l'anglais c'est vraiment pas votre langue. Hein. Hey, you are calling me with Un quoi? C'était énorme. Vous pouvez me la refaire? Un unknown number. Ah oui, le uncognized number était pas mal. Moi j'aimais bien le uncognized. Ouais, je préfère uncognized. Hein? Ouais. Bon, et donc, alors sinon pour votre bite, alors la taille? Oh, yes. Non, parce que c'est pas la peine de faire semblant de parler anglais, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, hein, parce que bon, là on sent bien que vous avez jamais eu vraiment la moyenne en anglais. Hein. Thing is. I don't think you didn't have you too. No, if you want to speak English with... Never did you. Listen to me, motherfucker. Eh? I speak very good English. So if you want to try me in English, you don't have to do it, okay? You understand what I mean, motherfucker? Let's do it. Eh? Okay, let's do it. Bon. Son of a bitch. Okay, let's do it. Okay, donc tu vois, essaye pas de me tester en anglais. Try to speak English with me. Bah, moi, je veux bien essayer, mais vous allez pas suivre, donc... Hein? Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, hein? et puis je vais vous laisser avec votre anglais miteux. Bon, c'est quoi ton bordel là? Pourquoi est-ce que tu m'appelles un inconnu et pourquoi est-ce que tu veux pas dire qui tu es là? Bah si, moi je m'appelle Toff. C'est qui Toff? Bah c'est moi. Parce qu'en fait c'est moi qui appelle. Donc c'est comme c'est moi qui appelle, c'est moi Toff. Mais pourquoi tu m'appelles un... Je sais pas qui tu es. Là. Non, on se connaît pas en fait, moi j'appelais juste pour savoir si vous aviez une grosse bite ou pas. Je trouve que... Dans vos questions... Dans votre voix, ça dénote une sorte de dynamité grise. Oui. Qui. Pas qui fait peine, mais qui. C'est dur, hein. Oui. Bah, qui est désespérante pour vous. Moi le désespoir. C'est-à-dire, voilà, vous avez un désespoir gris. D'accord. Moi, j'ai un désespoir coloré. D'accord. Je sais pas. On prend des cocktails. Je suis pas dupe. Hein. Oui. J'imagine que vous appelez, que vous savez très bien qui vous appelez. Ah non, pas du tout. On ne se connaît pas, monsieur. Si. À mon avis, vous appelez de quelqu'un qui me connaît. Ah non, pas du tout. Et bon, après ça, ce sont. Comme on dit, c'est fou ce qu'il y a de gens courageux chez des. Oui. Oh, il m'a saoulé. Bah chez les lâches. Voilà, très bien. Eh bien écoutez monsieur, on va se souhaiter une bonne soirée. Cette discussion n'avait ni queue ni tête, mais était fort intéressante. Non, elle n'avait ni tête ni queue, et elle n'était absolument pas intéressante. Très bien. Vous m'avez pollué. Très bien. Eh bien écoutez, on va... Je crache dans le ciel. Voilà. Eh bien écoutez, très très bien. Ça m'a fait énormément plaisir de parler avec vous, mais là je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ah bah il est parti. Oh là là là. Ah mais bon, qu'est-ce qui m'a saoulé l'autre là. Ah, il est loin. Il a pas réussi à répéter donc. Ah il était loin lui. Ah il était complètement loin. Il était complètement loin. Et vous avez vu l'interprétation de Toff en mafieux. New-Yorkais, sauf qu'il avait l'accent anglais. Ouais. Tu sais c'était New-Yorkais avec l'accent anglais qui était là. Enfin bon. La photo. Moi j'ai pris le premier dialogue que j'ai trouvé sur internet. Je me doute. La photo est sur Instagram, Twitter et sur Facebook avec avec Jade, Adriane et avec Gilbert le Magnifique et Funky Rabbit. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir les deux offerts par passagedudésir.fr. Bien entendu. Et on a Jonathan avec nous de Nancy. Salut Jonathan. Ouais, salut Mickaël. Ouais, salut Jonathan, comment ça va? Bien, nickel. T'es en forme? Ouais. Bon, très bien. Tu voulais parler à Jade, toi? Oui, parce qu'elle avait l'air d'être assez coquine. Ah, bah écoute, ouais. Hey, on peut pas voir Jean-François? Parce que je pense que là, on peut se. On peut... Ah là, on peut voir un truc, hein. Tu connais Jean-François ou pas? Non, ah, non, bah très bien. Tu vas découvrir un moment. Si on arrive à le joindre, parce qu'à cette heure-ci, là, c'est un peu tard, mais bah, je pense que même lui, déjà, il peut être au top. Enfin bon. Bon, bah, tu voulais parler à Jade, Jonathan. Bah vas-y, on t'écoute, sois le bienvenu alors. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Du voir. Moi-même, cool. Je suis sur Tinder. Non, mais ça, c'est sympa que tu viennes sur Nancy pour te faire un petit 5 à 7. Tu me payes le voyage? Ouais, ça peut se négocier. Ah, attends, parce qu'elle est pas loin. Parce que normalement, tu sais quoi, c'est un bouffon parce qu'il aurait dû dire oui, viens tout de suite, je paye. Tu vois, je suis un prince, je rack. Exactement. Alors que moi, je t'ai proposé de te ramener. Et il a fait, ça peut se négocier. Ça, c'est moi, pas bien. Moi, je rentre avec Adrien ce soir. Oui, parce qu'en même temps, il te ramène en autolib. Donc, pour pas qu'il n'y ait pas assez de courant dans la voiture, n'est pas la vraie qu'il arrive pas jusqu'à destination. Hein. Vous allez pousser, en fait. C'est pour ça que ça c'est ça, il n'est pas sûr d'avoir assez de jus dans la voiture. Donc, oui, bon. Pousser. Bon, Jonathan. Ouais. Bon, alors, c'est tout. Comme ça, t'appelles, tu viens jusqu'à Nancy, elle ne s'est pas quittée, elle ne sait pas pourquoi, comment, elle est magnifique. Rien. Elle a des beaux cheveux noirs qui lui tombent en cascade sur les épaules. Et elles sent très bon, les deux. Elles sent très bon. Elle a des pieds, des petits pieds magnifiques. Avec des... Non, mais sérieusement. C'est des... En même temps, me faire ça avec un inconnu, ça peut être sympa. Oui, bah après, je sais pas. Enfin, oui, non, pour le coup, oui. Apparemment, Jade a l'air d'être une connaisseuse dans le domaine. Tu m'envoies une photo ? Voilà, c'est ça, tu peux envoyer une photo. Envoie-la sur mikael@funradio.fr, comme ça je lui montre. C'est incroyable, cette fille est incroyable. Ouais. Voilà. Mais ça t'arrive souvent de taper des mecs comme ça sans. Que tu connais pas, je veux dire ? Comme tu l'as fait sur Tinder ce week-end. Bah non, le mec de Tinder, j'ai vu ça à la tête. Non, j'ai compris. Non, mais je veux dire, que tu connais pas, je veux dire, tu sais, des mecs. Bon, en soirée, on a pour soi hier. Oui. D'accord, non mais comme ça je sais, comme ça c'était pas un one shot, c'était pas un accident, je veux dire. Non, c'est pas un accident. Non, non, oulala, non, c'est pas un accident, ah, je te raconte là. Bon, attends, Jonathan, deux secondes, je pense que tu vas, à mon avis, devoir céder ta place à la star. Ah, il se branle déjà. Jean-François ? Jean-François ? Ah, il est en train d'ouvrir un paquet de cacahuètes ou des pop-corn. Attends, il est en train d'ouvrir sa variette, ouais. Jean-François ! JF ! Oh putain. Jean-François ! Jean-François ! Oui, allô ! Ah, et ben quand allô. Même, alors on a failli attendre ! Comment vas-tu, Mickaël ? Eh ben écoute, ça va bien ! Oui, moi aussi ça va ! Eh bon, bah très bien ! Eh écoute, bon, je te donne pas deux secondes avant que Christelle rappelle de nouveau, hein, parce que dès que tu passes à l'antenne, Christelle, elle arrive. Ah bah ouais, bah Christelle et Vanessa débarquent. Mais là, je voulais te présenter Jade, Jean-François. Jade. Ouais, Jade, c'est une auditrice, elle est passée nous voir ce soir dans l'émission, là, elle est avec nous. Eh, c'est du lourd, ma gueule. Eh, JF, tu sais pas ce que tu rates. Ah, c'est... Si, je sais ce que je rate. Ah oui, bah justement, ouais. Bon, ça m'emmerde quelque part. Bah oui, j'imagine, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, je te présente Jade, Jean-François. Oui, bonjour Jade. Bonsoir. Bonsoir Jade, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ah, vous pouvez vous tutoyer, hein, perdez pas de temps on avec ça. Tutoyer, bah, bien sûr, tutoyer, bien sûr. Bah, vous êtes... 49 ans. Bah, évidemment. Non, mais tutoyez-vous, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est très bien. Et en plus, il est légionnaire. Il a fait l'armée, bordel. Ancien légionnaire. Ah, bah voilà, bah, très bien. Hop, un point commun. Hop là, moi je dis ça, je dis rien. Et là, je sens qu'il peut se passer un truc. Hein. Ah, il peut se passer un truc, ouais. Oui, JF. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. T'as une jolie voix. Merci. Elle n'a pas que la voix. Hein. Il n'y a pas que... Devinez ce que c'est que ce bruit. Oh là là, oh, c'est violent. Ah, j'en connais une qui va s'amuser ce soir. Téléphone. Attends, elle n'a pas entendu. Répète un peu parce qu'il y a Apollo qui est en train de jouer avec son vibro là. Oh, il passait pas le mien. Hein. Tu disais quoi ? De jouer avec son policier. Comment ? Tu dis qu'il y a un de jouer. Eh, hey, JF. Non, c'était le God. Oh là là, il y a actuel fumeur, a priori. Hein, ça, c'est... Bon, Jean-François ? Oui. Bon, bah, Christelle vient d'appeler au téléphone, bah, bravo. Mais Christelle, attends, je me roule une clope là, en train de rouler. Tu dormais, hein, Jean-François ? Oui et non. Ouais, oui, enfin, non. Surtout oui, hein, plutôt oui que non. Hein. Ouais, ouais, bah, plutôt oui que c'est non. Pas hein. Sommeil profond. Bon, bah, très bien. Bon, Christelle vient d'appeler, bah, bravo, on l'a déjà eu hier, du coup, tu t'es pas remis encore de ta branlette d'hier, là. C'est pas remis. Bah, oui. Bon, bonsoir, Christelle. Oui, ça attends, va ? Oui, je suis déçu. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais, je suis déçu. Non, mais on n'a pas le temps, Jean-François, là. Oh là là. Après, tu veux bon. Pas plutôt me rouler la chatte ? Christelle ! Oui, c'est moi ! Je suis déçu, hein ! T'es déçu ? Mais oui ! On a fait l'amour comme des cochons hier, et tu me trompes déjà avec cette Jade, cette traînée ! Il rigole, il est content. C'est scandaleux ce que tu me fais, JF ! Fumé-tu ? Oui, ouais, ça c'est sûr. Excuse-moi, Christelle ! Oui, demande-moi pardon ! Je te demande pardon, Christelle. Voilà, et maintenant tu vas crier ton nom et tu vas me faire jouir comme une chienne, parce que je le mérite. Oui, je te jouisse comme une chienne, parce que t'es une chienne. Oui, t'es je suis ta chienne. T'en es une. Dis-le que je suis ta chienne. T'es ma chienne, Christelle. Ah bah bravo. Sébastien Cristal. Oui, dis-le plus fort. Parce que j'ai cru que tu as failli te tromper. Sébastien Cristal. Plus fort. Non, non, c'est Jeanne qui fout que... Dis-le plus fort. Allô, Jeanne. Oui. Ça y est, hein, t'es paquet, Cristal. Allô, Jeanne. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Elle est jalouse, hein. Elle est jalouse, hein. Ah oui, elle est jalouse. Elle est un peu quand même jalouse. Parce qu'elle a envie. Cristal, elle est contente, elle gueule. Elle... Parce qu'elle veut ta bite. Hein? Parce qu'elle veut ta bite, Cristal. Pardon? Parce que moi, j'ai des mal compris. Oui, je veux sa grosse bite dans mon petit cul. Et il sera pas pour toi. Il est à moi. C'est mon JF. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Je suis là. À l'aider. Oh là là, on va le perdre ce soir. On va le perdre, hein. J'aurais pas que fumer dessus, hein. Jean-François. Oui, Cristal. Bon, vas-y, baisse ton pantalon. Excuse-moi, Cristal. Baisse-moi ton pantalon. Bon, je vais baisser mon pantalon. Allez, enlève ton slip. Non, bon, je vais le faire. Voilà. Et prends-la dans ta main. Pense à moi. J'ai baissé mon jean, je suis en jean. Oui, mais enlève ton caleçon, on s'en fout de ton jean. Enlève mon caleçon, hein. Voilà. Enlève mon caleçon. Et maintenant, fais-moi entendre. Je suis là-bas, hein. Il doit faire mal. Fais-moi entendre. Fais entendre à Jade, voilà, comment tu te branles. Je suis tout nu. Voilà. Allez, fais entendre à Jade, comment tu te branles. T'es bien jalouse. Oui, je suis jalouse. Allez, branle-toi. Et fais-moi entendre. Écris ton prénom. Attends, pas toi à la fois. J'attends le téléphone et t'es jalouse. Oui, je suis jalouse. Allez, branle-toi, fais-moi entendre. Parce que là, je suis tout excité. Je mouille dans mon string. Cristal, tu arrêtes. Non. C'est très bien qu'on n'est pas ensemble tous les deux. Quand on est ensemble... Mais on s'en fout de ça. Je veux que tu me démontes le cul. Oui, moi je vais me défoncer le cul. Eh ben vas-y alors, prends-toi, JF. Oui, chérie. Voilà, fais-moi je entendre. Je suis en train de me branler. Fais-moi je entendre. Je suis en train de me branler. Je veux entendre ta bite. Tu entends? Non, j'entends pas, fais-moi entendre. Bon, si tu veux. Oui, je veux. Je veux entendre, voilà, comme ça. Vas-y, plus vite. Et maintenant, crie ton nom. T'as entendu, là. Oui, j'ai entendu, crie ton nom, Jean-François. Il est fatigué. Hein. Crie ton nom. Il va décider en plus. Là. Crie ton nom. Oh là là, Jean-François. Oh là. Hier, on sent qu'on l'a réveillé. Hein. Ça, c'est... Il a du mal à partir. Hein. Et puis, en même temps, il a démarré, du mal à partir. Bah hein. oui, mais en plus, comme tu t'es branlé hier, là, jusqu'à la finale, la grande finale, voilà. Avec Cristal et Vanessa, bah forcément, là, ce soir, t'es un peu plus fatigué. Comment vas-tu, Mickaël ? Bah moi, je vais bien. Hein. Là, tu sais que t'écoutes tous les jours. Ah, ouais, on se rend pas bien compte. Non, là, non. Tous les jours, Mickaël. C'est vrai, bah c'est gentil. Et ça fait 20 ans que je t'écoute. Ah bah oui, 20 ans, oui, oh là là, minimum, hein. 20 ans, j'étais comme ça. Fun radio. Oui, ah, fun radio, oui, bon, ça d'accord, ok. Fun radio, pas toi, mais il y a quelqu'un d'autre avant toi. Non, jamais. Non, la radio a été créée avec Mickaël. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y avait rien entre 23h et 2h avant. Il n'y avait rien. Non, mais oui. Bah écoute, bon, Jean-François, on va te rappeler la semaine prochaine. Comme ça, tu auras le temps de te remettre. Et boit, prends du sirop. Ouais, prends un peu de sirop. Ouais. Oh, c'est gentil. Eh, prends 2-3 cuillères d'un coup, ouais. T'emmerde pas, c'est hein. Gentil. Avec plaisir. N'hésite pas, parce que là tu te fais du mal, hein. Ouais. J'ai eu du mal, là. Non, mais c'est rien, ça arrive même au meilleur, t'inquiète. Ouais, c'est une petite baisse de régime, c'est pas grave. C'est rien. Cristal est déçu, mais. Voilà. Bon, salut JF, hein. Salut mon pote. Salut à toi, dors bien. Allez, give me 5. Ciao. Bonne soirée. Bye. Bon, ben finalement, Jonathan, t'as quand même un petit peu de chance, hein, malgré tout. T'as de la chance. Ah, t'as de la chance que Jean-François n'était pas au meilleur de sa forme. Il est pas au top. Hein. Ah ouais, parce qu'il était pas chaud aujourd'hui. Tu serais passé hier. Oh là là. Ah là, il était chaud. Ah bah, je peux te dire que hier. Ah bah, hier, il y a eu du loup, ça. Ouf. Là, c'était un autre niveau. Ah ouais, il y a Charlie qui est trop dingue, le mec. Il y a Johan qui dit présentez-moi la jolie Jade, je veux lui enfoncer centimètre par centimètre comme un véritable gentleman. Ah ouais, c'est Johan. Sale. Il y a Kiki qui dit très charmante, la Jade. De quoi, j'ai pas compris ce que t'as dit, Jonathan. J'osais pas le dire clairement, mais j'avais la même idée. Ah bah voilà, tu vois, copier des gentlemen qui écoutent. Bah oui. Elle est pas contre, hein, tu vois, il y a peut-être moyen de s'arranger. Et t'imagines, t'es en train de prendre des risques, ça se trouve, il ressemble à Toff. Hein. Tu l'envoies une photo? Bah oui, tu, bah oui, c'est vrai que non, tu mais regarde, elle a dit pour un soir, ça va. Donc c'est vrai, c'est vrai. Il y a très, très, très bourré pour toi. Et y a... bah viens, on va aller boire des verres, t'inquiète. Ah, mais si tu veux, on a du. On a du vin, on a tout ce qu'il faut. On a du rhum, on a du punch, on a du punch dans le bureau, si tu veux, pas de problème. On a de la vodka, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a Bruno qui dit Jade, trop magnifique. Bon, bah continuez à envoyer vos messages, n'hésitez pas. Bon, Jonathan, écoute, envoie la photo, je te forwarderai à Jade, et puis après, vous faites votre vie. Ouais, bah ouais. Eh bah ouais, pas de problème alors. Bon, on fait ça. Salut Jonathan. Ouais. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bah bonne soirée à toi. Bonne à bientôt. Soirée. Salut Jonathan. Ciao. On va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous n'hésitez pas. Bon, qu'est-ce qu'on va se mettre? T'as envie d'écouter? Vous avez envie d'écouter un truc, les filles, en particulier? En particulier, hein. Allô? Non? Non? Non. Non, rien de spécial? Rien de spécial. Bon, alors, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Je regarde. Oh, il y avait bien Bâtard, mon ami, hier. Une chanson dédicacée à Toff. Oui, c'est ma chanson. C'est pour moi. Adrien, Sean Paul. Lequel? Major Lazer? Ouais. Ouais, mais je l'ai mise il y a 30 minutes, là. Il fallait écouter. Bon, Pitbull, c'est bon, Pitbull? Oui. Pitbull? Bon, en même temps, vous n'avez pas le choix. Hop là. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos limites. On Fun Radio. Et toujours en direct, 2h du mat sur Fun, là, 2h01. Il y a Jean-Pascal qui fait une photo des filles, Mickaël. Oui, non, mais c'est fait, hein, les crevards, là, vous inquiétez pas. Tout ça donc jusque par terre, là. Faut aller voir, il n'y a pas de problème. Hein. Attendez, hop, micro, il est là, très bien. Et donc, sur le Facebook, vous pouvez voir aussi, y compris avec Gilbert le Magnifique et avec Funky Rabbit. Rabbit, exactement, Funky Rabbit que vous entendez là, hein, puisque Jade est en train de jouer avec. Voilà, donc là, c'est pour le clito. Ouais. Voilà, parce qu'elle ne fait pas tourner l'énorme membre avec bon, des boules à l'intérieur, c'est la folie totale, hein, c'est le truc. Il y a la télé dedans ou pas, non? Il n'y a pas la télé. Ça fait toaster aussi, si ouais, tu veux, tu peux mettre deux tranches de pain. Peut-être pourquoi ça s'allume pas? Pourquoi ça s'allume pas? Mais je ne sais ça, pas, ça écoute. Ouais. Pas, oui, c'est vrai. On demandera à passagedesir.fr pourquoi, il y a peut-être une raison. Si vous voulez, on a aussi des. Comment on appelle ça? Des œufs vibrants, hein, si jamais ça vous intéresse. Il y a une télécommande, tu le mets dans la chatte et puis si t'as envie, tu gères comme ça. Comme voilà, ou tu donnes à ton mec ou à Adriane et puis après, hop, elle avance le bordel. Enfin bref, une histoire. Bon, 2h02, on va se faire polo contre le reste du monde. C'est une grande émission où vous ne gagnez rien et rien. Où vous. Bah, si, le seul truc que vous pouvez gagner, c'est vous faire accrocher au nez. Ouais, et pour 200 euros, je vous donne le numéro de Jade. Que tu n'as pas. Je vais l'avoir pour 200 euros. On fait moitié-moitié. L'autre, il vend déjà un truc, il n'a pas encore. C'est pas ça, mal ça. Je suis né. Bon, allez, polo contre le reste du monde, c'est parti, on y va. On y va. Ah, ma nouvelle musique. Hop là, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Roberto. Roberto? Bah oui, ma Polo. Salut Roberto, ça fait longtemps Roberto. Bah oui, ça fait longtemps, là j'allume ma radio, qu'est-ce que j'entends? Il y a deux petites cochonnes à la radio, tu m'appelles pas? Bah non Roberto, c'est pas, elles font pas de films elles. Comment ça, elles font pas les films? Ah bah films? Non, elles font pas les films parce de l'art. Parce que moi j'avais justement l'idée d'un film de l'art, que ça va être beau, que ça va être magnifique. Calmez-vous Roberto, calmez-vous oui. Un peu, Vincent. Oui, bonsoir Polo. Ah, alors Vincent, c'est le roi des bouffons, hein, faut le dire. Pourquoi? Parce que t'es un bouffon, Vincent. Bah déjà, j'aime c'est pas ta musique de merde, déjà, derrière. Eh, ferme là où je te vire. Eh, en plus, tu te traballes avec un mec bizarre tout le temps, un espèce de gremlins. Oui, non, mais ça... Ça fait peur. Vincent? Oui. Ferme là. Le PDG. Alors, bonsoir, monsieur Polo. Bonsoir. Voilà, je vous appelle tout simplement pour vous féliciter. Écoutez, on est à plus de 15 milliards de j'aime sur Facebook. Mais oui, c'est ça le talent. C'est magnifique, monsieur Polo. Donc, j'ai une proposition à vous faire pour un nouveau contrat. Oui. Écoutez bien. Alors, si on appelait l'émission 23h-2h, Polo contre le reste du monde. Et, ah, à 20... et comme ça, à la place, ouais. À 1h50 jusqu'à 2h, au lieu de dire Polo contre le reste du monde, ouais. On dit Mickaël, nos limites. Très bien, le PDG. Marvin, le retour de Marvin, explique un peu ton cas. Alors, moi, ça fait 2 mois que j'appelle. 2 mois, ouais. Ouais, non, mais 2 mois, c'est long. Hein. Tu me dis de revenir tous les soirs, donc moi, c'est David Ivan. Pourquoi, Marvin? Pourquoi oui. Je te dis de revenir chaque soir? C'est parce que je... Parce que tu m'aimes bien. Eh ben voilà, Marvin. Maxou, le retour. Ouais, Paul, comment ça va? Je t'appelle de Bikini Bottom. Rappelle où c'est, Bikini Bottom? Bikini Bottom, c'est au fond de l'océan, chez Bob l'Éponge. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, chez Bob l'Éponge? Bah, je suis parti en voyage aujourd'hui et je suis bon. Très bien arrivé. D'ailleurs, j'ai emménagé dans une noix de coco. Merci Maxou. Alan! Polo, je peux te faire une blague? Cette voix. Est-ce que tu te penses les couilles quand tu me parles? Bon, je peux ou pas? Attends deux secondes parce que j'ai une vision magnifique. J'ai vu sur les seins de Jade. C'est magnifique. Vas-y, Alan, qu'est-ce que tu dis? Je peux te faire une blague? Attends deux secondes. Roberto, le retour. Bah oui, justement, j'avais l'idée comme ça de la scène que tu rentrerais dans les studios. Oui. Hein, et là, elle serait allongée, elle te regarderait avec le regard sulfureux de la chénorie qui a envie de se faire ramener les culs. Calmez-vous, Roberto. Calmez-vous. Vincent, le retour. Oui, il faut changer cette musique de merde. Et toi, tu vas changer cette voix de merde avant de me parler. Le PDG, le retour. Alors, pour cette promotion, il faudra répondre à trois questions. Je vous écoute. Première question. Qu'est-ce qui fait 15 cm et qui fait rêver une fille? Je sais pas. Un billet de 500 euros. Ah, super. Merci, le PDG. Marvin, le retour. Ouais. Donc, tu sais que les filles, t'as parlé de Tinder. Hey, Marvin. Oui. Tu me racontes ta vie, là? Non. Non? Bah, tu vas attendre un peu. Maxou. Ouais, pour te dire qu'on capte pas très bien la radio ici, donc malheureusement, il n'y a qu'une émission le soir, c'est Parleuse contre le reste de l'océan. D'accord. Rappelle où tu es, là, exactement? Mais je suis au fond de l'océan, chez Bob l'Éponge, je suis à deux rues de chez lui. Parfait, merci Maxou. Alan, la vanne. Alors, je vais te faire un blague. Vas-y. Attends. Tu connais la bonne curée et puis la bonne soeur? Non, vas-y. Si tu veux, c'est le curé, il dit à la bonne soeur, hey, « Eh madame, j'ai encore jamais vu de néné. » Ouais. Et puis après, la bonne soeur a dit, « Moi, j'ai encore jamais vu de Zizi. » Et puis après, le curé se m'a dit, hey, « Vous savez, si je mets le rifo, ça peut donner la vie. » Et la bonne soeur a dit, « Bah, mets-le dans le cul du chameau qu'on se barre là. » Un flop. Hey, ah, c'est Alan. C'est un échec Alan. Total. Ouais. T'es mauvais. Attends. Vincent, on va conclure, vite. Bah écoute, merci de m'avoir fait participer, bonne soirée Polo. Allez, casse-toi Vincent d'ici, vite, le PDG. Oui, monsieur Polo. Oui. Pourquoi les Belges vont à l'église avec un seau d'eau? Je sais pas. Pour l'Ave Maria. Vous en voulez une autre comme ça? Non, non. Ça va pas. Allez, reviens demain, ciao. Alan, conclusion s'il te plaît, le roi de la vanne qui fait flop. Bah j'en ai pas d'autres là. Bon, bah c'est mieux hein. Voilà, reviens demain, d'accord? Allez, casse-toi. Marvin. Ouais, donc je parlais de Tinder et ça fait quand même une sacrée surprise, tu sais pourquoi? Non. À Tinder. Hop là, dégage Marvin, hop là. Tu reviens demain Marvin. Maxou. Ouais, Polo, juste pour te dire que j'étais bien arrivé, je t'enverrai encore des nouvelles hein. Voilà, envoie-moi une carte postale. Ok, bah je ferai ça. Bon, merci Maxou, ciao. Et pour terminer, Roberto. Bah oui, et c'est là que tu mangerais goulûment le gland jusqu'à ce que tu aies le sextuge sang, et là il plonderait dans la gueule des litres de sperme. C'est le vibro de Jade hein. Oui, c'est le vibro de Jade. Oui, d'accord, non, parce que j'avais l'impression la ligne elle était coupée, que tu n'avais pas la quinquessence de mon art. Ce moment où les litres de sperme lui coulent là sur le visage, que tu lui en auras mis plein la gueule, et que là ce sera magnifique, que ce sera le plus beau film de ma vie. Roberto. Oui. Merci pour ça, au revoir. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça c'est beau. Exactement. Et j'adore magnifique. Ma nouvelle musique, ça me booste. Ça te booste, ouais. Nouveau générique, t'es j'adore content. Tout, j'adore tout là. Bon bah écoute, tant mieux alors, voilà. Si on peut rendre service, c'est toujours avec plaisir, évidemment. Bon, on aura le Top Twittos dans quelques minutes sur Fun Radio. On aura aussi le générique de fin, bien entendu hein. Et Top Twittos, donc, qui va pouvoir repartir peut-être avec un sextoy offert par Passage du Désir. Voilà. Bon, alors sextoy justement que vous avez pris les filles hein, Jade et Adrienne, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas testé encore malheureusement, mais je viens chez toi, je vais tester. C'est pour le reportage. Non, c'est au cas où il y aurait une panne. c'est Darty, c'est le service après vente. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Darty. Elle devrait faire un, comment on appelle ça, la boutique. Non, le dimanche on fait là. Là on parle la rupture, il y a là. Putain, j'oublie. Le match d'impro, mais quel rapport? Bah non, comme ça. Ah d'accord, ok. Elle a l'air de voilà. Ouais, avec faire des non mais on a tout le matos, c'est tout. Ah oui, là le matos c'est là effectivement. Bon alors on va y aller pour le top 8os. Donc quel est l'auditeur le plus influent ce soir sur le Facebook, sur le Twitter pardon, de l'émission avec le hashtag Mickaël. On va commencer par le numéro 5. Alors numéro 5 c'est Skept. Skept numéro 4. Nadia Le Prince. Évidemment. Numéro 3, Ben Laden. Numéro 2, Rock Wolf. Rock'n'Wolf? Rock'n'Wolf, ouais. Numéro 1, donc. Vladimir Poutine, évidemment. Vladimir Poutine qui a déjà gagné, malheureusement. Oui, mais bon, c'est Vladimir Poutine, il a le droit de gagner deux fois. Non, pas mais du même tout. 12. Même pas du tout. Donc ce sera Rock'n'Wolf, du coup, c'est ça le deuxième? Ouais, je pense, ouais. Bon, très bien. Qui gagne donc le sextoy offert par Passagedudésir.fr. Voilà. Donc vous gardez vos sextoys, les filles, vous voulez pas échanger, machin, tout est bon, c'est bon? Sextoy recommandé par Jade, évidemment. Évidemment, recommandé, hein, bien sûr. Dans la pub, Jade, j'utilise ça. Moi, avant, je me faisais démonter par des mecs qui avaient hyper bien monté. Mais attends, j'en ai rien à foutre puisque j'ai ça. Moi, j'ai mon sextoy, passagedudésir.fr. Exactement. Ah, bah voilà, là, on est bien. Ah, il est pas mal. Hop là. Voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, au moins, il est content. Je vais l'essayer, j'arrive. Ouais. Sur toi. Ah, t'as changé alors, apparemment. Non, c'est pas comme ça. Je te voyais pas comme ça, moi. Eh putain, bon. Y a des vitesses. Mais oui, y a des vitesses. Hop, regarde, hop, il va en arrière, il va en avant. Ah ouais, tu fais marche arrière, des fois. Ouais, c'est ouf. Et si jamais tu t'es trompé de sens, tu peux. Hop, je fais marche arrière. Tu reviens, tu repars et ainsi de suite, quoi. C'est le prochain du Polo découvre le sextoy. Tout à fait. Bon, générique de fin. Ouais. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, te sucer, toi l'enculé. T'es tel enculeur, ton cul, ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Je t'emmerde, gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Quand j'éjacule, c'est plein ta gueule, hein. T'as pas de couilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te fais un peu de buzz, gars, je ne t'as pas de merde. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Quand j'éjacule, c'est plein ta gueule. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes tes pitoffes, te sucer, toi l'enculé. Et aime tellement ça te faire enculer. Et toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, et ben voilà, pour une fois tu as réussi donc. C'est grâce à Jade. Ben voilà, c'est ça. Elle m'excite. Comme quoi tout arrive. Il est chaud, Polo, il est chaud, il est chaud. Il est bouillant. Il a une érection et donc il se cache un peu. Vous avez vu comment je me cache depuis Bah oui. Ah ouais, bah ouais, mais c'est pour. Pour une fois, je vois un sang. Bah c'est ça. C'est... D'habitude, tu vois ce tof. Ah ben oui, mais ça l'excite moins par contre. Oui, ça tout de suite, c'est moins alléchant, effectivement. Bon, ben merci les filles en tout cas d'être passées nous voir ce soir. Et puis, quand vous voulez, amusez-vous bien. Vous nous donnerez des nouvelles pour voir si ça marche bien. T'enverrai un mail. D'accord. Parce que comme pour l'instant, on ne fait que les offrir et qu'on n'a jamais de retour. On n'a jamais de retour, c'est marrant, t'as vu. Si ça se trouve, les sextoys de passagedudésir.fr sont de mauvaise qualité, on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais de retour. Voilà, alors que demain on aura un vrai testimonial, tu vois, comme dans la boutique. Voilà. Exactement, oui, alors moi j'ai essayé ça, tu sais, comme. Elle a réclamé des lampes, des lumières dessus. Oui, effectivement, ouais. Si monsieur Passage Désir nous écoute, Jade a demandé de mettre des lumières dans le sextoy. On ne voit pas très bien l'intérêt, parce qu'une fois à l'intérieur, de toute façon, on ne verrait pas la différence. Mais bon, c'est parce qu'elle a envie de se faire éclairer la chatte. C'est une manière de voir les choses, effectivement. Oui, effectivement. Lumière, celui-là. Effectivement. Merci les mecs d'être passés. Hein. On vous a un peu oublié sur la fin. Mais ils étaient contents, t'inquiète pas. Ils étaient contents, ils étaient bien installés. C'est par là, la sortie. On revient demain. Voilà. Mais demain, ce sera peut-être moins intéressant. Hein. Il y a peut-être des chances aussi. Hein. Très bien. Donc, bonne soirée, les filles. Merci. Et puis, les photos, enfin, la photo en l'occurrence, à voir sur le Facebook de l'émission. Sandro, qui va faire quoi ce soir? Ah ben je vais rentrer dormir. Non, ce là pas tout de suite. Ah bon? Ah je sais pas. Rigole pas, il fut un temps où tu faisais le ménage à 3h du matin. C'est vrai. Elle passait mais ça c'était pour arrondir les fins de mois. Véridique, je raconte l'histoire. Un jour on est chez on est dans une maison, il y a Sandro et tout, puis elle disparaît. Ouais. Et puis on dit mais elle est où? On sait pas et tout. Et tout d'un coup on entend. Et elle faisait la spa là. Voilà. Elle était là hein. Voilà. Et d'ailleurs, une grosse journée le lendemain. Conchita avec la même barbe et la moustache. C'était pareil, c'était exactement la même chose. Exactement, vours, la saucisse. Bon, le sport demain. Ah, sport demain. Ouais. Tu vas quoi, à l'aquagym? Comme d'hab, à la piscine. Bah non, comme d'hab, elle n'ira nulle part en fait. Arrêtez ce matin. Bah bien sûr. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je tweet, je le mets, j'ai des témoins. Ouais. Et bah demain, tu nous feras une photo dans le vestiaire. Nu. Non, mais elle a pas besoin de nu. Tu écartes ta chatte comme ça. Oh, avec ses vulgarités, vraiment dégueulasse. Cette émission est partie en live depuis que Jade est là. Ouais, ouais, tu feras juste une photo de ton casier à la piscine, ça ira très bien. D'accord, ok. Ouais, bon, enfin, si je joue ça, elle va aller là, elle fait une photo du casier, puis elle se barre. Bah, écoute. Au moins, elle aura déjà été, donc tu me diras. Non, parce qu'on peut pas lui demander de prendre son téléphone jusque dans la piscine, parce qu'une chance sur deux, elle le mettra dedans. Donc. Ah oui, il y a de fortes chances, même, effectivement, c'est plus qu'une chance sur deux. Bon, allez, bonne soirée, Toff également. Le son d'une fleur jusqu'à 6h du mat sur Fun Radio. Polo, tu vas faire quoi ce soir? Je vais aller me branler. Bah, très bien, bah, écoute, amuse-toi bien alors. Ah oui, par exemple, soirée, bah oui. Bah, on fait un gang-bang ou pas? Non, ça ira. Ah non, pas avec toi. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. C'est pour ça que tu trouves pas de fille. Mais il cherche pas, hein. Je cherche pas, je me branle. Il cherche pas des filles, cherche des blancs. Voilà. Et mais de toute façon, ça, on va boire un coup et puis hein, on va boire une bouteille et puis on finit la soirée. Ouais, ah bah, disons, bah bon courage, Jade. Hein. Amuse-toi bien. Elle a du courage. Je sens que c'est une meuf qui a la main sur le cœur et qui est prête à rendre service. Ouais, elle a du courage, je crois, effectivement. Allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain à partir de 23h sur Fun Radio. Ce sera la nouvelle édition, comme d'habitude. Demain 23h, on se fera le Je t'emmerde également. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez faire un petit canular, ce sera jeudi. On cherche encore des fans. On cherche. Si vous voulez jouer, on a des iPad mini à gagner. Il suffit simplement d'envoyer un mail à sandro@funradio.fr. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio.